écoutez. Oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Ça va ? Oui, ça va. Tu fais quoi de beau ? Elle a l'air content de la voir. Tu regardes la télé ? Ouais. Ah, d'accord. On se voit demain ? Ouais. Ok. S'il lui dit salut. Tu fais quoi de beau ? Oh putain, mais deux fois il pose la même question ! Stéban ? Oui ? Est-ce que t'es chanteur, toi ? Non, je suis DJ. Ah, t'aurais dû, hein, parce que t'as la voix DJ. Pour... Putain, tu devrais faire chanteur, mec. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Et oui, on est là, bonsoir tout le monde, 19h59. On est en direct jusqu'à... Et ouais, oh, ça fait bizarre de dire 19h. On a du rab. Ouais, on a du rab, ça fait bizarre de dire 19h. J'ai l'impression qu'on est hyper tôt dans la journée. Alors que là, dans 15 secondes, ce sera 20h. Et là, bah là, ça ira beaucoup mieux là. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Les Bleus sont rentrés à la maison. Les Diables Rouges sont rentrés à la maison également. Ils ont été félicités par le roi. Mais tout le monde n'est pas à la fête, comme ce supporter par exemple. Écoutez, ça vaut de l'or, hein, quand même. La Coupe du Monde pour les Français, c'est fini. Ah oui. Je leur en veux pas. J'ai kiffé tous les matchs, même celui-là, même si on est passé complètement à côté de la partie. Moi, je dis qu'on est passé complètement à côté de la partie. Si vous me regardez rigoler de moi, c'est vrai que c'est plus facile de courir que de rester sur un canapé. Les potos, vous êtes passés complètement à côté de la partie. Ah, écoutez là. Giroud, t'es rentré à la fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Quand tu es hors jeu, reprends ta place, cours, mange-le ton putain de pain. T'as compris? Enfoiré. Voilà, très gentil, hein, on sent le supporter quand même au taquet, vraiment. Alors, s'il écoutait l'émission tous les soirs de 20h à minuit, là, je suis sûr que ça le détendrait. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il s'est énervé comme ça, je comprends vraiment pas, enfin bon, bref. Bon, quoi qu'il en soit, on est là, il y a également Victor avec nous, là. Salut Victor dans le Doubs, là, à Clerval, ça va Victor? Salut Mickaël. T'es en forme? Ouais. Bon, t'as passé une bonne journée, qu'est-ce que t'as fait de beau? T'es déjà en vacances là, non? Ouais, j'étais à la piscine. Ah, la piscine, tranquille. Ah, ça pue, la piscine. Bah, ça dépend. T'as joué au foot aussi? Bon, bah très bien. T'as joué contre qui? Quoi? Tu joues en club ou c'est comme ça avec des potes? Ouais, mais là, c'était pas un match, c'était avec des potes. Ah, d'accord, ok. Bon, t'as gagné au moins, parce que nous, on prend que les vainqueurs hein, sur Fun. Ouais. Bon, ça va, alors tout va bien. Bon, bah bienvenue à toi, Victor. Toi, t'appelles pour être doux, toi, vu ta voix. Ouais. Ah ouais, je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Et bah justement, je vais te passer Polo, le grand général des 12, bien entendu, hein, avant de vous offrir vos tablettes ce soir. C'est parti. Victor. Salut. Salut, tu peux me parler autrement, je suis quand même le grand maître des 12, s'il te plaît. Victor, moi, Polo, grand maître incontesté de la confrérie des 12 et général en chef des armées des 12, j'ai compris ta demande. Et je vais essayer de faire passer doux. Victor, mets-toi à genoux. C'est bon ? C'est bon ? Victor, insulte-toi. Je suis un grand culé de merde. Encore ? Je suis un PD. Non, c'est pas une insulte, ça. Encore ! En plus, j'ai une petite bite. Oui, oh, ça, c'est... Bravo ! Bah, à ton âge, je crois. Je tiens à signaler qu'il y a le sous-chef qui est passé tout à l'heure qui m'a dit « Mais vous dites des trucs genre enculé, fils de pute, C'est pas la peine de les répéter, Toff. C'est bon, l'autre, il en profite, du coup. Il est con, lui. Et tu, la prochaine fois, t'interviens dans un baptême, je te mets une baffe dans ta gueule. C'est ça. Victor ! Ouais ? Est-ce que tu as ton téléphone dans ta main droite ? Ouais. Eh ben, frappe-toi sur la tête avec. Ça suffit. Oh là là, je crois que tu vas t'ouvrir le crâne. Victor, tu es officiellement doux, bravo ! Ouais ! Ouais, t'as vu sa voix. Et comme tu es parti à la piscine, tu seras le doux poisson. Le doux poisson ? Bah oui. Très bien, ok. Allez. Bah voilà, le doux poisson, le doux crustacé. Le doux poisson, très bien. Bon, Victor, t'oublie pas de changer ça sur ton Facebook, Twitter et Instagram. Et de mettre ton nouveau nom, évidemment, de doux poisson, donc. Bon, tu restes avec nous toute la soirée, là, j'imagine, comme il n'y a plus école maintenant, là. Bah heureusement. Bah j'espère bien, en plus il fait dégueulasse, donc quoi d'autre, que faire d'autre que d'écouter l'émission? On est bien là, non? Mais oui, même voilà, mais c'est ça, en plus on est les seuls à être en direct ce soir. Donc à la cool. Bon, Toff qui est là également, hein, toujours prêt à rencontrer de nouveaux amis bien sûr. Hein. T'es un gros débile sérieux, t'as rien dans le crâne. Voilà, c'est ça, grosso modo c'est un petit peu ça, hein, le résumé. Ferme ta gueule. Et celui-là. Ou tu fermes ta gueule, ou tu te présentes, ou je t'ouvre en deux. Voilà, donc tous ces amis, bien entendu, que nous avons l'occasion de rencontrer tous les soirs hein, sur Fun Radio dans les appels malveillants qu'on fera également d'ici quelques minutes. Bon, Victor, qu'est-ce que tu préfères dans l'émission? C'est quoi le moment que tu préfères? Polo contre le reste du monde. Non. Merci, jeune doux. Lèche-botte, va. Tu sais quoi, qu'il va avoir une petite épée en. Ouais, c'est une ça. Une petite ouais. épée. En tu n'auras rien, je n'aurai rien, sale doux. Lèche-botte. Non, il y a un message de bienvenue. Ouais, ça je peux faire, ouais. Attends. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait de me faire chier là. Voilà, tu l'as eu ton message de bienvenue. Je vais t'en mettre même un double. Ça va te faire enculer, connard. Voilà, le doux. Bon, le doux poisson, on passe une bonne soirée. Tu veux écouter un son, le doux poisson ou pas? Ouais. Tu veux écouter quoi? Parfait, bah écoute, j'adore aussi moi, j'adore aussi. Bon, tu veux écouter quoi? N'importe quoi, ce que vous voulez. Ah bah d'accord, bah ça avait bien la peine d'ouvrir ta gueule, tiens, bah bravo. Qu'un, un bruit de moustique qui vole, ça tira. Ouais, c'est bien ça, ou une mouche, une non? Une mouche. Carrément ouais. Une mouche. Attends, okay. on va mettre ça ce soir, tiens. Ça c'est du son, ça. Ouais. T'as le vu son, du... Le son dance floor. Ça va être bien, non? Ouais. Attends, c'est bon, il m'a saoulé là. Ok, bon, c'est pas grave, le doux, on te passera Coldplay, t'aimes bien? Avec Avicii, là, Sky Full of Stars. Ouais. Ouais, yo, Jason Derulo. Ouais, ça fait bien. Ah, ça c'est bien. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Et puis aussi le nouveau Katy Perry. This is how we do. Non, ça c'est pas merde. Ah, t'aimes pas ça? Non, ça c'est pas merde. Ah putain, moi j'aime bien, c'est marrant ça. Et si, et qui est ça? T'aimes bien? Ça, ça va, ça passe. Ça va, ça passe. Ça passe. D'accord, ok. Comme et ça y a. C'est fini ça. Eh, hey, tu vas te calmer, ah, le doux. Il est bon, le doux. Bon, et David Guetta. Ça va, parce qu'il est français. Ah, parce qu'il est français, donc t'es raciste, en fait. Toi, t'aimes pas les français. Les mecs sont pas français, toi, c'est ça? Non. Ouais, c'est ça. Et Dioro. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est bien. Bon, bah, très bien. On va mettre tout ça tout à l'heure, alors, Victor. Bon, le doux poisson. Allez, casse-toi. Ouais. Tu retournes au standard. Okay. Salut, ouais, le doux poisson. Retourne à la pêche. Ouais, retourne à la pêche, ouais, c'est la terre à mieux encore. Bon, allez, vous bougez pas et puis appelez-nous hein, si, vous voulez si vous découvrez l'émission ce soir pour la première fois. Et ben pour participer, c'est un jeu d'enfant. Vous appelez le 01 42 48 5000. On accepte tout le monde, hein, pas de problème. Et puis pour la Belgique, le 02 851 4x0. Vous venez parler avec nous de ce que vous voulez. Il y a Jade sur le Facebook qui dit hello, demain c'est mon anniversaire. Je pourrais avoir un petit cadeau aussi. Oui, quoi? Merci, Mickaël. Je t'adore, continue comme ça. Tu pourras aussi passer le chandelier de Saya. Bah, évidemment, hein, t'as pu l'entendre, je le mettrai tout à l'heure. Ah, bah, le doux a adoré en plus. Hein. Le doux a adoré. Et comme cadeau, je te fais un gros bisou, Jade. Et sympa quand même. Hein. Non, c'est... Attention, attention. Il y a Echo sur le Twitter aussi. Salut la team, comment ça va? Vendez du rêve encore ce soir? Bah, c'est prévu. Hein. Et Devers 45, et salut la famille Softoff qui en fait pas partie, mort de rire. Comment va-t-elle? Moi, ça va tranquille, tranquille. Bah, écoute, on va plutôt bien. Hein. Ça se passe plutôt pas mal. En plus, là, je vais vous filer votre tablette, la Asus Memo Pad 10. Et la question de ce soir, très simple. Attention, je ne donne pas de proposition. Parce qu'il faut quand même pas déconner. Donc si vous avez envie de gagner votre tablette Asus Memo Pad 10 qui vaut 200€, elle est magnifique, elle fait 1,6 GHz pour le processeur, elle a une autonomie de quasiment 10 heures et en plus de ça, si vous la gagnez aujourd'hui, vous serez livré la semaine prochaine, ce qui est quand même plutôt pas mal et plutôt rapide. Donc si vous voulez la gagner, il faut répondre à cette question. Dans quel pays a démarré le Tour de France? Si vous avez la réponse, vous envoyez je comme d'habitude, J-E-U espace la réponse, vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et je tire au sort avant 22h. Dans quel pays a démarré le Tour de France? Question rapide, question courte, question pas trop compliquée je pense, vous envoyez simplement donc je, J-E-U et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et je vous souhaite évidemment bonne chance. Nina aussi, un message de bienvenue pour moi qui vous écoute depuis avril et j'en ai toujours pas eu, bah, c'est bizarre. J'ai coupé la tête avec mon pénis, ok. Voilà, et puis Laura aussi, bonsoir, j'ai hâte d'écouter Tof, bonsoir quand même à tous. Mais quel mauvais goût Laura, mais c'est bonsoir, dingue ça. Laura, moi et aussi, vive je les t'aime. Sodomites sur le Facebook, bonsoir la team, salut à toi. Et Jack pardon, qui dit salut l'équipe. Vous pourrez rappeler Georges et passer Trumpes de Derulo si possible. Bah, je vais voir ce qu'on a, si on l'a de stock, Jack. Oui, alors évidemment, on aura des nouvelles de notre ami Georges. Pour ceux qui n'étaient pas faut avec nous hier... Laissez-nous respirer. Oui, oui, déjà, il faut nous laisser respirer, mais surtout, on va vous passer les extraits de Georges qu'on a eu l'occasion de rencontrer hier soir. Quelqu'un de très gentil, quelqu'un ouais. de très bon au niveau de la drague. Hein. Ouais, c'est l'un des meilleurs. Ah bah attends, le meilleur du meilleur au niveau de la drague. C'était pas bon, c'était juste énormissime. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, on a eu Georges qui essayait de draguer, ça a donné ça en deux mots. Hein. Allô? Attends. Allô? Ah ouais, elle m'a raccroché. C'est fini. Mais Cécile, il n'y a plus personne. Réponds. Mickaël, j'ai besoin de tes conseils. Allô? Allô? Oui? Ouais, tu fais quoi? Là, j'ai regardé les retrouvailles des anges. Ah, d'accord. Tu t'ennuies pas un peu, là? Non, pour l'instant, je n'ennuie pas. Pour l'instant, on reste comme ça. Baisse ton son derrière, s'il te plaît. Comme vous avez pu le remarquer, il est au taquet de la drague. Un grand dragueur. Et aujourd'hui, il devait se rencontrer à la gare de Nogent. Mais comme il ne s'était pas donné d'heure, ça se trouve, ce sera avant minuit. Hein, parce que bon, c'est entre ce matin et ce soir. Hein. Donc on verra, on essaiera d'avoir des nouvelles tout à l'heure de notre ami Georges afin de voir comment s'est passé son rencard justement. Donc si vous voulez délirer avec nous, bah, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie d'écouter un son particulier, bah, vous demandez, tapez Mickaël et votre message au 64 900 ou alors avec le hashtag Mickaël 20h sur Fun. Et est-ce que vous avez déjà sorti des excuses improbables en espérant éviter une amende ou une punition? Ah oui, oui, blindé, j'imagine. Parce qu'il y a un Américain qui voulait éviter un PV en état d'ivresse. Du coup, il a essayé d'expliquer à la police que c'était son chien qui avait conduit jusque-là. Inutile de vous préciser qu'il a terminé au poste. Donc si vous avez des excuses bien bidonnes, appelez-nous et on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Moi, j'avais déjà comme excuse de merde, j'avais déjà été au téléphone portable au volant. Mais j'étais à l'arrêt au feu rouge, donc du coup j'ai scandalisé le flic en disant « Mais je ne roule pas, je suis à l'arrêt, c'était rouge !» Il dit « Ouais, c'est ça, ouais, mais même, normalement on peut pas. Même quand on est à l'arrêt, quand on est au volant de la voiture et que le moteur tourne, on ne peut pas le faire. » Je dis « Ouais, mais c'était rouge, donc je roulais pas vraiment, etc. » Bon, il m'a mis après. Ouais, bah moi c'est pareil. C'est le mec, je lui dis « Ouais, mais on est à l'arrêt là, je peux envoyer un message. » « Non, vous n'êtes pas concentré sur la circulation, imaginez, il y a quelque chose qui se passe. » J'avais envie de lui dire, ça fait un quart d'heure que je suis dans un embouteillage, tu veux qu'il se passe quoi? Que ça avance non, peut-être. On sait jamais, toi, il a raison. Mais il a raison. Ouais, mais du coup, maintenant j'ai l'excuse, je dis ouais, mais j'allais mettre l'adresse dans le GPS. Ouais, c'est ça, Bon, ça marche pas tous les coups, ça mais. Ça marche pas toujours. Généralement, ça passe. C'est ça. Et Polo, toi, l'excuse bidonne? J'ai tellement menti dans ma vie, je me souviens pas d'un truc. Bah, réfléchis à un truc en particulier. Ah, mais il y a plein de trucs. Il y a une fois où je vais à la. Je vais à la mairie, en fait, j'étais tellement fatigué, et en fait, j'avais pas envie d'attendre, et j'ai commencé à faire un scandale. Je dis ouais, ça fait une heure que j'attends. Et la meuf, elle me regarde, elle fait « Mais monsieur, je viens de vous voir rentrer, ça fait une minute. » En fait, je pensais en faisant un scandale, j'allais passer plus vite, mais en fait, ça n'a pas marché. J'ai fermé ma gueule et j'ai attendu comme ça. Bon, appelez-nous, dites-nous, tiens, quelles sont les excuses les plus bidonnes que vous avez déjà balancées pour éviter d'avoir une amende ou d'avoir une punition ou un truc comme ça. Bah, appelez-nous, et on en parle, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez là également, puisque juste après la pub, dans quelques secondes, là, je vous cale Coldplay sur Fun Radio avec Avicii. Ce sera A Sky Full of Stars sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde. Mickaël No Limit en mode 20h minuit et on, évidemment, on est là jusqu'à minuit avec également les appels malveillants de Tof qui arrivent dans un quart d'heure et le chéri je peux te faire cocu dans 30 minutes. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, plus de pub sur Fun. 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et il est 20h15, il y aura les appels malveillants dans un quart d'heure sur Fun Radio, donc ne bougez pas de là, on va continuer à parler des excuses les plus improbables que vous avez balancées pour éviter de payer un PV ou pour peut-être simplement éviter d'aller à l'école, une punition, n'importe quoi là. Donc appelez-nous si vous avez des idées à la con là, qu'est-ce que vous avez déjà bien pu inventer comme excuse de merde. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis toujours la grande question pour repartir avec la tablette Asus MemoPad 10, elle vaut 200€, je vous l'offre, elle est magnifique. Et d'ailleurs la photo est sur le Facebook de l'émission, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, n'hésitez pas. Donc dans quel pays a démarré le Tour de France? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Il y a Nico qui dit le Tour de France a commencé en France. Quand je le disais que c'était pas ça. Non, il y a une différence entre logique et bonne réponse. Oui, pour moi ça paraît logique effectivement que ça démarre en France, mais non. On proposait en Espagne. Non, en Russie. Mais oui, le Tour de France en Russie. Mais bien en sûr. Chine. Le Tour de France en Chine. Oui, c'est une étape. Ouais, c'est une étape, ouais. Il faut aller jusqu'en Chine. Effectivement, c'est une bonne idée, ouais. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Et la tablette Asus MemoPad 10 sera peut-être pour vous avant 22h. Tirage au sort tout à l'heure parmi les bonnes réponses, évidemment. Je vous souhaite bonne chance. Et puis, je l'ai promis tout à l'heure, le son de Coldplay que je n'ai pas calé. Bah voilà, c'est parfait, très bien, on va le mettre. Attends, Coldplay, il est où? Il est là, voilà, Coldplay qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec une production Avicii, hein, A Sky Full of Stars sur Fun Radio, il est 20h17, bienvenue si vous arrivez. Et rejoignez-nous également sur le Twitter, hein, si vous voulez, vous tapez Mikael underscore, c'est le petit tir en bas, Mikael underscore officiel, et si vous me faites un follow, je vous ferai un follow également. Bonne soirée sur Fun Radio, on est là jusqu'à minuit. Cause you're a sky full of stars. Le son de Coldplay sur Fun Radio, Sky Full of Stars sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mikael No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mikael No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et puis restez bien là, il y aura Kiesta à suivre dans un instant avec Hideaway. Donc vous balancez vos messages, hein, si vous voulez divertir avec nous, vous êtes les bienvenus. Sarasvati qui dit coucou rapide avant d'aller au taf, éclatez-vous bien. Oui, oui, bah c'est prévu, hein, t'inquiète pas, là, merci beaucoup à toi. Et puis bah, bon courage aussi, et vive les sodomites sur le Twitter. Moi, lorsque j'ai cassé un carreau dans ma piole, j'ai dit à ma mère que j'ai perdu l'équilibre et que je suis tombé. Oh, ça va encore comme excuse. Voilà, c'est juste pour pas te faire engueuler, mais ça passe encore. Pas comme le mec, quand même, l'américain, qui pour éviter un PV en état d'ivresse a dit simplement que c'est son clébard qui était en train de rouler. Je veux dire, il y a un moment, faut quand même pas prendre les gens pour des débiles ça, non plus. C'est énorme. Bon, il y a Benjamin qui est avec nous, la 21 ans de Paris. Salut Benji. Bonjour Amiga. Comment tu vas? Salut. Ça va bien. Bon bah tant mieux, sois le bienvenu alors Benjamin. Bon, 21 ans de Paris, t'as passé une bonne journée toi? Ouais, ça a été. Bon, tant mieux, tu fais quoi dans la vie? Je suis mécanicien. Un escroc donc. Ah oui, si, t'as un attends, voleur. Si, les mécaniciens sont des escrocs. Non, c'est pas vrai. Non, on va tous les avoir au téléphone. En fait, là, t'as juste un petit truc, t'as une petite rayure sur le pare-brise. Oh là, ils te disent, le moteur est foutu là. Il faut changer le moteur, monsieur. Oh bah, le moteur est foutu là, monsieur. Hein. Combien? Bah, oui, bah 200 000 euros. Bah, oui. Moi, j'étais venu pour réparer l'aile. Oui, mais bon, vous savez, c'est pour votre sécurité. On rigole pas avec la sécurité, hein, monsieur. Hein. On vous a changé les plaquettes, les disques, le moteur, tout le bordel. Tu sais qu'à une époque, j'avais une Smart. Ouais. Oui, tu sais. Oui, bah oui, c'est bien. Et tu sais que le mec, un jour, je vais le voir, le mec de Smart, je dépose la Smart, il y avait un clou dans le pneu. Tu sais ce qu'il me dit? Ah oui, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le temps, il n'y a pas de rendez-vous avant un mois. Je suis attendez, mais vous voyez pas qu'il y a un clou dans le pneu? Ah ouais, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, le changer. Ah mais j'étais vénère. Il m'a dit bah je suis parti de changer ailleurs quoi. Non, bah oui. T'imagines les mecs comment ils sont? Oui mais bon ouais, c'est parce que ça rapportait pas assez. Bah oui. Ça. Bon Benjamin, alors qu'est-ce que t'as déjà trouvé comme excuse toi pour éviter de je sais pas, de payer un PV comme le mec, comme l'américain par exemple ou autre chose? Ouais c'est un peu ça. Ah éviter de payer un PV? Ouais. Alors raconte parce que ça peut être intéressant là. Donc j'ai une petite voiture avec les vitres teintées. Ouais. Et j'étais appuyé sur la porte, téléphone à l'oreille forcément. Ouais. Mm-hmm. Hein. En pleine discussion, rouler bien sûr. Et là, le mec, là, le flic t'interrompt, cet enfoiré quand même. Hein. Alors que t'étais en pleine discussion, je trouve qu'il ça pourrait quand même pas, attendre ouais. Un minimum. Les mecs, ils sont plus de respect. C'est donc, ça. Voilà, tu peux même plus frauder que tranquillement, c'est dingue. Légèrement. Donc, on entend une moto arriver et puis, même pas réagi tellement dans la conversation. C'est que, ça. Bah, là, tu lui dis, espèce d'enculé, moins fort avec ta poubelle de merde, là, j'entends rien, là. J'ai laissé passer la moto, je me suis décalé, sauf que bah malgré les vitres teintées, il avait remarqué le téléphone. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc il a fait signe de se rabattre, le temps qu'il me fasse signe de rabattre, j'avais raccroché, j'avais rangé le téléphone dans la poche. Moi je n'ai pas de téléphone, monsieur l'agent, qu'est-ce que vous racontez là? Voilà, je lui ai dit que j'étais appuyé sur ma tête juste parce que ça avançait pas plus que ça. Et il m'a dit qu'il fallait pas les prendre pour des jambons. C'est clair. Que si je disais la vérité, ça passait vachement mieux. Et j'ai fait non mais j'étais juste appuyé, mon téléphone est dans ma poche et j'ai fait style que j'avais du mal à le sortir parce que j'étais en jean. Et puis bah c'est passé, j'ai pas eu de prune. Bon bah t'as eu de la chance. Moi j'avais déjà fait le coup un jour, j'étais en excès de vitesse, mais j'étais en retard. Bon c'est pas une excuse, mais j'étais en excès de vitesse. Et donc il y avait un flic qui était derrière moi, mon voiture banalisée. Donc il me suivait et donc à un moment il met les gyrophares avec le truc garez-vous, donc je me gare. Et là le mec il me dit vous savez pourquoi je vous arrête? Non. Non, je vois alors vraiment pas pourquoi. C'est le mec de mauvaise foi. Ah bah non, pas du tout. Ça fait 5 minutes que je vous suis là, vous étiez, je sais plus combien j'étais, vous étiez en excès de vitesse là. Oui, c'est possible, vous savez, moi je regarde pas mon compteur, moi je suis attentif à la route, hein, je regarde pas l'aiguille, hein. Vous savez, il dit ouais, c'est ça. Bon, les papiers, tout le bordel, je suis ouais, d'accord, ok. Et puis après il me dit bon bref, vous alliez un peu vite là quand même. Hein. Je vois, mais vous savez ce que c'est avec ces voitures là, on se rend pas compte, hein. On avance un peu et puis on se retrouve vite à des. J'étais avec la voiture de ma copine qui a une BM, donc J'avance et puis on se retrouve vite à 180 sans s'en rendre compte, vous savez. En plus, il avait la même. Je dis, vous avez la même, vous savez ce que c'est. Et il commence à parler, il dit, ouais, ouais, non, c'est vrai, franchement, c'est vrai que ça va vite, mais elles vont bien. Quand on a commencé à parler voiture. Et puis finalement, je lui dis, non, mais c'est vrai, vous avez raison, j'allais trop vite, j'ai pas d'excuses. Et là, en fait, ce qu'il faut faire avec les flics, si vous êtes flic, dites-moi si ça marche. Enfin, si ça marche, j'ai déjà essayé plusieurs fois, faut aller dans son sens. Ouais. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, j'ai aucune excuse. Voilà, bon, bah, j'ai un PV, je dois le payer, c'est normal, ouais. je suis coupable, je ne dis rien, c'est comme ça, pas de problème. Et en général, ils sont indulgents, ils disent, bon, le mec s'est quand même rendu compte, bon, allez, c'est bon. Ou alors, ils te mettent une prune, mais ils te mettent pas la violente, quoi. Ouais, alors que si tu fais le malin en disant, faire le malin. Mais non, mais à quoi la tof, à mais la tof. Eh ben, vous savez quoi, eh ben, je vais prévenir votre supérieur, vous irez faire la circulation. À la peux dire que là, t'es mort. Ça, c'est pour ça qu'il se mange des prunes. Ah oui. On dit ça parce qu'il est parti aux chiottes. Donc non, il faut se la mettre, il faut y aller. Non mais il faut y aller pépère et il faut les. Je suis totalement d'accord. Voilà. Je suis encore jeune conducteur. Je me fais arrêter à peu près une fois par mois parce que j'ai une voiture qui passe pas inaperçue. Ouais, t'as comme voiture. J'ai une petite Peugeot 106 Sport. Mais t'es sérieux quoi, elle est tunée en bleu pète. Qui rafle le sol. Attends, t'es vraiment. Non, non. Hey, attends, je te coupe parce que là c'est important. Moi je croyais que t'allais nous annoncer une Porsche ou une Maserati, un truc de ouf. Non, bah non. Et en fait, le sol, ils nous sortent une 106. Peugeot 106. Sport quand même, hein. Ah, sport, attention, ouais. Ouais. Ouh. Non, mais attends. Et mais qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Ah, bah. Siège baquet. Bleu foncé, siège semi-baquet, les vitres très très teintées, le maximum légal, les jantes blanches avec les coquilles de rétro blanches, ça passe pas inaperçu. Ah ouais, ça passe crème. Voilà. Est-ce que t'as les petites lumières bleues en dessous, ouais. Ouvertes? Non, ça c'est un peu... Bientôt taxi, donc non. Non, jamais. Ah non, bon. Non. On reste dans le sobre. Mais ah, non, oui. Ah bah oui, ah bah on s'en rend pas bien compte, là quand même du sobre là, hein, pour le coup. Voilà. Non mais une fois qu'on est connu dans la ville, c'est fichu, wow. Et je m'arrête à peu près une fois par mois. Je suis jeune conducteur, je mets jamais le A, ouais. Et j'ai le droit à une fois par mois, vous avez pas votre A. Et c'est vrai que si on dit dès le début, bah non je le mets pas, et bah je me suis jamais pris de prime pour ça. Ah bon d'accord, bah c'est bien alors, c'est bien. Attends, il y a la 12 fanatiques, voilà. J'ai 15 minutes de retard, ça mérite un gros coup de pelle, bah je te le confirme, ouais. Parce qu'on a déjà parlé plein de trucs, et il y a Aria aussi pour une punition au lycée, et bien j'ai simulé que je m'étais un peu blessé à la tête dû à un coup sur la tête sur ma porte d'entrée, un mal de tête atroce, résultat une journée pépère. Ouais, enfin pépère, t'as quand même bien souffert à mon avis quand même, hein, donc bizarre. Hein. Bon, ben merci en tout cas Benjamin d'avoir appelé. Hein. Y a pas de souci. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt Benji. Merci. Salut. Il y a Lorraine également qui est avec nous de Saint-Etienne. Salut Lorraine. Salut. Comment tu vas? Bah ça va. Bon, qu'est-ce que c'est que ces petites voix là, Lorraine? Bah, oui. T'as qu'elle a 19 ans, Lorraine. Oh, ça va, elle est fraîche. Elle a une petite voix douce, Lorraine. C'est la crève, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Mais ça te va bien. J'essaie de te faire un compliment, mais bon. La maladie te va bien. Ouais, super, c'est gentil, tiens. Merci, c'est gentil. Ouais, grave. Rien. Bon, alors Lorraine, toi tu nous appelles parce que t'as déjà essayé de gruger, de trouver des excuses de merde pour éviter un PV ou éviter quelque chose. Oui, alors c'est vieux, hein, je dois avoir 15. Bon, c'est pas bien de parler de teuf comme ça. Ouais, c'est pas une chose. C'est un monsieur, il a un cœur. Exactement, derrière c'est un ce être corps humain. Sans muscles. Bon, et donc, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, j'étais scout à l'époque, donc ouais. C'est vieux. Et normalement, pendant les camps ou les week-ends, on n'avait pas le droit d'emmener notre téléphone portable. Attends, d'accord. Parce que tu sais que Toff a été scout aussi. Oui, c'est vrai, il a été scout. Ouais. Bon, enfin, c'est une autre histoire, ça. On vous en parlera un petit peu plus tard. Bon, et voilà. Vas-y, continue donc, pas de téléphone portable chez scout. Et ouais. Moi, je l'ai emmené. Ouais. Bon. Et en fait, en pleine nuit, enfin en pleine nuit, quand on est allé se coucher, il a sonné. D'accord. Et les chefs, ils font une ronde pour voir si tout le monde s'est bien couché, etc. Forcément, dans les tentes, ils l'ont entendu sonner. Donc, en bas de combat, ils sont venus voir ce qui se passait. Et moi, j'ai sorti, bah, j'attendais des nouvelles de mon père, il est malade, etc. Il est à l'hôpital. Sauf que ce que j'avais oublié, c'est que le matin même, c'est mon père qui m'avait déposé. Alors forcément les chefs m'ont pris mon portable et le lendemain ils sont allés voir mes parents quand à la fin du week-end ils sont allés voir mes parents en leur disant ben voilà elle avait son téléphone etc. Donc non seulement je me suis fait confisquer mon téléphone mais en plus après mes parents me l'ont gardé pendant un mois. Carrément. Pour avoir voilà. Mitonné. Est-ce que ça t'a servi de leçon ou pas? Oui. Ah bon, comme quoi ça a bien marché, donc au moins c'est déjà ça de près. Tiens, il y a le Bosniakov qui dit moi j'ai cassé mon écran et j'ai dit à ma mère que c'est le chien qui a sauté dessus, l'écran est tombé et elle m'a pas cru. Oui, mais c'est normal, surtout si t'as un chien qui est hyper calme, hyper tranquille d'habitude, c'est clair que ça peut difficilement passer, ça c'est certain. Ouais. Bon, et bah très bien, bah Lorraine, si t'as ça, si t'as. Si... Oui. Et le nombre de fois où j'ai simulé être malade pour pas aller en cours. Ah bah oui, mais ça c'est du classique ça. C'est la base. Ouais, c'est la base. Ouais. Tout le monde a déjà fait ça au moins une fois dans sa life, c'est normal. Limite, j'ai envie de dire. Bon bah merci Lorraine en tout cas d'avoir appelé. Hein. Pas de soucis. Et tu reviens quand tu veux, je te fais des gros bisous et passe de belles vacances. Ouais, bon je pars pas mais bon. Ah, tu pars pas? Okay. Bon, tu peux quand même partir. Tu peux quand même être en vacances également. Belles vacances. Oui. Malgré oui. tout. Je te fais des bisous, Lorraine. Oui, bisous. Je t'embrasse. À bientôt, Lorraine. Bon, on va prendre Benjamin aussi pour parler des excuses dans quelques instants. On devra avoir Georges aussi, notre champion de la drague qu'on a eu hier dans l'émission. Et puis, je vais vous reposer aussi la petite question pour repartir avec la tablette dans quelques minutes. Le temps d'écouter le son de Hideaway sur Fun Radio. Au cœur de 30 minutes sans pub, il est 20h30. Il y a les appels malveillants de Tof qui arrivent juste après Kessa. Hideaway sur Fun Radio. Le son de Kessa à l'instant sur Fun Radio avec Hideaway, il est 20h34. Bienvenue si vous venez de débarquer. Message qui est Tof et toutes les méchancetés que l'on peut dire sur toi, ne les écoute pas, c'est toi le meilleur. Merci, merci. On salue les sourds et malentendants également qui sont avec nous ce soir. Bon, et toujours la question également avant de reparler dans un instant avec Didier des PV, avec Benjamin également, là, des meilleures excuses plutôt pour éviter les PV ou autres. Eh bien, il y a toujours la tablette à gagner, la Asus MemoPad 10. Et la question est très simple. Il faut envoyer jeu, J-E-U, espace la réponse au 64 900. Si vous avez la bonne réponse, dans quel pays a démarré le Tour de France? Le vélo, hein. Oui. Tour de France a démarré dans quel pays? Il y a Alex qui proposait l'Espagne. Non, on l'avait déjà dit, il démarre en Suisse, c'est pas ça non plus. En Antarctique. Mais ils sont tous dopés, donc ils peuvent commencer même sur la Lune. Mais grave, en Guyane. Ah ouais, parce que là, pour arriver en France, à vélo, je peux te dire que ça va être bien. Je n'ai pas compris la question. Oui, pourtant, c'est quand même pas très compliqué. Hein. Dans quel pays a démarré le Tour de France? Voilà, ouais, ça semble simple. J'essaie de trouver une autre manière de le dire pour que ce soit plus facile, mais dans quel pays a démarré le Tour de France? Voilà, on proposait Montgiron. Je sais pas ce que c'est. La Belgique, non, il y a l'Argentine. Mais oui, bien sûr l'Argentine. Et Jojo, hein, qu'on salue, Jojo1807, le Zimbabwe. Mais oui, bien sûr, en Zimbabwe c'est parfait. La Guadeloupe aussi, le Tour de France a démarré en Guadeloupe. Oui, oui, bien sûr, c'est une bonne réponse, bien sûr, hein, si on était dans un autre monde, bien entendu. Bon, si vous avez la bonne réponse, bah, vous envoyez tout simplement maintenant J-E-U, espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Et la tablette qui vaut 200 euros sera peut-être pour vous avant 22h. On appellera le gagnant ou la gagnante en direct sur Fun Radio. Donc à vous de jouer, dans quel pays a démarré le Tour de France. Et je vous souhaite bonne chance. On va se faire les appels malveillants maintenant. Ah oui. Appel malveillant avec une grande question. Est-ce que vous savez qui regarde les films porno transsexuels? Pas moi. Eh ben. Oh, cette question. Mais oui, mais attends, mais on est tombé sur un article sur internet. C'est vrai. C'est vrai, je m'étais jamais posé cette question, mais c'est vrai, voilà. Mais qui regarde ça? Eh ben 80% des consommateurs de films transsexuels sont des hétéros. Oh les bâtards. Ouais, moi je pourrais pas. Donc Tof, tu vas demander à tes amis s'ils ont déjà regardé ce genre de film. Oh, mais je sais pas comment ils ont fait. Petite intervention, j'interdis aux doux d'aller voir ce que c'est. Oui, bah n'allez pas voir. Les doux, vous attendrez 18 ans comme tout le monde. Bon, on y va, on appelle. Même à 18 ans, tu regardes pas ça. Non, mais s'ils veulent, par curiosité, ils pourraient. Mais pas avant 18, quoi. Donc les doux, interdiction totale. Bon, on y va, on appelle le premier grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. C'est parti. Allez, on y va, 20h37 sur Fun Radio. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà regardé des films pornographiques transsexuels. Allez vous faire foutre. Mais enfin madame. Allez vous faire voir. Mais oui, mais répondez à ma question madame. Oui, vas-y, viens. Oui. Oui, bonsoir monsieur, j'étais en communication avec votre femme, mais elle s'est un peu énervée. Ouais, t'as pas enculé, trop du cul. Ah, ça a le mérite d'être rapide et clair. On va le rappeler. C'est une question de merde. Ouais. Attends, on rappelle encore un coup là. Allez. Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé. Bon, non, on n'a pas été coupé monsieur, vous nous cassez les couilles. Alors vous oubliez le numéro, s'il vous plaît. Sinon, si vous voulez discuter, je vous attends à la maison. Je vous donne l'adresse, je vous attends à la maison, on vient discuter. Vous venez discuter avec moi face à face. Mais non monsieur, je veux juste vous répondre à ma question. Mais je ne peux pas vous répondre à votre question de merde. Mais enfin ça se fait pas monsieur. Je m'en fous pas mal, cassez les couilles aux gens. Mais je vous casse pas les couilles monsieur, je vous appelle, je vous pose une question. Je me casse les couilles. Mais c'est pas vrai, c'est vous qui vous énervez pour rien monsieur. C'est vrai qu'il s'énerve un peu. Bah oui. Pour rien, je alors sais qu'il pas, a pas de raison. Mais il s'énerve un peu, on va le rappeler, il avait l'air en plus de très très bonne humeur, donc ça c'est plutôt cool. Non, ça a l'air de t'amener. Bah oui, qu'est-ce que tu veux savoir, moi je merde. Bah je veux juste savoir si vous aimez, enfin si vous avez déjà regardé un film pornographique transsexuel. Que ça peut te faire? Bah c'est de la police. Non, c'est non, pour savoir alors, monsieur. Je te dis non, puis c'est tout, voilà. Ah bah voilà. Bah il suffisait de répondre monsieur, c'est pas la peine de s'énerver. Oui, bah oui, il s'est énervé, mais il a raccroché de nouveau. Oui, bon, on le rappelle. Bah oui, oui, bon, parce que là, il s'est énervé, non, faut qu'on s'excuse. Bah oui, allez. 20h39, quatrième appel. Dis-moi, moi je merde. Oui, c'est pas la peine de s'énerver pour si peu, monsieur. Je m'énerve pas, c'est toi qui nous énerve. Tu nous appelles pour poser des questions à Lacan. Mais pas du tout. Alors, des questions à Lacan, mon ami. Tu vois, tu te les poses à ton tour du cul. Tu te mets dans la bonne glace et tu les poses à ton tour du cul, t'as compris? Hein? Bah oui, mais c'est pas très gentil. Oui, mais tu as compris, mais là tu fais la manœuvre parce que tu es loin. Hein? Mais viens me les poser en face, ces questions, viens. Mais non, mais monsieur, vous êtes énervé, c'est pas très gentil tout ce que vous me dites. Non, hein. Tu crois que c'est gentil de téléphoner et casser les couilles aux gens? Mais je vous téléphone pas pour vous casser les couilles, je vous pose juste une question. Tu nous emmerdes. Et d'abord, le jeu, c'est je t'emmerde, monsieur, pas je vous emmerde. Je t'emmerde. Et si j'étais devant moi, je t'emmerde pas, je te fracasse la tête, trou du cul. Hein? Bah vous êtes vraiment pas gentil, monsieur. Écoutez-moi bien. Oui. Maintenant, tu me fous la paix. Je vais te le demander gentiment, fous-moi la paix, s'il te plaît. Ah bah voilà, monsieur, c'est quand même plus gentil de parler comme ça. Eh bien, c'est très bien. On se souhaite une bonne soirée, alors, monsieur. Alors, bonne nuit. Vous allez, aussi. Ciao, au revoir, ciao. Monsieur. Ciao, ciao. Allez. Ah, celui-là, mais il se trompait de jeu. Hein. Je t'emmerde. Ouais. Il a gagné, hein, je t'emmerde. Ah bah, il a gagné, Toff s'est fait laminer. Hein. Ah ouais, le problème, c'est que ce jeu, c'est le mercredi, le jeu du je t'emmerde. Ah, merde. Bon, après, c'est tant pis. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, on en appellera un autre tout à l'heure. Bah, avec plaisir. En plus, il avait l'air charmant, c'est quand même dommage. Ouais. Bon, bah, du coup, c'est rien. Si vous avez d'autres numéros de téléphone de gens aussi sympathiques que celui-là, eh bah, vous envoyez ça sur le mail Toff, toph@fanradio.fr. Bon, bah, 20h40, on va récupérer Benjamin, là, qui appelle de l'Orne dans le 61. Salut Benji. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Bon, tant mieux. Benjamin, alors, toi, c'est tu voulais réagir par rapport aux excuses, comme c'est l'Américain qui a décidé donc de faire porter le chapeau à son chien car il roulait en état d'ivresse. Résultat, les flics l'ont arrêté. Il lui a dit, enfin, il a dit aux flics que c'était le chien qui roulait. Et donc, du coup, il a terminé au poste, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu as déjà trouvé comme excuse de merde, dis-moi? Bah, on trouve toujours... Non, j'ai pas vu. Un coup, il y a un flic qui m'arrête en sortie de boîte. Attends, est-ce que t'as le kit main libre, là, ou le haut-parleur? Non, je l'ai pas. Ah, bon, d'accord. Tu parles du fond de ta bouteille? Oui, peut-être. Bon, du coup, vas-y, continue, alors, parce qu'on t'entendait mal, ouais. C'est pour ça. Et si tu vois, en sortie de boîte, un flic m'arrête, il me dit, je comprends pas, monsieur, vous avez les yeux rouges, vous avez vu. Ouais. Mais non, je sors du travail. Ouais, je sors du travail, le mec il est bourrasse, et puis et vous faites quoi comme métier? Je suis barman. Ouais, c'est ça. Voilà, je sors du travail, il me dit de souffler quand même dans le ballon, ils ont été trois gendarmes à me faire souffler. Donc là, ils ont demandé de souffler dans le ballon. Je répète parce qu'en fait, c'est quasiment inaudible ce que tu dis, c'est pour ceux qui sont en voiture, ils doivent rien comprendre, les pauvres. Donc ils t'ont demandé de souffler dans le ballon. Ouais, et moi, c'est que j'étais trois gendarmes, mais il y en avait pas un qui avait de la batterie sur leur machin électronique, donc ça pouvait pas aller. Ah, les dilotés, ils étaient à plat? Voilà. Ah, c'est bien, c'est bon ça. Ah, ça c'est pas mal. Trois gendarmes et aucun éthylotest, c'est pas mal. Et puis Et ben donc du coup ils m'ont pas fait souffler, donc juste regarder mon assurance et tout ça, et puis ils m'ont laissé partir. Ah putain, t'as de la chance. Vous êtes bourré, monsieur, pouvez y aller. Est-ce que ça t'a servi de leçon? Ah bah non, j'étais rebourré juste le lendemain. Servi de leçon, bon oui et non. Tout le monde se dit merde, ça a coup de chance, mais bon après voilà quoi. Ah oui, parce que moi j'ai un pote par exemple, c'est pas la première fois qu'il roule bourré. Ça lui est déjà arrivé d'un accident et tout le bordel. Et ça ne lui a toujours pas servi de leçon. Il a déjà fait des. Il a déjà été retrait de permis, il a déjà eu travaux d'intérêt général. Il a plié sa voiture 2-3 fois. Il a plié sa voiture. Bon, il a même fait plus que la plier. Hein. À un moment, c'est devenu, c'est devenu un cube la voiture. Mais il continue en plus. Hein. Il boit. Ça va mieux, mais. Bah, il a moins d'accidents. Ah, il a moins d'accidents. Bah, il est gros maintenant. Il peut plus rentrer dans sa bagnole comme avant. Ah si, mais bon, il a acheté une voiture adéquate. Maintenant, c'est chiant, il a changé, c'est pour ça. Mais voilà, bon, si ça t'a servi de leçon, c'est le principal, Benjamin. Bah, c'est vrai qu'après, on va réfléchir quand même quand on reprend le volant avec deux ou trois V. Hein. Bah, c'est clair, évidemment. Ouais. Bon, attends, il y a aussi Didier qui est avec nous de Bruxelles. Salut Didier. Oui, bonjour Michael. Comment ça va? Bien et toi? Bah, très bien. Bon, alors, qu'est-ce que t'as déjà fait pour gruger un PV éventuellement là? Ah, bah, moi, c'est un peu immoral, mais bon. J'avais un abonnement au transport en commun pour prendre le métro, j'étais étudiant, j'avais 18 ans, et je payais depuis 5 ans cet abonnement, donc c'était un peu ralent, donc j'étais régulier, tout ça, l'abonnement. Mais comment ça c'est ralent? Tu payes, t'es transporté, non? Bah ouais. Ben voilà, donc je suivais comme tout le monde la logique, puis j'ai eu une bagnole et j'ai arrêté l'abonnement. Ah oui, d'accord. Il y a eu une grosse manifestation en Bruxelles, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'avais arrêté mon abonnement, je me dis, ben, ce jour-là, je vais aller en transport en commun. D'accord. Et je prends une carte de 10 trajets, comme tout le monde. Matin, je vais à l'école, et puis le soir, quand je reviens, je pointe, et la pointeuse, la machine était défectueuse. D'accord. Et moi, le métro qui passe devant moi, je dis, mais merde, fais chier, tant pis, je rentre dans le métro. D'accord. Ben, voilà, et dedans, alors que j'avais tout le temps un abonnement, contrôle, bim. Contrôle, boum. Là, tu râles, tu dis, putain, moi j'ai payé depuis 5 ans cet abonnement, et pour une fois, je ne fraude pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un peu immoral. Bon, ben, ils m'ont fait le PV, tout ça. Moi, j'ai été à la commune déclarer ma carte d'identité perdue, et après, j'ai eu la vente. Et là où c'était assez marrant, c'est que je les ai appelés en disant, écoutez, c'est pas moi, j'ai perdu ma carte d'identité. Et le gars, qui est au bout du fil, il me dit, non, je suis certain, c'est vous, je vous reconnais. Je dis, mais comment il peut vous reconnaître? Il ne sait pas qui je suis. Et finalement, j'ai écrit, c'est tombé à l'eau, mais c'était assez gag. C'est pas mal comme plan, ça, le coup de la carte d'identité. Non, mais très bon. Ouais, mais pour une amende à combien? À 20 euros? Non, c'était quand même à l'époque, je sais plus, mais ça c'était quand même dans les 70, 80 euros. Ah quand même, hein. 80 boules quand même pour un coup. Ouais, je comprends, ouais. Non mais ça, si ça a marché, c'est fort. Eh ça faut. Mais il a raison, c'est à noter, ouais. Ça. C'est à noter, ouais. Bon, allez, en fait, tous les escrocs là pouvaient avoir un voyage gratis. Ah ouais. Et ce qui était assez anecdotique, c'était quand j'appelle les transports en commun pour le faire sauter, et le gars qui me dit au bout du fil, ouais mais non, je suis sûr que c'est vous, je vous reconnais, alors que j'étais à l'accueil. Ouais, alors qu'en plus ça pouvait même pas être le même gars, quoi. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais. Oh putain, c'est bon ça. Alors moi récemment, j'ai encore refait le truc. Hein. Je me gare à un endroit où c'est gratuit, mais il faut mettre un espèce de disque, je sais pas quoi là, tu sais, ouais. Espèce de truc à l'horaire là. Je le mets, ils me mettent une prune. Alors que j'étais bien. Hein. Et donc je fais une photo, tout le bordel, j'envoie chez les flics. Ils me disent bon, bah oui, c'est parce qu'en fait votre truc à disque est plus homologué. Bah, je fais quoi? Il y a l'horaire d'arrivée, il y a l'horaire de départ. Oui, mais c'est pas la bonne couleur. Non mais, attendez, vous êtes sérieux? Bon, écoutez, je vous saute l'amende pour une fois, mais il faut changer votre disque, hein, monsieur. Hein. Ouais, je vais le changer, ouais. Non, les mecs, parce que c'est pas la bonne couleur, il est noir le mien, il faut que ce soit bleu. Mais à Bruxelles, c'est des enfumeurs, parce qu'une fois avec Toff, ils nous ont fait ça aussi. En fait, les mecs, ils sont sur le côté, en fait, tu as l'impression que c'est des jeunes qui sont en train de discuter. Toff, il se gare, il voit le panneau, on avait le droit d'autorisation. On va bouffer, on sort. Paf, PV. PV. Et le mec du grec, là, il nous explique qu'en fait, c'est. C'est quoi? Ah, les jours de match. Ouais, les jours de match, c'est interdit de se parquer. Non, les jours de match, c'est juste, c'est surpayant. C'était genre 5 euros, quel que soit le temps que tu restes stationné. Et si tu payais pas, c'était 60 euros l'amende. Ah oui, quand même, oui, ça fait cher quand même. Mais sauf qu'ils l'écrivent nulle part, c'est histoire de bien pouvoir sûr. Te racketter. C'est la surprise. Bon, ouais, Benjamin et Didier, merci d'avoir appelé. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Hein. Merci. Salut à vous, à bientôt. Et bonne soirée, bonnes vacances également, Didier à Bruxelles et Benjamin dans l'Orne, dans le 61. Il y aura Georges dans un instant, le retour du dragueur. Il y aura Chérie, je peux te faire cocu également. Ce sera avec Mimi dans quelques minutes. Là, si vous voulez participer à l'émission, vous êtes les bienvenus. Restez là également. Juste après la pub, dans quelques secondes, je vous repose la question pour repartir avec votre tablette, la Asus MemoPad 10. Vous restez bien là et puis je vous calerai aussi le son de Jason Derulo avec Snoop Dogg. Ce sera We Go. Exactement. 20h47 sur Fun. Vous êtes là peut-être pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. C'est comme ça que ça se passe tous les soirs. Rejoignez-nous également sur le Facebook de l'émission. Vous tapez Mickaël officiel sur Instagram et sur Twitter également. Tapez Mickaël officiel. Vous me faites un petit follow et je vous ferai un follow également. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah ah. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. 20h52, on est en direct sur Fun Radio avec Jordan qui dit « Georges arrive, putain trop bon ». Eh oui, on aura des nouvelles pour ceux qui étaient avec nous hier soir. Georges qui avait appelé une meuf qu'il avait rencontrée sur Internet, il devait se voir aujourd'hui. Et donc on va avoir des nouvelles. Voilà, Georges, le meilleur dragueur de la Terre. Hein. On a quand même mis 20 minutes hier à essayer de lui faire draguer quelqu'un là. Ça n'a pas été simple, mais bon, on verra donc dans quelques instants si oui ou non ils se sont vus. Quand je dis dans quelques instants, ce sera d'ici un petit quart d'heure à le temps de faire le chéri, je peux te faire cocu. Mais avant ça, il y a toujours la question pour gagner la tablette Asus MemoPad 10. Si vous voulez la gagner, elle vaut 200 euros, elle est magnifique évidemment. Et vous serez livré dans dans une semaine. Voilà, si vous gagnez aujourd'hui, vous serez livré à peu près le 15 juillet, donc plutôt cool. Pour ça, il faut répondre correctement à la question dans quel pays a démarré le Tour de France. Quelqu'un qui a quand même réussi à proposer Londres. Qui est un beau pays. Un très très beau très, pays. Très très beau pays, Londres. Magnifique. Les Pays-Bas, non, c'est pas la bonne réponse, je l'avais déjà dit. L'Italie pour Régis, c'est pas ça non plus. La France, non, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Donc si vous avez la bonne réponse, eh ben, vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64-900. Et puis vous pouvez jouer si vous êtes en Belgique, vous envoyez pareil, JEU et la réponse, mais au 63-22 cette fois-là évidemment. Donc je vous souhaite bonne chance. Il y a une tablette à gagner, la Asus MemoPad 10, en tir au sort dans une heure. Dans quel pays a démarré le Tour de France? ce qui n'est pas logique. Pour moi, il devrait démarrer en France. Enfin, il devrait démarrer ça semblerait logique. Terminer en France, puisque c'est le Tour de France, mais c'est pas le cas. Donc voilà, je crois que l'année dernière, il avait démarré en Belgique, ou l'année d'avant. Je me souviens plus. Ouais, non, si c'est l'année dernière. L'année dernière. Voilà. Et donc là, du coup, il a démarré dans un autre pays, mais lequel? Voilà, vous envoyez simplement donc je et la réponse au 64 900. Et je vous souhaite bonne chance. On parlait du chéri, je peux te faire cocu. Ah. C'est Mimi maintenant qui va nous faire un petit chéri, je peux te faire cocu là. Comment ça va, Mimi? Salut Mick, ça va? Ça va bien et toi? Salut. Ça va bien, salut l'équipe. Bon, salut. L'équipe te salue. Alors Mimi, Mili, Thérèse? Non, pas Thérèse, non, parce que ça n'a pas de sens. Ah ouais, oh là là. Voilà, c'est quoi le vrai prénom, Mimi? C'est Myriam. Myriam, d'accord. Bon, Myriam, très bien. On va se faire un petit chéri, je peux te faire cocu? Ok, vas-y. Là, très bien. Parti. Eh ben écoute, alors attends, je vais quand même d'abord prendre quelques infos. Là, t'es avec ton mec depuis combien de temps? Depuis 9 ans. D'accord. Quel âge il a, lui? 33. Ok, il s'appelle comment? Il s'appelle Alexandre, donc ça je sais très bien. Voilà. Et il fait quoi dans la vie? Il travaille dans le bâtiment. D'accord. Il fait quoi, les carreleurs? Peintre, il fait un peu de tout. Ah, il fait de la peinture. Alors, il est portugais. D'accord. Ouais. Drôle, ça. Ah, ça, oh, c'est drôle. Pas drôle. Non, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Oh là là. Voilà. Moi, je tiens pour le sur cette vanne. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce qu'il a des défauts physiques? Est-ce qu'il a. Est-ce que. Je sais pas, est-ce qu'il a des complexes? Oh, c'est un beau gosse, hein. Alors, bon, voilà, il a pas de complexe. Non, mais attends, il a pas un problème, il a pris un peu de ventre, il a les cheveux blancs, il perd il les cheveux. Il a les cheveux blancs qui commencent à arriver. Mais c'est vachement bien, voilà. Les cheveux blancs, je sais pas pourquoi vous dites ça. Ouais, bah, c'est bizarre, tiens, c'est pas non plus. Et ça fait combien de temps que t'es avec lui? Bah, 9 ans déjà. D'accord. Oh là là là. Ah ouais, quand même. 9 ans, mais ah ouais, il est temps de changer. Ouais, mais attends, donc ça veut dire que lui il avait 24 et toi t'as 26 ans, t'en avais 17. Ouais. Oh putain. Mais tu l'as jamais trompé, t'es jamais. Jamais, Philippe. Jamais. Et lui, oui, par contre. C'est mon premier amour. Non, il m'a jamais trompé. Oh là là, premier amour. Mais t'as pas envie à un moment de, juste par curiosité, voir ce qu'il y a ailleurs? Ouais, juste voir si ça a un goût différent, quoi. Voir comment ça marche. Non, Mimi, t'as raison. Moi, je suis un vrai romantique. T'as raison. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une question. Je t'incite pas à le faire. Non, pas du tout. Non, il me comble. J'ai pas besoin d'aller. Ça m'a. Et ben, écoute. Poser la question. Et ben, tant mieux, Myriam. Bon, alors. Bah, écoute, ça me paraît pas mal. Ça, on va l'appeler. Où est-ce qu'on aurait pu se rencontrer? Chez moi, il y a eu un technicien pour la B-Box, pour la ligne téléphonique, tout ça qui s'est passé chez moi. Mais ça marche toujours pas, donc du coup, il a dû revenir. Non, je suis venu, ça a fonctionné. C'est quoi la marque? C'est Bouygues. Ah, c'est la B-Box, très bien. Et on va, donc t'es chez moi, et puis je t'ai proposé de venir, et donc là, je t'ai proposé de coucher avec toi un soir. Tu m'as dit ok, mais il faut demander à mon mec, à mon mari, machin, etc. Donc tu l'appelles et tu lui demandes s'il est d'accord. Enfin, ok, d'accord. Bon, eh ben écoute, on fait ça alors. Hein. Donc ne bouge pas. Physiquement, en speed, tu ressembles à quoi? T'es grande ou petite? Je suis taille moyenne, 1m68. D'accord, ok. Blonde, brune? Blonde. Ouais, mais combien de kilos? D'accord. 52. D'accord, et ton tour de poitrine? On s'en fout. Il veut tout savoir là. Ah, toujours. Moi, tu sais, je fais un peu signalétique. C'est il ça. Il l'a fait en loose day là. Voilà, bon. Non, mais ça m'ira comme ça là, donc relativement mince. D'accord. Écoute, c'est très bien, tout est noté. On va pouvoir l'appeler maintenant. Alors, le principe est simple, tu l'appelles maintenant. Tu lui demandes tout simplement si tu peux coucher avec moi un soir. Moi, c'est Michel, un réparateur technicien de la B-Box, agréé, bien entendu. Et puis, on est chez moi à la maison, on est à Melun. Ah, et puis, okay, c'est d'accord okay, allez, c'est d'accord. Parti, on y va, on l'appelle, bonne chance. Merci. Let's go. Ah. Michel. C'est surtout Alexandre, parce que moi pour le coup ça va, je suis en forme, mais Alexandre, va-t-il être en forme? Oh, allô? Allô? Ouais. Il a déjà une bonne voix là. Ouais, et toi? Ouais. Mais il écoute de la musique de merde. Tout à l'heure, il y a eu le technicien là qui est passé là pour la B-Box. Ouais. Il est venu et il a réparé le truc, là, la télé c'est bon, elle est réparée, oui, parce on que a je suis toutes bon. Les chaînes. Ouais. Maintenant, le technicien, il s'appelle Michel, et il m'a proposé d'aller boire un café chez lui. Mais t'es sérieux, ça? Ouais, mais là, le truc, c'est que j'ai déposé les petits et je suis partie directement, je suis partie chez lui, mais juste au moins un café. Hein. Ah, mais elle est bien bonne, celle-là, que tu me racontes, toi. T'es partie chez lui boire un café. Ouais, là je suis avec lui là et on est avec lui. Avec qu'est-ce qu'il dit alors, Mimi? Il est d'accord ou pas? Pour l'instant, mais j'ai pas attendu. C'est qui ça, derrière, c'est qui? Non, mais sinon, tu lui demandes, c'est par politesse, hein, plus qu'autre chose. Hein. Mais ferme ta gueule, toi, avec ta voix de PD, sale crablot, va. C'est quoi ton truc, là? Tu joues à quoi, toi? Bah rien, mais non, mais... Qu'est-ce qu'il dit, mais t'es pas bien, toi, quoi? T'es où, là? Qu'est-ce qu'il dit? Je suis chez lui, là. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis chez lui. Mais Mimi, qu'est-ce qu'il dit? Ton père, c'est pas un travesti avec la voix que t'as là. Mimi, passe-le-moi et va chercher un truc à boire, tiens, va dans le frigo. Bon, attends, je te le passe. Bon, bah, passe-le-moi. Tu prends ce que tu veux, tu prends des petits chips avec un petit coca, tout ça, tu mets des glaçons, hein. Ok. PD. Allô? Mich, la pute, là. Oh, ouais, PD, va. Tu vois, toi, t'as le pute, va. Bonjour. Non, à qui est-ce que bonjour, t'as le merde, va. Ferme ta gueule. Tu me coupes pas la parole, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas de bonjour avec moi, t'as compris? Ah bah bonsoir alors. Écoute-moi bien, tu vois la femme avec qui t'es là? Ouais. Tu vois la femme avec qui t'es? Ah elle est méga bonne, hein, putain, je peux dire que... Ta gueule! Je vais la revoir, et crois bien qu'elle va me cracher tes kits d'où que t'es, d'où que t'habites, t'es un cadavre. Tu sais quoi, je parle avec un macabé là. Tu m'entends bien? Je parle avec un macabé, enfant de pute. Ce soir, je suis chez toi avec 2-3 toxicos qui te font le cul. Bon, attends. Toi, ferme ta gueule. Ouais, peux y aller, Mimi, y a pas de problème. Ma chambre est là, mais prends... Enfin, mets-toi à l'aise. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Écoute, je discute avec lui, c'est un amour. Y a pas de problème, il est d'accord. Et voilà, y a aucun souci, quoi. Il est vraiment très gentil, c'est un garçon très cordial, très cordial. Ok, écoute-moi bien, tu vas voir le garçon très cordial. Tu vois. Dis-moi. J'ai une petite question. Ouais, t'as une petite question. Tu vas m'en poser plein des questions. Comme le courant passe bien entre nous, je peux te demander un truc? Je voulais savoir, comme j'ai droit qu'à une seule fois, parce que bon, moi, tu sais, j'ai plein de meufs, hein, je m'en fous. Hein. Sexuellement, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas? Garde-toi avec ta voix de trou du cul que t'as. Mais sérieux, ta gueule. C'est quoi ta gueule? Ferme ta gueule. Mais non mais alors comment on discute Ferme ta gueule. C'est quoi? Ferme ta gueule. Arrête de me parler. Passe-moi Myriam. Elle est partie dans ma chambre là. Elle est partie dans ma... Elle est juste partie. Je vais te péter tes genoux, toi. En plus, elle est venue avec une magnifique petite robe marron là. Ouais, ta robe marron. Avec ses petits talons là. Oh là là là là là là. Ton appartement, il va être rempli de marron de ton cul qui va gicler partout, espèce d'enfant de putain. Mais non, mais t'es en train de t'énerver pour rien là. Ferme ta gueule. Dis donc, je voulais te poser une question également. Elle m'a dit que tu travaillais dans le bâtiment là. Est-ce que tu crois que tu pourrais revenir pour remettre un petit coup de peinture à la maison? Je vais te mettre, je vais travailler avec mon sperme. Je vais travailler ta façade avec mon sperme, espèce d'enfant de putain. Et passe-moi Myriam maintenant. Ferme ta gueule, arrête de me parler, espèce de bâtard. Tu m'as l'air un peu énervé, hein. Mais ta gueule, mais ferme ta gueule, ne me parle pas, ferme ta gueule, passe-moi Myriam, on aura tout le temps de se parler tout à l'heure, toi. Mimi, tiens, écoute, je te le repasse. Bon, comme je t'ai dit, très gentil, très agréable, très très cordial, hein. Tu m'avais vendu le mec comme un peu énervé, alors qu'en fait, pas du tout, donc il est d'accord que pour un soir, mais ça peut pas aller plus loin, parce qu'on reste qu'une seule nuit ensemble, quoi. Parce que sinon, il a dit qu'il allait s'énerver. Ouais, joue ton malin derrière ton téléphone. Tiens, je te le repasse, hein. Tout à l'heure, tu vas pleurer comme un enfant de 2 ans. Il est hyper gentil, c'est vraiment une crème. Ah, il m'a... Oh là là là là là là. Non mais attends, toi tu te rends compte toi que tu m'appelles? De quoi? Il m'a dit que c'était bon là, il m'a dit... Il m'a dit que ça parlait avec lui calmement. Eh, tu peux demander à Picasso quand est-ce qu'il va revenir faire les murs? Écoute-moi. Eh, toi tu prends la peine de m'appeler pour me dire que t'es chez un cul du cul, un travelot là, parce que tu as l'air d'être un travelot ton pote là. Eh, tu peux demander à Picasso quand est-ce qu'il va revenir faire les murs? Allô Alex? T'es un cadavre! T'es un cadavre, t'es mort! Mais non, Alex! Ah merde, il a raccroché. Oui, il a un peu énervé, effectivement, Mimi. Il a l'air un peu tendu. Il est énorme. Tu sais que j'ai déjà été insulté. Oh, mais il est bon. On a déjà été plus qu'insulté. Mais là, c'est la meilleure. Là, je pense qu'on tient quand même, on tient quand même la palme. Ouais. Il t'aime, le mec t'aime apparemment. Ah ouais, ouais, ouais. Attends, on le rappelle. À sa manière, mais. Bon, je le rappelle. Attends, bouge pas, Mimi, bouge pas. Je vais arranger les problèmes. Je vais aller chercher 2-3 toxicos. On m'appelle l'arrangeur de problèmes. Ouais. Allô, Alex ? Aïe. Non, en fait, on a été coupé. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est parce qu'on a le truc là, la B-box, c'est la nouvelle édition, elle marche pas encore très bien. Bon, bref, c'est pas grave. Dis-moi, Alex. Ouais. Bon, je voulais t'annoncer une bonne nouvelle. Mais avant ça, j'aimerais que tu t'excuses parce que tu m'as quand même bien insulté. Moi, je vais m'excuser, moi, espèce de fils de pute. Moi, je vais m'excuser. Mais tu vas t'excuser ce soir de toutes les langues. Tu vas t'excuser. Mais non, mais tu t'excuses. Toutes les langues de tous les pays du monde. Mais non, mais excuse-toi et je dis rien. Excuse-toi et je fais rien. Michel, la pute, là. Non, c'est Michel. Ouais, Michel, nique ta race, sale bâtard. Mais non, mais moi, tu dis pas ce que tu penses là. Moi, tu ne penses pas ce que tu dis. Je vais te piétiner, mais non. Mais oui, mais je rigole. Non, bon, ouais, écoute. Tu rigoles, oui, t'es fort derrière un téléphone. Mais non. T'es fort, oui, t'es mais fort. Non, mais attends, mais laisse-moi parler, Alex. Comme un enfant, toi. Alex. T'as pas l'air de comprendre que c'est toi qui vas t'excuser de tous les noms. De non, toutes les façons possibles. Non, mais tu vas t'excuser. Non, dis juste. Hop. Pardon. Moi, je vais m'excuser, moi, trou du cul, va. Mais t'es pas à la masse, toi, je crois. Non, allez, dis. Il faut arrêter de se droguer, hein. Bon, alors, d'accord, arrête, ne t'excuse drogue, pas. Hein. Ne t'excuse pas, mais dis au moins, je m'excuse pour ta mère, parce qu'elle a rien demandé, la pauvre. Moi, je m'excuse pour ta mère. Attends, voilà, je voilà. Pour ma femme, on va dire que c'est bon, on va dire que c'est bon. Ouais. Bon, t'es en direct sur Fun Radio, Alex. Je suis en direct à Fun Radio. C'est le chéri, je peux te faire cocu. C'est un jeu, Alex, du calme. De quoi Fun Radio? J'écoute pas Fun Radio, moi. Ouais, bah justement, ça tombe bien, comme ça tu nous as pas grillé. Tu me prends pour un con? Tu me fais passer pour un trou du cul à la radio? Mais non, Alex, redescends, c'est pas grave, il s'est pas rien passé. Oh là là. Bon, annoncez-lui un beau cadeau là, quand mais même. Mais oui, on va comme te filer la tablette Asus, la MemoPad 10, du coup, okay, qui vaut 200€. Je vous fais des gros bisous tous les deux. Merci. Okay. Myriam, tu te fous vraiment de ma gueule. Je te jure, c'est quoi tes conneries là? Bon, on va les laisser continuer à discuter, ça sera très bien comme ça là. Bon, voilà, il est violent, il y a Ryan qui, le mec fait des insultes de 10 km, l'espèce d'enfant de putain, de travelot, de cadavre, etc, etc. Jojo qui dit enfant de putain, il est sérieux, je vais te refaire ta façade. La douce Fada qui dit pété de rire, Mich Mich la pute, il m'a tué. Nina qui est ça fait rire aussi. Là, Romain aussi avec Mich Mich la pute, ça l'a fait marrer. Ah, il était gras lui, hein. Ah, au niveau de la graisse, il était pas mal lui quand même. Bon, 21h06 sur Fun Radio. On sera des appels malveillants d'ici un gros quart d'heure. Donc restez bien sur Fun Radio. Et puis je vous rappellerai la petite question pour repartir avec votre tablette Asus MemoPad 10 là dans quelques minutes. Beaucoup de mauvaises réponses, cela dit au passage. Évidemment, il y a des bonnes également, bien sûr. Hein, on va tirer au sort parmi des bonnes. Donc si vous voulez tenter votre chance, et ben en plus c'est les grandes vacances là. Donc forcément, il y a moins de monde que pendant l'année. Donc vous avez toutes vos chances de repartir avec la tablette. On fait ça dans quelques secondes. Dans le temps de faire péter la pub. Là, on revient juste après, vous bougez pas, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio, en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs cette semaine. On sera là jusqu'à dimanche, y compris d'ailleurs. Et la Minova qui dit hello la team, ça fait longtemps que je vous ai pas écouté, j'étais amoureuse mais je me soigne, vous m'avez manqué. Ah, tu vois ma Minova, on se barre pour un mec et puis finalement on revient aux premiers amours. Ouais. Oui, mais c'est comme ça. Et puis retour avec Georges également, t'es là Georges? Oui. Alors, ça va? Ça s'est mal passé. Ah bah alors n'en dis pas plus, on va en parler Georges. C'est étonnant, tiens, j'aurais pu être voyant hier ou médium. Allez, restez sur Fun, on revient juste après ça avec le son notamment de Jason Derulo. Et we go, we go, we go, we go, we go, we go. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est parti, plus de pub sur Fun. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est là 20h minuit sur Fun Radio. Tiens, j'ai été voir sur internet, vous êtes tous les 3 millions, gros bisous. Oh, on sait merci. Que le beau gosse c'est off. Ouais, oui. Bah oui, oui, je suis le plus beau gosse des trois. Mais bien sûr, évidemment. Allez voir d'ailleurs si vous voulez vous donner une idée. Hein. N'hésitez pas à taper Mickaël officiel sur le Facebook. Et puis bah, vous nous rejoindrez comme ça. On est plus de 460 000. Je sais plus, un truc comme ça, quelque part par là. Donc vous êtes les bienvenus, 462. Ouais. Est-ce que vous voulez venir nous rejoindre? N'hésitez pas. On est même pas là depuis un an, donc c'est cool. Et puis toujours la question aussi hein, pour repartir avec la tablette Asus, la MemoPad 10. Quel est le pays qui a fait démarrer le Tour de France cette année. Dans quel pays a démarré le Tour de France cette année? On proposait en Corse. Je ne me souviens pas que la Corse c'était un pays. Même si je sais que beaucoup de Corses le voudraient, mais là en l'occurrence ça n'est pas. L'Espagne, on avait déjà dit non tout à l'heure. Les États-Unis. Réfléchissez, ils peuvent pas venir des États-Unis quand même. Bah si, l'Allemagne. À vélo, en pédalo. Ah oui, bien, oui, en pédalo. Ouais. L'Écosse, non, c'est pas ça. C'est pas la bonne réponse. Vous avez la bonne réponse, bah tant mieux. Allez-y, on peut vous donner un indice. Hein, les buveurs de vin de thé au lait. Ah. Voilà, et la plus mauvaise bouffe du monde. Enfin, en tout cas, le petit déjeuner. Ouais. Oh non. Oh si, c'est immonde. Oh, non. Oh là là, en plus, ils vont à l'envers. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Vous repartirez peut-être avec votre tablette, la Asus MemoPad 10, que je vous offre ce soir sur Fun Radio. Elle vaut 200 €. Et si vous la gagnez ce soir avant 22h, vous serez livré la semaine prochaine. Ce qui est quand même plutôt sympa. C'est même une très bonne nouvelle. C'est même plutôt cool. Voilà, donc dans quel pays a démarré le Tour de France cette année? Vous envoyez JEU et la réponse au 64 900. Je vous souhaite bonne chance et on tire au sort avant 22h. Je vous avais promis le son de Jason Derulo avant de récupérer notre ami Georges là. Jason Derulo maintenant sur Fun Radio avec Snoop Dogg. C'est Wiggles sur Fun Radio. Hey yo, Jace. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Say something to her. Damn, baby, you got a bright future behind you. Hey, Jason Derulo, là, c'est avec Snoop Dogg sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et on est en direct jusqu'à minuit. Il y a Célia qui dit bonsoir l'équipe, vous allez bien, je vous kiffe tous. Bah, c'est gentil, Célia. Oui, on va très bien. Ouais. Et Jack aussi, en cours, mon portable a sonné, j'ai eu le temps de l'éteindre avant que le prof n'arrive. J'ai montré le mec à côté, j'ai fait c'est lui, je reconnais sa sonnerie. Et pouf, une colle pour lui. Oh le bâtard. Oh, c'est vraiment être un enfoiré là. Un enfoiré de première. Bon, il y a Georges dans quelques minutes qui va débarquer. Avant ça, on va juste terminer avec Samuel et les excuses. Les excuses pour éviter un PV ou une punition. Ça va bien, Samu? Ça va et toi? Bah ouais, ça va, tranquille. T'appelles de Paris, toi, 109 pour écouter Fun à Paris. Et c'est Samuel, ça. Toi, tu nous appelles par rapport aux excuses bidonnes que t'as déjà pu balancer pour éviter, bah, en l'occurrence, quoi, une punition, vu ton âge? Ouais, en fait, c'était genre une prof, toi, voulait que je recopie, tu sais, les phrases reloues, là. Ouais. Tu ne dois pas parler en classe, genre, voulait que je recopie. Bah, c'est parce que t'as beaucoup trop parlé, ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Bah ouais. Mais bon. Donc, du coup, bah, moi, ça me saoulait, bien évidemment. Ouais. Puis j'ai écouté, madame, vous comprenez, j'ai des soucis familiaux. Ce qui n'était pas du tout vrai. Hein. J'ai des soucis familiaux, donc je peux vraiment pas la refaire. Vraiment. Et je vous assure, je recommencerai plus jamais. Il y a mon chat qui est à l'hôpital, il se fait opérer du cœur. Non, quand même pas. Mais j'ai dit tellement d'une manière, tu vois, hyper classe, que la prof, elle a fait. Bon, ok, c'est bon pour cette fois. Et voilà, j'ai eu de la chance. Mais c'est pour ça, faut toujours, même avec les flics, de toute façon, ouais, ça sert à rien de s'énerver avec les flics ou avec les profs, de toute façon, vous aurez tort. Ouais, ils ont toujours raison. C'est comme au foot, avec un joueur qui prend un carton, je ne comprends pas pourquoi ils continuent ils sont obstinés à vouloir aller négocier et discuter, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas moins, au contraire, ils risquent d'avoir pire. Ouais, mais t'es dans le feu de l'action, Essaye, et explique ça à Polo. Ah oui. Explique ça. Explique ça à Polo quand il est dans l'énervement. Mais plus t'en rajoutes, plus il s'énerve. Plus c'est ça. Calme, plus ce sera stylé. Voilà, plus, en fait, c'est exactement si ça. Si tu t'énerves, bah voilà, après les gens ils vont dire bon, tu t'énerves, moi aussi je vais m'énerver. Donc bah, forcément tu feras punition. Exactement, ouais, voilà, c'est pour ça. Faut pas prendre les gens de haut, surtout pas les flics et les profs, etc. Si, ouais, prends dans la graine, Polo, c'est un bon conseil d'un doux, ça tient. Mais ça, c'est Tov qui fait ça. Moi, de quoi? Moi, les flics, je parle pas avec eux. Non, mais tu fais pas arrêter, toi, c'est pour ça. C'est pas toi tout à l'heure qui a écrit dans une agence qui a dit ouais, ça fait une heure, je vous attends, alors que ça fait une minute que t'es arrivé. C'était avant. C'était quand j'étais doux. Ouais, c'est ça, quand il était jeune et énervé. Et frais. Maintenant, il est plus vieux et calme. Mais oui. Mais c'est depuis qu'il a été transcendé par la sagesse. Bien sûr, vas-y, y a une personne, choisis la bonne. Ah, vraiment une personne. Ah ouais, vraiment une personne. Ouais. Bon bah, Johanna du 7-8 et Amanda. Eh ben voilà, voilà, heureusement que j'ai coupé le deuxième et qu'on l'a pas entendu du coup. Hein. Parfait, Amanda. Eh ben voilà, Johanna, y'a pas de problème. Salut Samuel. Allez, ciao Mickaël. Allez, ciao à toi et tu reviens quand tu veux, y'a pas de problème. Bon, c'est le retour de Georges, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons donc eu l'occasion de rencontrer Georges. Une perle. Oui, je pense, effectivement. Ouais. Un chef-d'œuvre. Exactement. Georges qui essayait de draguer. Allô? Allô, c'est Phil? Là, oui. Droit dans le mur. Oui, c'est Georges. Ça va? Oui, ça va. Tu fais quoi de beau? Elle a l'air content de la voir. Là, regarde. Tu regardes la télé? Ouais, elle regarde un porno, elle te l'a déjà dit. Tu regardes quoi? Les gens. Ah, d'accord. On se voit demain? Ouais. Ok. S'il lui dit salut. Et sinon, tu fais quoi de beau? Oh putain, mais deux fois il pose la même question. C'est quoi de beau? Donc là, ils nous entendent pas. Hein. Oh, il est bon, il est bon. Il y a d'autres, putain, elle lui a dit oui, conclu. Moi, je suis en train de te parler. Tu m'entends, Cécile? Je suis en train de te parler. Ouais, c'était barré, quoi. Mais non, arrête de lui demander ce qu'elle fait. La télé, là, enfin, la télé, quoi. Quoi, tu regardes la télé? Moi, je fais rien. Mais demain, c'est pas sûr pour demain. Mais pourquoi t'es putain? Ah, ok. Ça fait loin de chez toi et chez moi. Bah, là, je sais pas. Oh putain, bah, non, les meufs, ils vont peut-être bien ensemble, au final. Allô? Oui. Oh putain. Tu m'entends? Oui, ça. Bon, il l'a fait pendant 15 fois, hein, tu m'entends. Hein. Bon, alors, voilà. Du coup, bon, Georges. Oui, c'est moi. Ah oui, bah, ça, on a bien marqué. Mauvaise nouvelle. Oh, bon, attends. Par solidarité avec toi, on va parler comme ça avec toi. Voilà. Vas-y, genre. Bon, qu'est-ce qui s'est passé alors hier? Raconte-nous tout. Attends, non, pas ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque t'avais rancard aujourd'hui à la gare de nos gens, là. Attends, un truc, ouais. Georges, Georges, oui, un truc qui m'a travaillé depuis hier. Comment t'as fait pour l'horaire? En fait, elle m'a dit l'horaire après. Hein. Ah, d'accord. Quelle heure? Elle m'a, à midi, j'y étais. Ouais. Et puis, elle n'était pas là. Mais attends, comment tu peux être sûr qu'elle n'était pas là parce que tu sais pas à quoi elle ressemble? Bah oui. Si, je sais, elle m'a décrit comment elle était et tout ça. Ah, bah, ah ouais. Et donc, parce, parce qu'il faut quand même savoir que la meuf lui a tapé dans les doigts. Ouais. Ouais. Oui. Bon, et donc, du coup, tu veux qu'on la rappelle pour voir pourquoi elle est pas venue? Ah bah ouais, faut qu'on la rappelle. Bah oui, attends, ça se fait pas. Hein. Une nouvelle. Non, je veux bien qu'on appelle une nouvelle, mais il faut d'abord appeler celle-là parce que il y a un moment, faut pas se foutre de notre gueule. Ah ouais. Elle te donne rendez-vous, elle doit venir. Ou alors elle te donne pas rendez-vous, elle vient pas, voilà, mais il y a un moment. T'as attendu combien de temps, Georges? Une heure. Ah quand même? Ouais, ça se fait pas. Ouais, non, ça se fait mais pas. Mais t'es sûr que t'es pas à l'heure d'hiver sur ta montre? Ah peut-être. Non. Et t'es pas à l'heure du Canada? Non, quand même pas. Non? Bon, on sait jamais. Bon, écoute, on la rappelle, Georges. Oui. Nickel. Est-ce qu'à la fin, demain, vous pourrez laisser l'enregistrement? Parce que j'aimerais trop me re-entendre. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée, tu sais. Vaut mieux regarder de l'avant. Pourquoi vous voulez pas? Bah, c'est mieux de. Oh, bah, c'est pas que je veux pas, moi. C'est mieux d'aller de l'avant, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah oui, il vaut mieux aller de l'avant. Sur Internet, vous pourrez pas le mettre? Non, on va voir. Parce je pense que la loi nous l'interdit. Je sais pas. Bon, Georges, on y va, on la rappelle, la Cécile, là, l'autre qui est pas venue hier. Je trouve ça scandaleux. Non, pas venue aujourd'hui, pardon. Je trouve ça scandaleux. Bon, on la rappelle, Georges, d'accord? Ok. Allez, sois bon, hein. Et attends. Avant de l'appeler, n'oublie pas que c'est toi qui t'es fait avoir, donc faut que tu sois un peu ferme. Ouais, faut que tu vois. Je suis énervé après elle aujourd'hui. Ah bon bah voilà, bah alors on la rappelle et tu lui demandes pourquoi elle est pas venue et etc. Mais d'accord, t'énerve pas, ça se trouve elle a une bonne raison. Vas-y, ouais. Voilà, attention, mesdames et messieurs, pour ceux qui étaient pas là hier, je pense que nous avons le replay maintenant, hein. Ou pas loin. Ouais. Est-ce qu'elle va regarder la télé à fond de balle comme hier? Non, elle va même pas décrocher. Ouais, il y a des chances. Même heure qu'hier, donc elle doit se dire, oh putain, c'est nouveau les mêmes relous, là, je décroche pas. Merde. Bonjour. Oh, vous dommage. Êtes sur la messagerie 07. Non, merde. 80. C'est merde. C'est le répondeur. Shit, dommage. Oh, non, bah, tant pis, Georges. Bon, bah, c'est pas grave. Je suis déçu. Mais ça arrive même au meilleur. Hein. Nickel. Ouais. On peut appeler une nouvelle. Bien sûr. Mais t'es Casanova, mec. T'en as encore une autre? Non, j'ai envie d'essayer une autre. Attends, j'ai et une moi, autre. Je vais lui parler et tout. Ah, et tu vas lui parler, bah, comme t'es comme hier, quoi. Non, une fille que vous appelez, moi, mais je lui parle. Une fille? Oui. Qu'on appelle et toi tu lui parles. Ah, tu veux qu'on te trouve une autre meuf? Oui, mieux que ça. Bon, bah écoute, on va passer le message alors. Hein. Bon, si vous êtes une fille, vous avez envie de rencontrer Georges ou de parler à Georges, n'hésitez pas, hein, bien sûr. Hein. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et Georges, apparemment, le standard sature là. Ça va exploser de là. De demande là, ça sonne de partout, les lumières s'allument de partout, Georges là. Bon, et bah écoute, on fait le tri parmi les meilleurs et on te reprend juste après, d'accord? Ok, y a pas de problème. Bon, bah bouge pas, mais je pense qu'on va trouver chaussures à. Enfin, gants à ton doigt. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, bah, clavier, parce que... Oui, ah bah oui, je parle mieux depuis hier, Mickaël. De quoi, Georges? Je parle mieux depuis hier. Bien sûr, ouais. Mais attends, ça n'a aucun rapport par rapport à hier. On sent que t'as pris de l'aisance et tout. Georges Clooney. Ouais, clown. C'est ça, comme ouais, Georges Clooney. Est né pour le canard. Hey. Non, j'ai dit Georges Clooney. Oui, Georges Clooney, Exactement, ouais. Bon, bah reste là, Georges, d'accord ? Ok, il n'y a pas de problème. Ok, Georges, don't move, motherfucker. Laura est avec nous maintenant, là. Salut, Laura. Salut. Ça va ? Ouh. Ça va et toi ? T'es en forme ? Ah, bah tiens, en parlant de forme, non ? Quoi ? On peut pas faire un chiffre ? Ah non, ouais, on peut ouais, pas. Elle a des belles formes de 16 ans. Ah ouais, bah c'est ça. Bah ouais, ça, mais non, mais attendez, je parlais pas des je parlais des formes géométriques. T'es en pleine forme, pour les mathématiques. Hein, t'es en pleine forme. Oui, bon, ça bah va. Tant mieux. Tu vois qu'elle est en pleine forme. Bah oui, bah c'est bon, bien, bravo. T'es déjà en congé, toi, j'imagine, forcément, Laura. De quoi ? T'es déjà en congé, en vacances ? Bah non, moi je travaille, hein, j'ai commencé mardi dernier. Oh merde ! Mardi dernier. Et tu fais quoi comme taf ? Bah, je suis en restauration. Ah ! Mais tu fais quoi, t'es serveuse ? Oui, c'est un peu ça en fait au sujet. Où ça ? C'est un peu ça en fait le sujet, c'est pour ça que j'appelle. Ah d'accord, ok. Eh bah vas-y, on t'écoute. Alors qu'est-ce qui t'amène, Laura ? Parce que en fait, bah je suis arrivée mardi et j'ai eu un gros coup de cœur pour un cuisinier en fait. Et un cuisinier, pourquoi pas un balayeur pour Laura, arrête de dire des trucs comme ça, Tof, ça suffit maintenant. Bon d'ailleurs, je mets Tof au milieu. Assume Tof. Moi, Tof est au coin pendant une minute. Quelle horreur ce mec. Tof est au coin pendant une minute, ça lui fera les pieds. Au moins, ça évitera qu'il dise des conneries à longueur de d'émission. Il est immonde. C'est scandaleux. Voilà, une minute au coin, ça ira très bien. Bon, Laura. La première règle, no job in job. Ouais. Surtout avec un cuistot. Bah oui, mais bon, voilà, ça va poser des problèmes. Et oui. Je sais bien, c'est pour ça, en fait, ça me tracasse et tout. Enfin, je sais pas trop avec qui en parler et tout, donc c'est pour ça que j'ai appelé. Bah oui, mais quel âge il a, lui ? Il a 22 ans. Oh 22 mais 16, ouais. Après, je sais qu'il m'aime bien et tout, parce qu'il me le fait voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait voir ? Comment il fait voir ? Bah déjà, samedi, je travaillais pas. Il te donne plus de steak, c'est ça ? N'importe quoi, déjà il me fait des desserts que pour moi, donc... Waouh. Ah ouais, t'as une touche. Ah, et qu'est-ce qu'il fait comme dessert ? Bah les restes, hein, tous ceux que... En fait, on mange tous ensemble et... En fait, on a l'entrée et le plat, on n'a pas de dessert, enfin, le dessert c'est du fromage. Ouais. Et genre, moi, il m'avait fait un tiramisu et tout. En fait, c'est des expériences qu'il fait. C'est juste pour voir si c'est bon, t'es. Ouais, c'est ça. Mais Non mais attends, mais si tu veux, c'est pas la peine de prendre le cuisinier. Nous, on a quelque chose pour toi là. Ah bon ? Mais bah oui, on a quelque chose là. Georges ! Oui ? Je te présente Laura. Enchantée, Laura. Salut ! Allez hop, on va laisser se démerder. Là, on va être bien là. Là, ils nous entendent plus là. Oui, Laura. Non mais je veux pas te parler à temps. Allô. Ouais bon, elle a déjà un mec, Georges, là, les gens qui sur un autre. Oh mais Laura quoi. Bon mais rassure-toi Georges, on a du monde au standard pour toi, donc bouge pas de là surtout là, bouge pas de là. Bon Laura, reste avec nous également, on va demander s'il y en a qui sont déjà sortis avec des collègues de travail. Comment ça s'est passé ou pas là, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou alors vous envoyez MIKL et votre message au 64 900 et puis on vous rappelle. Tu restes avec nous Laura ? Oui, je reste. Bon, très bien. On aura les appels malveillants qui vont arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, il y a Julien qui dit, putain, Georges a l'air d'un gros cassos. Mais il est gentil. Mais non. Mais oui. Bon. C'est un mec classe, sûr de lui. Bah oui. Cédric qui dit, je vous signale que je me suis vraiment pissé dessus hier. Ah ouais, carrément avec Georges. Oh mon dieu. Eh bien, peut-être que ce soir, tu auras droit au caca. Ah oui, va savoir, effectivement. Allez, restez sur Fun Radio. Dernière demi-heure avant de repartir avec votre tablette, Asus Memopad 10. Je vous l'offre dans quelques instants sur Fun Radio. Vous restez bien là et on s'écoute le son de Both maintenant sur Fun. Straight Out of Line. Dans une autre dimension. Mickaël est président. Tof est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, et puis on est à la semaine également, 20h minuit sur Fun Radio, 21h31, les appels malveillants à suivre dans quelques secondes. Et puis toujours les messages là qui arrivent par rapport à la question là pour repartir avec la tablette. Asus, Memopad 10, on vous l'offre ce soir. Dans quel pays a démarré le Tour de France cette année ? Enfin, il y a 3 jours en l'occurrence. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez je, J-E-U, espace, la réponse. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS et je t'y ressors dans moins de 30 minutes. On proposait l'Autriche, bien sûr, c'est une mauvaise réponse, bien entendu. Hein. Donc si vous avez la bonne réponse, c'est une île également. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, on n'en dit pas plus. C'est vrai que ça peut. Partez pas dans les Caraïbes et tout le merdier. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez JEU et la réponse au 64-900. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous repartirez avec la tablette Asus MemoPad 10. Elle est à gagner maintenant, là, jusqu'à 22h. Et puis, surtout, si vous la gagnez ce soir, vous serez livré la semaine prochaine. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et puis, bah, allez-y aussi. Hein, si vous avez la bonne réponse et que vous écoutez l'émission, peut-être pour la première fois ou rarement ou même souvent, il y a évidemment moins de monde là maintenant à l'écoute puisque c'est les grandes vacances. Il y en a plein qui sont partis en vacances, qui écoutent pas forcément. Donc forcément, vous avez plus de chance. Voilà, dans quel pays a démarré le Tour de France? Vous envoyez JEU et la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et bien sûr, je vous souhaite bonne chance. Gabriel qui dit eh oh, Michel, n'oublie pas le top tweeto ce soir en fin d'émission. Ouais, ouais, Gab, t'inquiète, on fera ça tout à l'heure. Et moi, c'est pas Michel, moi, c'est Mickaël. Et le pâtissier de fun qui dit moi aussi, je fais des bons desserts. Bah oui, le pâtissier de fun, ça fait longtemps qu'on s'en est plus rendu compte. Ça commence à manquer. Je dis ça, je ne dis rien. Hein? Hop, un bon dessert, la tarte à la fraise. Le petit message qui passe comme ça, mais sans gélatine. Je n'aime pas ça. Ah ouais. Voilà. Il n'y a pas de gélatine. Si, ça tient les fraises. Hein, ah oui, mais t'étais obligé. Non, tu peux en faire sans. C'est meilleur, bien sûr. Bon, avant de récupérer notre ami Georges et toutes ses prétendantes, et il y en a, c'est ça qui est le plus sur la liste. Hein. C'est ça qui est énorme. Non, mais attends, c'est ouf. On va se faire les appels malveillants maintenant. Donc à base de quoi? À base de films pornographiques transsexuels. Ah oui, on se demandait qui, à votre avis, regarde des films transsexuels. Et bien, on s'est rendu compte que 80% de ces téléspectateurs sont des hétérosexuels. Oui, et c'est ça qui me fait peur. Du coup, on appelle des gens depuis tout à l'heure, hein, grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Eh ben, on va les appeler maintenant là pour voir un peu ce qu'ils en pensent et si eux-mêmes sont peut-être téléspectateurs, adeptes des films transsexuels. Donc on y va, c'est parti, on appelle maintenant. Allons-y. Le premier à 21h34. Et il y aura Katy Perry à suivre aussi. This is how we do. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, je vous appelle parce que je veux savoir si vous aviez déjà regardé des films pornographiques transsexuels, monsieur. Non, mais vous vous foutez de moi, non? Non, pas du tout, monsieur. À quelle heure vous appelez pour ce genre de questions? Bah oui, monsieur, il n'y a pas d'heure pour se poser des questions. Oui, non, mais bon, allez. Oui, je vous écoute. Allô? Ah, très bien, oui, bah c'est parfait, comme ça on va le rappeler, hein. Bah oui, hop là. Ça coupe un peu vite. Et en même temps, c'est pas comme s'il était hyper tard non plus. Oui, je m'excuse monsieur, mais on a été coupé, vous n'avez pas répondu à la question. Non, je ne répondrai pas à ce genre de questions, et puis bien sûr on est très courageux avec un numéro caché. Hein. Ah bah, je peux vous donner mon numéro si vous voulez, monsieur. Bien sûr, allez. Bah. Je ne veux plus être dérangé. Ah bah oui, mais répondez à ma question alors, monsieur. Non, il va nous voir grancher. Bon, c'est pas grave, on va encore le rappeler encore une fois, hein, du coup. Hein. Bah oui, il ne veut plus être dérangé. Je ne veux plus être dérangé, vous avez vu l'heure? Bon, on le rappelle. Bah 21h35 pour info. Votre correspondant. Ah bah voilà. Oh. Eh ben il est pas gelé pour l'instant, bah tant pis, c'est un coup dans l'eau, c'est pas grave. Oh, je suis déçu. Bah oui. Bon ben on en fera dans tout à l'heure des appels malveillants bien entendu. Donc vous restez bien sur Fun Radio, si vous avez des numéros de téléphone, vous les envoyez à Tof maintenant, toph@funradio.fr et n'hésitez pas. Et puis pour revenir sur la tablette à gagner là, je vous avais demandé dans quel pays avait démarré le Tour de France, j'avais dit que c'était une île, il y en a quand même qui ont proposé le Brésil. Oui, une très belle île, le Brésil. Très très belle île. L'Australie également. Alors, c'est trop grand pour appeler ça une île. Hein, donc c'est un continent. Oui. Voilà. Et quand bien même le Tour de France qui démarre en Australie, je peux vous dire que le 14 juillet ne sera jamais là pour la finale de la Tour de France. Ah mais si, hein. 2027. Oui, ah bah peut-être en 2027. Il faut voir, hein, parce qu'avec tout ce qui se met, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent. Hein. Ah ouais. Oui, note, c'est vrai. Mais il y a un moment, il va falloir passer sur l'eau aussi. Hein. Oui, c'est vrai. À un moment donné, puis il va falloir passer dans des pays un peu bizarres comme l'Irak et tout ça, donc. C'est vrai. C'est un peu dangereux, hein. Ou la Sibérie, il fait un peu frais, quoi. Bon, c'est vrai. Puis je suis pas sûr que la route soit vraiment praticable avec un vélo de course. C'est vrai. Bien c'est à voir. Bon, dans quel pays donc a démarré le Tour de France cette année? Vous envoyez simplement JEU et la réponse au 64-900. On tire au sort dans une vingtaine de minutes maintenant. Et on vous offre votre tablette Asus qui vaut 200€. La mémo pas de 10. Et bonne chance, tout le monde. Georges! Oui, toujours là. Bah, je me doute, hein. Georges, tu nous avais appelé parce qu'il est toujours en. C'est quoi ce chiot? Il veut absolument draguer. T'es où là, Georges? Je suis en train de chier. Non. T'es où? Dehors. Ah, d'accord, ok. D'où le bruit alors, très bien. Bon, il y a Aurélie qui est avec nous là. Salut Aurélie. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va. Donc toi, t'es tombée sous le charme de Georges? C'est ouf. Ouais, voilà. Ah ouais, mais arrête, t'es sérieuse là? Mais bien sûr qu'elle est sérieuse. T'as deux beaux gosses comme moi et Toff, et toi, ouais, tu vas aller avec Daffy Duck là? Attendez, je vous joue un peu de guitare pendant que vous vous rencontrez. Voilà. Allez-y, faites connaissance. Elle est pas accordée là? Si, c'est bon. Non? Bon, on n'est pas dans le détail, c'est Georges. Ah ouais, mais bon. Oui, oui, Rémi? Oui. Oui, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu fais quoi? Bah là, rien. Écoute, j'attendais que tu me répondes au téléphone. Ah d'accord. Tu vas lui refaire le coup. Sinon, tu fais quoi? Tu fais quoi? Demain? Bah, demain, je fais rien. Tu peux venir à la gare de Bordeaux si tu veux, on peut prendre ton chien. Si tu veux, hein. Bah écoute, c'est toi qui vois. Vers 13h? Ça va, ouais. Et toi, tu peux pas venir sinon vers 13h et où à Bordeaux? De quoi? Qu'il a pas terminé sa phrase. Où à Bordeaux? À la gare Saint-Jean. Ok, il n'y a pas de problème. Et puis après, on ira se balader. Voilà, tout à fait. On peut aller se balader sur les quais. Tu vas voir, c'est joli. Non, non, c'est moche. Non, c'est gavé beau. C'est gavé beau. Ouais, on a bien senti qu'on était à Bordeaux, là. Allô? Oui. T'es toujours intéressé? Oui. D'accord. Bah écoute, on se dit à demain à 13h à la gare Saint-Jean alors. Ok. Bon alors attendez deux secondes, oui. Attendez deux secondes, vous emballez pas oui, là. Oui, oui, il y a Cristal qui est arrivé et qui apparemment veut également sa part du gâteau. Hein. Oui. Attends une seconde, Georges. Je la connais. Bah alors, oui, tu lui as déjà parlé. Mais oui, Georges. On s'est parlé hier, tu m'as acheté comme une merde. Oui. Bon Georges, oui, Cristal est là et elle veut te rencontrer, en plus elle est dans le 93 comme toi. Mais oui. On peut se retrouver à la Courneuve, à la gare RER. Okay. En plus, c'est romantique. Oh oui, elle est très belle, cette gare. Ouais. Hyper romantique. Et vous allez vous balader au 4000, là. Voilà. À la cité, là. Ça va être génial. On ira voir Mickaël. Ah, malheureusement, on est archi-full demain. Mais si tu veux... Parce que là mon avion vient de m'appeler, en fait, on part en vacances plus tôt que prévu. Ouais. On marchera sur le boulevard jusqu'à Pantin 4 chemins. Voilà. Tu verras, c'est beau. Non, je veux. Et on pourra aller voir Mickaël No Limit. Oui, bien non, sûr. Mais oui, oui. Bah oui. Oh là là, mais bien sûr. Non, parce que j'aimerais passer en direct et tout. Mais t'es là en direct, là? Non. Bah si, t'es en direct, on t'assure. À l'antenne. Ah si, bah t'es en direct à l'antenne. Ouais, Georges. Là, t'es en direct à l'antenne. Je comprends pas pourquoi vous voulez venir dans le studio, vous avez de la chance. Vous faites de la radio avec nous, vous êtes chez vous. Moi, je demanderais pas mieux que d'être chez moi, pépère. Non, c'est mieux de venir au studio. Ah non, c'est mieux d'être chez toi, vraiment, mais sincèrement. Ouais. T'es quand même vachement plus confort chez toi. Tu veux manger un peu de cacahuètes, tu peux prendre un drink. Vous avez une belle fille. Ah oui, Cristal est avec nous, c'est vrai. Non, Sandro. Non, attends, Sandro, entre Sandro et Cristal, je peux te dire, il y a pas photo. Ah oui, quand même. Ah bah oui, non, mais ça, c'est une évidence même. Je peux pas vous laisser dire ça, moi, je suis choqué. C'est sûr. Bon, Aurélie. Oui. Ah, je croyais que t'étais déjà... T'avais été choquée. Non, du tout, pardon. Bon, attends, il y a Victoria également, là, Georges. Et en plus, elle est à Paris, là. Salut, Vic. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va bien. Psychologiquement, tout va bien? T'es sûr que t'as pas besoin d'aide? Tu veux qu'on appelle les secours? Non, tout va bien. T'as quel âge, Victoria? 18 ans. Ouais, bah, parfait. Combien mesures-tu, Victoria? Moi? Oui. 1m70. Combien pèses-tu, Victoria? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ah. 95 C. Et le dernier pantalon que tu as acheté? C'était du 38. Ah, mal. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, écoute, Victoria, je te présente Georges. Hein, Georges, Victoria. Georges est plus là. Enchanté, Victoria. Salut, Georges. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tu fais quoi? Là, il est avec du haut de gamme. Mais c'est quoi son obsession avec la radio? Que tu fais? Ah, d'accord. Ton prénom, il me plaît déjà. Ah bah tant mieux. Il y a moyen qu'on se voit? Ouais, pas de problème. C'est-à-dire que le mec, il a deux questions, c'est... Tu fais quoi, il y a moyen qu'on se voit? Tu peux? Et où et à quelle heure? Tu veux qu'on se voit où? Dans le 9-3, tu es où? Vers chez toi, il n'y a pas de problème. Mais déplace-toi, tête de con. Ok. Là, il nous attend pas. Ouais. Pas du tout, il fait rien. Vers 18h, ça te va? Et l'après-midi, tu peux pas, genre? Et 18h, c'est cool quoi? Non, moi, je peux qu'à partir de 18h. Oui, ça va, ça me va très bien. Ok. Et t'aimes faire quoi dans la vie, Victorien? Il s'est amélioré, Pierre. Ouais. Bah, je sais pas. J'aime bien la photographie. Oh, c'est un bon projet, ça. Ouais, c'est quoi, t'aimes bien faire quoi? Moi, je travaille, j'aime bien sortir, m'amuser, rencontrer des potes et tout. Rencontrer des potes, parce que généralement, en fait, les gens, si c'était potes, tu les as déjà rencontrés. Hein. Ouais, et il y a moyen, alors, pour demain qu'on se voit. Bah ouais, pas de problème. Ok. Tu fais quoi? Tu fais quoi de beau? Là, maintenant, je t'ai dit, j'ai écouté la radio. Et toi? Ah mon dieu. Et toi, tu faisais quoi? Tu fais quoi de beau? Et toi, là, tu faisais quoi? Ah, toi, je te connais, je crois. Ça, c'est de la discussion. Bah non, je connais pas. Hein. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts et... Quoi? Allô, Céphine? Non, c'est pas moi. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts et... Je comprends rien. Je te connais, je crois. Non, je connais pas, Georges. C'est quoi de beau? Là, je t'ai dit que j'écoutais la radio. C'est quoi? La deuxième fille, la française que j'ai eue aujourd'hui sur le forum, ouais. J'aimerais bien qu'on l'appelle aussi, mais elle m'appelle en privé à chaque fois. C'est messendière. On va le remettre, Georges. Allô? Allô? Oui, Victoria? Oui. Bon, en fait, et puis demain, on peut aller visiter Paris parce que je connais pas trop, en fait. C'est Marseille, bah ouais, je finis jamais les phrases, quoi. Tu fais quoi de beau? Non, enfin, derrière. Il y a des monuments à non, il y a Paris, à Paris, zéro monument. Bah, il y a un champ. Ouais. Donc, c'est un champ de patates. Mais si tu veux, on y va. Hein. Tu viens, tu vois, de problème. Et puis, on y va à 18h? Tu fais quoi et le matin, tu peux pas? Elle a dit que le non, soir. Non, le matin, je peux pas. Je peux que à partir de 18h. Elle bosse. Ah non. Et toi, tu peux venir à 18h ou pas? Bah ouais. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts. Victoria. Ouais. Il y a moyen ou pas pour que après que tu me rappelles, comme ça on se donne où c'est qu'on se voit dans le 9-3. Et non, je t'ai dit à Paris. Si tu veux. À part si tu veux pas, toi de ton côté. Elle t'a dit oui, oh là là. Tu fais quoi de beau? Tu fais quoi de beau, Victor? Il faut voir que là, il y a un mix entre les sourdires que je rebais à la main et ce qu'il dit. Et elle en a pas marre, Victoria? Je rigole, hein. C'est marrant. Non, mais c'est sérieux? Victoria, en fait, j'ai oublié de me décrire. En fait, moi, je fais 1m70, je fais 39, j'ai les cheveux noirs et les yeux marrons. Et mais toi, on s'en branle sa pointure. Je fais du 39. Bah, moi, je fais 1m70, 60 kilos. Tu fais quoi de beau? Vas-y, dis-moi. Voilà. Ouais, en fait, tu m'as tapé dans les doigts. Oh, c'est pas nerveux. Victoria, t'as les cheveux comment? Allô, gras, gras, il est brune. Oh, c'est mignon. Tu me fais. En plus, Victoria, c'est un joli prénom. Allô, tu fais quoi pour les vacances, hein? Là, normalement, je pars en Espagne. Allô, ouais. Céphine. Et tu pars quand? On s'en fout. Et je pars début août. Bon, alors vous allez vous voir alors apparemment, c'est ça, demain hein? Non mais c'est sérieux? Oui. Tu vas vraiment le voir, Victoria? Bah ouais, pourquoi pas. Cool, t'es une fille bien. Envoie-moi ta photo à polo@radio.fr. Non, ce sera la surprise. Il faudra nous envoyer une photo de vous deux justement. Ouais, vous nous faites un selfie. Voilà, c'est ça. Et demain on vous reprend tous les deux à 20h, d'accord? Pour voir un peu comment ça s'est passé. Ok, y'a pas de problème. À demain hein. À demain. Salut. Oui, Georges. Je fais quoi? Passer une dédicace. Ah putain, on passe sous un tunnel là. Ah ouais. Oh le tunnel, regarde. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Tu fais quoi de beau? Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Radio. Avec le canular qui arrive dans quelques minutes sur Fun Radio. Bah oui, vous le savez, hein, de 20h à minuit pendant les vacances, là on se réécoute les plus gros qu'on a fait pendant l'été, pendant l'année, pardon. Et Dieu sait qu'il y a du lourd. Je vous parle d'ukrainien dans un instant. Tiens, il y a Coco qui dit sérieux Mickaël, votre Georges c'est une blague, vous me tuez là. Bah non non non, c'est pas une blague. Hein. Ah non. Echo qui. Putain, je ferai un jour un petit remix avec notre ami. Avec notre ami Georges. Ah voilà, ça va venir. Que le prince Nadia commence à enregistrer avec ses cassettes. Ouais, Echo qui dit putain, il vend tellement du rêve ce Georges, je dirais même ce George, espèce de vendeur de rêve. Nina aussi, vous avez réussi à me faire pleurer. De rire, j'espère, Nina. Et Cédric aussi, mort de rire. Merci, Mickaël. Putain, je t'adore. Arrêtez, j'en peux plus pour Mamie Nova. Et puis, message si je suis boulanger, je suis sorti avec une des vendeuses qui est enceinte et qui a une fille. Ça a foutu le bordel à mon taf. Appelle-moi et je t'explique. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone. Laisse ton numéro de téléphone si t'envoies ton numéro. Si t'envoies et Mickaël et ton message au 64-900, faut laisser ton numéro pour qu'on te rappelle. Mais ce serait cool que tu le laisses, s'il te plaît. Allez, vous restez sur Fun Radio toujours. Et dernière ligne droite pour gagner votre tablette ce soir, la Asus. Ce soir, a gagné la MemoPad 10. Dans quel pays a démarré le Tour de France cette année? C'était il y a 3 jours. C'est sur une île, pas très loin de chez nous, cela dit au passage. Oui, ils sont très théoulé quoi. Ah oui. Voilà, c'est ça. Et petit déjeuner dégueulasse avec des trucs un peu bizarres, du pudding et tout ça. Ouais. Donc si vous avez la bonne réponse, et il roule dans l'autre sens, vous envoyez simplement je JEU et la réponse au 64-900. On en a cité des trucs. Hein. On posait Venise. Bah bien vu ça, Venise. C'est un très beau pays, Venise. Ah, c'est presque une île. Ah, bah, non, pardon, je me suis trompé. Voilà. Effectivement, c'est presque une île. L'Irlande, c'est pas mal, mais c'est à côté. Monaco, non, c'est pas une île. Orchidée, c'est une belle fleur, mais je vois pas le rapport. Et enfin, le Brésil, on l'avait déjà dit, c'est une mauvaise réponse car démarrer le Tour de France au Brésil, c'est tout de même un peu bizarre. Hein. Déjà, le démarrer dans le pays qu'on cherche, ça fait bizarre, mais enfin, ça reste quand même voisin d'une autre. Mais tout de même, donc voilà, vous envoyez je, JEU et la réponse au 64-900. Tirage au sort dans moins de 10 minutes maintenant. On saura lequel d'entre vous repartira avec la tablette qui vaut 200€ et vous serez livré la semaine prochaine. Et comme je l'ai dit également, si vous voulez jouer, bah, c'est peut-être l'occasion, puisque comme ce sont les grandes vacances, il y a moins d'auditeurs que d'habitude, donc vous avez plus de chance. Voilà, à vous de jouer, je et la réponse au 64-900. Dans quel pays a démarré le Tour de France, donc c'était il y a 3 jours. Bonne chance tout le monde. Et puis on va accueillir Estelle maintenant pour le canular là, 21h54. Salut Estelle. Salut Mick. Comment ça va? Je m'appelle Mick maintenant, si nous voulons. Salut Mick, ça va hein? Il manque un bout à la fin. T'aimes pas le L, c'est ça? Oui. Ah d'accord, ok, très bien. Non mais alors d'accord, au moins il y a une raison, c'est très salut, bien. Salut Mick. Salut Mick. Bon alors Estelle, on va faire le petit canular comme d'habitude hein. Bah ouais. Et t'as prévu un truc en particulier? Non. Non mais on va appeler qui? Tu veux faire quoi? Bah je voudrais appeler ma mère pour lui faire croire que je sors avec un garçon plus âgé que moi et qui n'est pas français. D'accord. T'es dans quelle région ta mère? Dans le nord. Dans le nord, t'habites avec elle? Oui. D'accord, et toi t'as 19 ans, très bien. Bah alors on va mettre un mec d'une quarantaine d'années, 50? 40 hein. Ouais, 40, 40. Ouais, parce que 50, 45. Ça devient trop. Quel âge est-elle ta mère? Ma mère elle a 41 ans. 45 c'est très bien, hop, comme ça elle est plus. Comme ça elle va me devoir le respect. Elle est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Oui. Eh bah écoute, on va l'appeler alors hein. Donc on s'est rencontrés il y a combien de temps? On aurait pu se rencontrer il y a 6 mois. Ouais. Sur internet, sur un site de rencontre, qu'est-ce qu'il y a comme site de rencontre? Il y a le nouveau truc là que tout le monde fait. Mais il y a 6 mois ça n'existait pas. Badou, c'est encore pire. Sur Badou, hein. Tu ressembles à quoi toi? Parce que je suis censé t'avoir déjà vu. Bien sûr, alors Estelle, combien mesures-tu? Je comptais juste voir les physiques. Combien pèses-tu? 49 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90D. Et la D comme Denise? Oui. Ah oui. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 34. Bah écoute, je peux venir finalement véridique. Hein. On peut vraiment s'installer. Hein. En effet. Ouais. Bon, Estelle, on va donc appeler ta mère maintenant. Tu vas lui faire croire donc que t'as rencontré un mec, c'est moi, que t'es venu me chercher à l'aéroport, que là on est. T'es où là? T'es chez toi ou pas? Non, là je suis à Vendrecy. Bon, tu vas me dire que tu vas dire que t'es venu me chercher à la gare de Lille. Oui. Hein. Et puis voilà, moi je suis venu de Lille-Flandre, je suis venu d'Ukraine, hein. En train. De Kiev, parce que comme c'est le bordel là-bas, du coup il a fallu que je vienne et t'es proposé de m'héberger, donc je m'installe en France. D'accord. Très bien, putain j'ai peur pour l'accent là, j'ai peur de merder pour l'accent là. Eh joue bien hein. Toi t'es vraiment in love hein et tout hein. T'as déjà vu ma tête? Oui. Ah bah alors tu vas vraiment être in love, très bien, tu vas pouvoir. Oh, le mec il se la raconte pas. Ramène un peu, tiens. Voilà. Bon, allez, on y va. C'est parti. Et bon bah moi j'ai appris le français hein, fut un temps à l'époque. À l'école, t'as été à l'école. L'école de France. Je t'aime, c'est Yavas Loublou. Yavas Loublou, voilà. Très bien.

Bon. Blague. Non, bah, en fait oui et non, c'est-à-dire qu'en fait on a pris la température. On a pris la température pour voir comment est-ce que vous allez vivre le fait qu'elle débarque avec un Ukrainien. C'est quand ça nous arrive, ça c'est tout drôle. Bon, et nous on peut venir ou pas, maman? Non. Oh bah d'accord, bah dis donc, alors là. Mais bah, nous ça... on va pas rester, on a de l'argent. Hein. Oh bah même. On vient juste manger. Bon, allez maman, bonne soirée hein. Merci à vous. Salut, bisous. Ciao. Bon, bisous. Estelle, alors toi tu peux repartir. T'es là Estelle? Ouais. Bon, très bien. Alors, on a soit les casques Beats by Dre, soit les trottinettes qui déchirent. Je vais prendre le casque. D'accord. Beats. Ok, pas de problème. Et bon, on va te filer ça sans problème. Salut Estelle, gros bisous. Salut, bisous. Bon, et si vous voulez faire un petit canular aussi, vous n'hésitez pas, bien sûr. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Eric, il y a Igor, il y avait longtemps. Et oui, Igor faisait longtemps pas venir dans le pays. Nina, bon, en tout cas, très beau pays hein, qui m'accueille. Magnifique, hein, magnifique. Visiblement, là, aussi bien que la mer d'Estelle, là. Très bien, mais qu'il a envie de bouffer de la bouffe ukrainienne, il a cartonné chez lui. Hein. Bon, bah, très gentil. Nina, on l'a senti, la femme accueillante. Ah ouais, nous arrive dans 10 minutes. Gabriel aussi. Trop bien l'accent russe, Mickaël. Écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. J'ai vraiment essayé, là. Et puis, bah, tous vos messages encore, on va récupérer Laura qui kiffe un collègue de travail. On va le reprendre dans quelques instants. Vous toutes et vous tous en direct également. Et puis, je vous avais promis de tirer au sort le gagnant ou les gagnantes pour la tablette, la Asus MemoPad 10, eh ben on y va, c'est parti. Et puis j'aurai des maillots de foot à vous offrir également là dans quelques minutes sur Fun Radio, maillot de foot de l'équipe de votre choix, équipe nationale de votre choix. Mais pour ça, il va falloir aussi répondre à une petite question. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Oui, bonjour, Christelle. Salut Christelle, t'as quel âge, tu es dans quelle ville, dis-moi? J'ai 41 ans et je suis de La Roche-sur-Yon en Vendée. Très bien, eh ben écoute Christelle, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Et j'avais une petite question pour que tu puisses repartir avec la tablette Asus. Bon, dans quel pays a démarré le Tour de France cette année? En Angleterre. Eh oui, ouais. Eh ben voilà. C'était pas si compliqué que ça. Et vous avez remarqué qu'on est quand même bien loin de l'Australie, du Brésil, etc, etc, hein. Ah, bon ben c'est bizarre quand même, hein, parce que moi l'Australie j'aimais bien. Bah ouais, non mais moi aussi j'aime bien, mais bon, enfin je suppose que j'aime bien, j'ai jamais été. Bon, bah bravo à toi Christelle, la tablette Asus MemoPad 10, elle est pour toi, je te félicite. Tu vas rester au standard, on va prendre tes coordonnées et puis on va te l'envoyer courant de la semaine prochaine. Hein. C'est cool, c'est pour mon anniversaire en plus. Eh ben en plus, ah, bah 42 alors voilà. Christelle. 41. Ah, tu vas avoir 41, très bien. Ouais. Ah bien, bientôt, bah c'est déjà hier, hein, bientôt plus proche de la fin que du début, hein. Oui, tu deviens désagréable. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Exactement. Mais oui, Christelle, combien mesures-tu? Pardon? Combien mesures-tu, Christelle? 1m55. Combien pèses-tu? Ouais. Ah bon, je fais un petit 50. Quel est ton tour de poitrine? Ouais, ça va. Ouais. Après ou avant opération? Ah ben après. À 85C. 85. Voilà. Et mais t'avais le dernier pantalon que tu as acheté? Attends, petit temps mort, il y avait quoi là-bas? T'avais combien du combien? C'est un petit B. Ah oui. Ouais. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté, Christelle? 36. Oh là là là là. Bonne. Malgré son âge. Bon, et toi va te faire la livraison. Hein. Elle est d'où, Christelle? Elle est de, je sais plus, tu m'as dit d'où? La Roche-sur-Yon en Vendée. Ah, mais ouais. Parfait, en plus c'est les vacances, voilà. J'ai rien à faire, j'arrive, je te l'amène ta tablette. Et impeccable. Et ben voilà, en autolib, il va être au top. Bon, ben salut okay. Christelle, je te fais des bisous. Merci on fera beaucoup, des vidéos avec, tu verras. Salut à toi, okay. Ciao. Et puis on offrira d'autres des tablettes dès demain à partir de 20h. Et puis il y a les maillots de foot de l'équipe de votre choix. Maillots de foot, ballon de foot ou alors les chaussures de foot offertes par Pro Direct Stalker et par Fun Radio. Et ben je vous offre ça dans quelques instants, le temps d'écouter le son de Katy Perry dans quelques minutes. Et ben je vous balance la question dans quelques secondes juste après la pub, tiens. Vous restez tous là, c'est Mickaël No Limit, on est là comme tous les soirs, en direct 20h minuit sur Fun Radio. Passez le message autour de vous. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est parti, plus de pub sur Fun Radio. 20h minuit. Mickaël. Mickaël, No Limit. Et on est en direct jusqu'à minuit. Il y a Romain qui dit mort de rire, le niet niet da Igor, moi Igor. Bah oui, écoute, j'ai essayé de faire le maximum pour que Igor ressemble à quelque chose, j'ai envie de dire. Bon, allez, c'est parti maintenant. Maillot de foot à gagner, maillot de foot de l'équipe de votre choix. Et profitez-en, on vous en offre que jusqu'à dimanche. Après, c'est fini. Voilà, donc si vous n'avez pas encore votre maillot de foot de l'équipe de votre choix, équipe nationale qui a participé au Mondial 2014, eh bien, vous envoyez jeu. Et la réponse à la question suivante, dans quel club joue Karim Benzema? Voilà, donc club évidemment c'est... bah c'est les clubs de l'année quoi, hein, genre Paris, Barcelone, Benfica, Real, etc., etc. Mm-hmm. Voilà. Donc si vous avez la bonne réponse, vous envoyez jeu espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre maillot de l'équipe au choix, ou alors le ballon de foot officiel FIFA, ou alors les chaussures officielles que les joueurs utilisent. Il y a les Nike, il y a les Adidas et il y a les Puma qui les utilisent actuellement au Mondial. Donc c'est les mêmes que vous allez pouvoir gagner. Hein, et ça vaut 250€ juste cette paire de chaussures. Donc réfléchissez quand même à ce que vous allez vouloir gagner. Si vous avez la bonne réponse, évidemment, vous envoyez donc jeu et la réponse au 64 900. Dans quel club joue Karim Benzema? Allez-y, bonne chance tout le monde. Je l'ai promis tout à l'heure. Eh ben on se la fait maintenant. Enfin, au sens figuré, bien sûr. Katy Perry maintenant. This is how we do sur Fun Radio. Bonne soirée. C'est Fun Radio avec Katy Perry à l'instant. This is how we do sur Fun Radio. 22h19. On va se faire les appels malveillants dans quelques minutes sur Fun. Il y a Claire aussi qui dit comment je faisais quand j'avais 16 ans. Je draguais mon professeur de maths. Il était mignon. Ah bah oui, oui. Écoute, c'est bien. Après, tant qu'il a pas dit oui à tes avances, c'est le principal. Laura, t'es de retour? Oui. Bon, Laura qui nous avait appelé parce que elle kiffait un collègue au travail, un cuisinier de 22 ans, sachant que toi t'en as 16, c'est un travail d'été que tu fais. Non, c'est un apprentissage. Ah, un apprentissage, d'accord, ok, très bien. Bon, bah parfait. Alors du coup, il y a également Mickaël qui est avec nous et qui voulait donner son avis. Tiens, salut Mickaël. Salut Mika. Comment ça va bien et toi? Tranquillement. Bon, t'es déjà sorti avec une collègue ou un collègue toi? Une collègue. Ah, alors comment ça s'est passé? Parce qu'on a eu l'auditeur tout à l'heure qui a dit que c'était un bordel sans nom, mais il a pas laissé son numéro, mais malheureusement, oui. On n'a pas pu le rappeler. Donc, dommage. Donc, si vous avez envie de. Si vous envoyez un message, vous envoyez Mickaël et un message au 64 900 et que vous voulez passer à l'antenne, indiquez bien votre numéro de téléphone parce que sinon, on les a pas automatiquement. Donc, voilà. Et puis, le plus simple, c'est d'appeler le standard, évidemment. Alors, Mickaël, explique-nous un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé quand t'es sorti avec un collègue, enfin une collègue? Bah, je suis sorti avec et tout, ouais. Donc ça a duré 3 mois la relation. D'accord. Après, j'y suis pareil aujourd'hui. Attends, j'ai rien compris. Ça a duré 3 mois et quoi? Il s'est séparé aujourd'hui. Ah, vous êtes séparé aujourd'hui? Ah merde, ouais. Mais pourquoi? J'ai pas envie de continuer l'histoire en fait. Ouais, pourquoi? Enfin, en deux mots, je veux pas raconter, tu me racontes pas ta vie, mais juste en deux mots. Et tu fais quoi? T'étais chiant, elle s'est barrée, bah, tu l'as trompée. Bon, bah voilà, c'est tout ce que je voulais savoir, c'est parfait, tu vois, c'est facile. Bon, et donc du coup, mais en même temps, c'est pas grave. C'est pas dû au fait que c'était une collègue, c'est pas à cause de ça que vous vous êtes quitté, si? Bah, si, en ce moment, c'était une collègue, donc tu vois. Bah, mais ça n'est plus là. Hein? Vous êtes encore collègue? Oui, toujours collègue. Ouais, voilà. Et donc, c'est ce que je disais, du coup, Laura. C'est ce qui risque de t'arriver. C'est que, bah, là, c'est un collègue. Là, ça se passe bien. Vous êtes en train de vous tourner autour, de vous renifler, tout ça, c'est rigolo. Je te sens le cul, il me sent la bite. Voilà. Quand vous allez sortir ensemble, ça va être génial. Mais, le jour où ça va s'arrêter, là, ça va être beaucoup moins drôle. Parce que ça va être la guerre. Vous allez essayer de vous faire les plus gros coups de pute. En fonction de pourquoi ça s'est arrêté, hein. Si c'est comme un accord, c'est pas grave. Mais si t'as été voir ailleurs ou que lui a été voir ailleurs, bah forcément, ça va être la merde. C'est ça, quand il aura Tout dans ce métier. Quand il aura été mettre son cornet dans d'autres moules. Oh bah, tu sais pas. Elle est tout le temps devant elle, excellent. Oui, non mais ça veut rien dire, Mickaël. Elle peut se taper un mec comme ça, ou même sortir avec un mec, même si elle a 16 balais, à la limite, tu vois. C'est tout le temps se vale, ça veut rien dire. Non, mais pas un cuisinier, il a raison, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que t'as contre les cuisiniers, toi? Mais rien. Mais on dirait. On dirait surtout avec le métier. À la mi, tu m'aurais dit barman, etc. Parce que c'est vrai que les barman, on sait qu'ils sont chauds. Mais pas un cuisinier. Mais qu'est-ce que t'as avec les cuisiniers? C'est un truc de dingue, ça. C'est fou, je comprends pas. C'est tough, je sais pas. Je suis infecté par cette maladie. Qu'on appelle le TOPH. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est une maladie très grave. Et très grave aussi, d'ailleurs. Incurable. Incurable. Une fois que tu l'as, c'est mort. C'est fini. Le mec là qui s'est pas dragué, c'est vraiment pas dragué. Hein. Franchement. Oui, ah bah merci, Mickaël, d'avoir bien insisté là-dessus. Effectivement, il n'est pas doué. Mais c'est pas grave. On devrait la voir demain pour voir comment ça s'est passé avec Victoria. Hein, si on l'aime bien. Avec une meuf, vas-y, en gros. De quoi, Mickaël? Tu peux essayer avec une meuf? Non. Même pas. Non. Tu peux essayer avec Christelle. Ah, si tu peux essayer de lui, moi, wesh. Bah oui, mais non. Là, on est sûr. Non, on va pas commencer avec 150 ans. On est avec Georges. On a comme mission de lui trouver une meuf. On va d'abord essayer de lui trouver une meuf et après, on verra pour les autres. Après, on verra pour les autres. Mickaël. De quoi? Mais pas là, me fais pas ta gonzesse là, sois un homme, hein, une fois dans ta vie là. Mais oui, en plus tu viens de terminer une relation, le pauvre il a jamais eu de meuf, Georges. Bombe chacun le son torse tour. Là. Chacun son tour. Bon. Tu respectes le Georges. Moi je suis loin moi. De quoi? Je suis le roi, moi. Oui, oui, bah peut-être, mais en l'occurrence, là, t'as besoin de nous. Ah bah voilà, là, tu vas gérer. En plus, tu sors d'une relation, là, Mickaël, là, tranquille. Voilà. Laisse le Georges, le pauvre, lui, il a vraiment du mal. Donc, on va lui filer un coup de main, c'est bien. On va lui filer des coups de main. Je vais essayer un coup de main, si tu veux. Ouais, non, mais t'inquiète. On va, normalement, demain, là, il va voir Victoria. On aura des nouvelles demain soir. On va voir un peu comment ça s'est géré, là. Et on verra. Bon, mais Mickaël, merci d'avoir appelé, en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Je vais me faire dédicace à maman, gros maman que j'aime tant. Oh, c'est choupignon. So sweet. Eh ben, très bien, message passé, y a pas de problème. Salut Mika. Salut. Allez, à bientôt. Bon, et Laura. Oui. Bon, pour terminer et clore le sujet, moi, ce que je te conseille, juste avant de donner ça, tu travailles là combien de temps? C'est un. 2 ans. Deux ans. Et lui, il a un contrat, un CDI ou il s'arrête bientôt? Oui, il vient CDI. Bah, franchement, moi, je le ferai pas, hein. Ouais, tape-toi des clients, c'est mieux. Je sais qu'il m'aime bien et tout, parce qu'il parle souvent de moi et tout, tu vois, il était dégoûté. Ouais, mais fais comme toutes les meufs, tu sais quoi, fais-toi payer des gâteaux gratos et puis tu t'en fous de sa gueule, quoi. Voilà, fais-le. De toute manière, après, je verrai bien avec le temps. Parce que là, fais-le baver. Non, ouais, mais tape-toi, écoute, des clients qui te laissent un gros pourboire. C'est ça. Non, mais écoute, voilà, moi je te dirais de pas le faire. Après, tu fais comme tu veux, t'es grande. Hein. Mais ça risque quand même de foutre la merde. Ouais. Et après, ça va être le problème avec le patron. Il va s'énerver. Ouais. Il va peut-être vous virer tous les deux si jamais vous n'arrivez pas à gérer. Et puis, ça reste un cuisinier, quoi. Mais arrête, mais t'es fait chier avec tes cuisiniers, là. Il est con, lui, quand même. Bon, donc voilà, t'as notre avis, en tout cas, Laura. À toi de jouer maintenant. Oui. Bon. Je peux faire une petite dédicace? Allez, vas-y, il y a une personne aussi, choisis la bonne. Ouais, bah, je fais une dédicace à Sébastien et puis voilà. C'est le cuisinier? Non, du tout. Ah, c'est possible d'avoir un pack fan. Bien sûr. Tu vas gérer ça avec son je te la repasse. Je vous fais un bisou à tous. Gros bisous. Salut Laura, ciao, à bientôt. À bientôt. Allez, bye bye Laura. Bon, il y a Maxime qui est avec nous maintenant là. Salut Maxime. Salut. Ça va Maxime? Ouais, ça va. Bon, ouais. Ça va, tranquille. Qu'est-ce qui t'amène toi? C'était pour devenir doué et c'est aussi mon anniversaire. T'as une voix un peu trop grave. Quel âge as-tu, jeune petit? 14 ans. Ah oui, c'est bon, alors bah écoute pas trop. Ah, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Ouais. Bah attends, je te mets la musique d'anniversaire, alors attends. Ouais, cool. Voilà. Non, c'est pas la merde. Ouais, ça se fait pas. Respecte un peu. Respecte, sale doux de merde. Ok. Chiasse de doux. Voilà, et je te passe directement Polo. Je rappelle que les 12 sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Tu as déjà mué, mais tu as moins de 15 ans. Je te passe Polo, le général des 12. Sac à merde, toi qui as manqué de respect à la mère de Tof, comment t'appelles-tu? Maxime, tu veux devenir doux officiel? Ouais. Moi, Polo, grand maître de la confrérie des 12, général en chef des armées des 12, je peux accéder à ta demande. Maxime, mets-toi à genoux. C'est fait, insulte-toi, Maxime. Tu fais quoi de beau? Je suis en Tof. Non mais des vraies insultes, arrête de... Sinon tu dégages tout de suite, allez. Un bâtard, un con, un connard. Encore. Une tête de chien. Encore. Un PD. Encore. C'est pas une insulte. Ah oui, c'est vrai. Encore. Tu fais de beau. Bon, Maxime. Tu fais quoi de beau? Est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite? Oui. Tape-le-toi sur la tête. Ok. Encore! Ça c'est pour le manque de respect, allez! Ça suffit! Maxime! Tu es un doux officiel, bravo, félicitations! Et tu seras le doux con! On l'a déjà utilisé le doux con, non? Non, on l'a déjà utilisé. Bon, le doux très con. Le doux très. Non, qu'est-ce qu'on veut trouver comme il est mauvais, il est mesquin. Le doux mesquin. Ok. Le doux mesquin. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Tu gardes ça, tu vas te le graver sur ta gueule et tu dégages. Bon, Maxime, le doux mesquin, tu es donc doux, tu n'oublieras pas, bien entendu, tu as une lourde tâche sur tes épaules. Prévenir tous les auditeurs qui n'écoutent pas encore Fun, d'écouter Fun tous les soirs, 20h minuit là, jusqu'à dimanche prochain, et puis 23h-2h la saison prochaine à partir du mois d'août, évidemment. D'accord. Et surtout, ne deviens pas cuisinier dans ta vie. Bon, tais-toi avec tes cuisiniers là. Ah, mais il a raison. Bon, salut à toi, le doux mesquin. Et Mickaël ? Ouais. Est-ce que je serais possible d'avoir un petit cadeau? Bah oui, tu peux avoir quoi? Ma main sur ta gueule. Je rigole. Bon, tu finis un pack fun, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse tout de suite. Ok. Salut, merci. À bientôt. Salut. Ciao. Salut, équipe, allez, bye bye. Maxime, là, il y a Julien dans un instant. Salut Julien. Ouais, salut Mickaël. Ça va? Bah, ça va et toi? Bah oui, tranquille. Hein. On va parler de quoi avec toi dans un instant? Oh, mais là, c'est un truc de dingue. Je pars dans le sud, là. Il faut un logement, en fait. Ah, bah là, même où tu es maintenant, il te faut un logement. Hein. C'est-à-dire que, ou alors il te faut des meubles, mais ça résonne, hein, mec. T'es où là? T'es dans tes chiottes? Non, je suis dans les escaliers. Ah, dans les escaliers? Ah, bah oui, d'où l'écho alors, d'accord. Bon, bah bouge là, pas, bouge pas. T'as besoin d'un logement dans le sud. Bon, on en parle dans un instant. Tu restes avec nous, Julien? Bah, y'a pas de soucis. Bon, bah reste avec nous. Il y aura Wilfried dans un instant également. T'es là, Will? Oui. Bon, parfait. Will qu'on a eu la semaine dernière, hein, il avait passé le permis. Tu vas nous donner des nouvelles? Oui. Dans un instant, tu restes avec nous, Will. Vous, si vous avez envie de passer à l'antenne, vous êtes les bienvenus également. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et puis, depuis la Belgique, bien sûr. Et puis, j'avais une petite question. C'est quoi le pari le plus stupide que vous avez déjà fait? Bon, moi, j'ai pas parlé de celui que j'ai fait avec Polo, puisque bien sûr, il n'a pas honoré. Il n'a pas honoré. Polo n'est pas quelqu'un de confiance et j'ai de parole. Pas honoré, si. Tu t'es mis avec des personnes, vous avez dit. Attends, c'était non, quoi le truc? Le pari qu'on a fait avec Polo, non, c'est que on devait perdre des kilos, si. Non, et mais attends, dit, c'est et, pas ça et, la base. Et le deal, on avait fait deux mais paris. Une année, on avait fait un pari, celui qui arrive à perdre 10 kilos le premier offre un voyage à New York à l'autre. Voilà. Non. Non. Gagne, offre un iPhone. C'est l'iPhone. Les premiers, c'est l'iPhone. Ouais, c'est ça. Donc je devais lui offrir un iPhone ou lui m'offrait un iPhone si on arrivait. Polo a gagné de pas grand chose, mais il a gagné. Je lui ai offert l'iPhone. Normal. Mais oui, vrai ou faux? Mais oui, mais vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, je te l'ai offert. Bah oui. Bon, l'année d'après, on refait un pari sur le poids nouveau. Non, on en a fait trois alors. Ah ouais, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, on va parler de ces deux-là. L'année d'après, on refait le même pari, hein, pour le même quasiment, avec aussi une perte de poids. Celui qui gagne offre un voyage, enfin le billet d'avion à New York à l'autre. Je gagne. Sachant que Polo gagne moins, je lui dis, bon, en voulant être un bon prince, je lui dis, bon, vas-y, c'est pas grave. Au lieu de dire, non, écoute, j'ai perdu, j'assume, il dit, ah bon, ok, merci. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh me dire, eh bah, non, je suis honnête. En plus, t'es gras, t'aurais pu me l'offrir. Et ben voilà, non. Donc voilà, donc Polo ne fait peut-être pas les paris. C'est quand même dramatique quand même. Toff se marie avant la fin de l'année, je t'offre un billet d'avion. Eh ben, Toff se marie. Voilà, je me marie demain. Voilà, on va l'envoyer. Ouais, mais je veux des preuves. On va l'envoyer à Vegas, on va le laisser, on va le mettre en meuf et puis il va partir. Attends, qu'est-ce qu'on en a à branler? Tu vas lui te voir un billet d'avion. Ce moment est enregistré. Eh bien, deal, hein. Tu te maries? Quelle heure il est? 22h31. Bah on partage pour le voyage à Vegas le premier. Oui, pas de problème. Je paie rien. Si, tu t'es engagé, mec. Ah non, je me suis tous pas engagé. Tous les auditeurs de fun sont témoins. Non, je me suis pas engagé. Les auditeurs de fun sont témoins. Si Toff se marie avant la fin de l'année, tu me payes un billet d'avion. Ah oui, mec, c'est deal. Mais j'ai pas dit où. On n'a pas dit où. Un billet d'avion. Voilà, ça peut être n'importe où. Un billet d'avion, celui qui m'a pas payé à New York. Mais qu'est-ce qu'on m'en branle en France, il dit con lui. Voilà, donc non, je parlais de ça parce qu'il y a un coach sportif qui a parlé qu'il pouvait traverser la Méditerranée en pédalo. Et comme sa belle-sœur l'a défié, eh bien il va le faire. Hein, Palavas-Calvi en un mois. À pédalo. Eh ben, donc si vous avez aussi déjà fait des paris complètement débiles, eh ben, n'hésitez pas à nous en parler, on va en parler maintenant, tiens. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez sur Fun Radio, les appels malveillants à suivre et puis on va aussi vous reposer la question pour gagner vos maillots de foot ce soir sur Fun Radio. Juste après le son de Saya, c'est Chandelier sur Fun Radio. Le son de Saya sur Fun Radio, c'était Chandelier. Je viens de vous poster sur le Facebook et le Twitter le chéri je peux te faire cocu qu'on a fait il y a une heure là. Le plus violent de l'histoire. Oh là là là. Si vous voulez le voir en image, il est là, disponible facebook.com/mikel officiel. Sur le Twitter également, hein, vous venez nous rejoindre avec le @mikel_officiel. Et puis sinon sur la chaîne YouTube, hein, tapez mikel officiel sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne et je m'abonnerai à la vôtre également. Donc voilà, on fait un petit deal comme ça, un petit échange de bons procédés. Donc si vous voulez, allez voir la vidéo du chéri je peux te faire cocu de tout à l'heure là, c'est juste du caviar, c'est juste la plus violente de l'histoire. Hein, c'est une violence. Je pense qu'en termes de violence on est plutôt pas mal. Bon, il y a toujours, je le rappelle, les maillots de foot à gagner. Maillots de foot que je vous offre tous les soirs sur Fun Radio. Pour gagner, il faut répondre à la petite question de ce soir. Dans quelle équipe joue Karim Benzema? Alors, joue Karim Benzema? Il y en a qui ont proposé parce qu'il faut envoyer jeu et la réponse au 64-900. Lyon, joué à Lyon, mais là il joue plus à Lyon là actuellement. Hein. La France, oui, non, ça d'accord, bien sûr, mais je parlais du club, pas du pays. On se doute bien qu'il joue en France, mais dans quel club? Dans l'équipe de France, oui. Bon, dans le club, je veux le club. Le FC Barcelone, non, justement, c'est juste l'autre, on va dire. Marseille, non. Paris, quoi, PSG non plus. Paris est un pays. Oui, c'est ça. Manchester, non, c'est pas ça non plus. L'Olympique de Marseille, non. Régal, on ne connaît pas ce club. L'Olympique Lyonnais, bah, comme j'ai dit, c'est pas la bonne réponse, mais il y a joué, voilà, effectivement, mais c'est pas ça. Donc, dans quel club aujourd'hui joue-t-il Karim Benzema? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez jeu, J-E-U, espace la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et le maillot de foot de l'équipe de votre choix sera pour vous. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, hein, repartir avec le ballon de foot officiel FIFA ou alors avec les chaussures officielles, les Nike, les Adidas ou les Puma, chaussures de foot bien sûr avec crampons et tout, hein. C'est celle que les joueurs utilisent à la Coupe du Monde là, 2014. Donc si vous les voulez, n'hésitez pas, vous envoyez jeu et la réponse, que dans quel club joue Karim Benzema. Je vous souhaite bonne chance. Avant de récupérer Julian comme promis, nous allons maintenant faire les appels malveillants. Ah, ah bah oui, appels malveillants maintenant, avant-dernière giclée, hein, puisqu'on se demandait qui regardait les films porno transsexuels. Les cuisiniers, j'ai la réponse. Non, maintenant. Pas du tout. Et on s'est rendu compte que 80% des gens qui regardent les films transsexuels, enfin porno transsexuels, sont en fait des hétéros. Et ça c'est ouf. Bah, ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre quand même. Du coup, on appelle des gens grâce au numéro que vous nous envoyez sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. Et ben, on appelle des gens afin de voir si c'est effectivement eux qui regardent ce genre de film ou pas. Exactement. Allez, bah, c'est parti, on y va. Mais oui, c'est ça. Question de vie ou de mort. 22h38, on y va, on appelle maintenant. Bah alors, c'est long là. Ce truc là. Non. Allô. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous avais ce que je voulais savoir, si vous aviez déjà regardé un film porno transsexuel. Tu as rien d'autre à me dire? Non, c'est tout ce que j'avais à vous demander, monsieur. Bon, ouais, ben, va te coucher un peu et dors, hein. Bah oui, mais vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Non, mais je réponds pas à votre question. Bah pourquoi, monsieur, c'est pas gentil? Parce que je dis, vous allez vous coucher, hein. Bah oui, mais répondez à ma question, monsieur. On ira se coucher ensemble. Allô? Non. Bah va te coucher, hein. Bon, bah je vais me coucher. Bah attends, on va le rappeler d'abord un coup quand même. Ah, attends. On le rappelle maintenant, là. Et puis tu iras te coucher. D'accord. Oui. Allô? Oui, je m'excuse, j'étais en communication avec votre mari, on a été coupé, madame. Attendez-moi, je vais appeler la police, vous allez voir. Mais pourquoi vous voulez appeler la police, madame? Vous pourriez juste répondre à ma question, ça irait plus vite. Mais non, mais à quoi ça sert, monsieur? On ne dérange pas les gens qui travaillent toute la journée, monsieur. Mais une question, voilà. Madame, ça sert à avoir des réponses. Enfin, c'est, ça me semble logique. Mais non, on vous ne donne pas de réponse, on ne réveille pas les gens. Mais je vous réveille pas, madame, je vous pose une question. Mais non, vous nous réveillez. Mais pas du tout, madame. Elle travaille encore, elle? Bah, il faut croire. Elle n'a pas une voix... Ouais, mais en Corse. Le Corse est résistant. Oui, pas oui, c'est vrai qu'il est plus c'est résistant. C'est pas comme les cuisiniers. Oh, qu'est-ce qu'il est casse-couille avec les cuisiniers, l'autre là, c'est dingue ça. Bon, ben on appellera d'autres tout à l'heure dans moins d'une heure sur Fun Radio. Appel malveillant, la dernière giclée de la soirée, ce sera dans moins d'une heure. Et puis on va prendre Julian qui est avec nous là. Julian, t'es là? Oui, Michel. Oui, Julian. Bon, et juste avant de parler de ton logement que tu cherches dans le sud, est-ce que t'as déjà fait des paris stupides avec des potes? Ah, grave. Genre, c'est quoi le pire? Bah, le premier, c'était en fait, j'avais dit, ouais, si l'équipe de France gagne, donc gagne la Coupe du Monde 2006, j'allais boire un verre de coca avec un morceau de viande dedans. T'allais boire du coca avec un morceau de viande? Ouais. Bah, c'est pas un pari ouf. Ah non, mais attends, j'ai pas fini. Ah, vas-y. Et qu'après ça, on allait tous descendre dans la rue, se foutre à poil devant une voiture de flic. Ça, c'est drôle. Et le problème, c'est que j'ai fini dans le scénic. Dans le scénic de la police? Ouais. Ah, ils ont des scéniques chez vous, la police? Oh, l'ancienne, c'était 2006, Michel. Ah, en 2006, d'accord. Ok. Donc, ah ouais, bon, bah voilà. J'en ai fait plein d'autres comme ça. Mais après, au moins, contrairement à Apollo, t'as honoré ton pari. Ah ouais, mais moi, je tiens, il a promis, j'ai entendu. Non, j'ai rien promis du tout. Il a promis que si Toff se mariait avant la fin de l'année. Moi, je suis pas un cuisinier, les gars, là. Je vois pas le rapport. Tu payes ton billet d'avion et tu as payé ton billet d'avion, mec. Eh ben merci Julian. Mais rien, t'inquiète pas, pas, j'en ai rien à foutre. Si. Quand on vous disait une fortune. Quand on vous disait qu'il en aurait pas séparé. Vas-y Julian, on se marie. Vas-y, viens demain, on va à la mairie, on se marie. Mariage pour tous. Mariage pour tous en plus. Il faut qu'il paye son billet. Mais attends, mais tu t'engages. Je me suis pas engagé. Si t'as dit si Toff se marie avant la fin de l'année, donc la fin décembre, tu payes mon billet d'avion. Bah OK. Et en plus, ça tombe bien parce que... De quoi ? T'as pas le replay pour qu'on entende, il a promis. Si, bah attends, on va le sortir. On va le sortir. En plus, là, vraiment, le hasard comme par hasard, le prochain billet, je voulais justement aller à Sydney en Australie. Bah parfait. Donc, c'est non, parfait. On a pas dit, j'ai pas dit, non, ça sera pas ou quoi. Donc c'est mais justement, tu n'as rien précisé. Donc non, c'est non, comme si je on veux. L'a précisé, on a dit en France. Non, ça tu as dit ça après. Non, en Europe, non, on l'a dit. Bon, allez, en Europe, allez. En deal. Europe. Attends, allez, deal pour l'Europe alors, très bien, en business. Ouais, mais l'Europe de l'UEFA, ça compte parce que sinon, ça va jusqu'au bout de la Russie. Marie-toi, ça camerde avec des preuves et ensuite on verra. En ouais, voyons déjà pour t'es les preuves. Tu toujours pas marié, tête de merde. Non, non, c'est vrai. Puis après, il faut trouver trop chaussures à son pied aussi. Hein. Mais non, je me marie. Ou avec poubelle. Le premier venu, puis non, ah, bon, ouais, il faut qu'il trouve couvercle à sa poubelle. C'est vrai. Bon, Juliane, donc toi, tu nous appelais à la base parce que tu cherches un logement dans le sud. Alors, j'ai pas compris. T'appelles ouais. De Paris et quoi. Tu pars en vacances et. Non. En fait, je pars en déplacement professionnel. Et le truc, c'est que je galère à trouver un logement. C'est un truc de dingue. Mais tu pars où dans le sud? Parce que c'est vague. Bah, je vais à une heure de Aix-en-Provence. Oui, mais où? Parce qu'une heure, ça peut être vers le haut, vers le bas. Ouais, parce qu'une heure d'Aix-en-Provence, ça fait Marseille, non? Ouais, c'est ça. Mais bon, si tu veux, ça fait 360 degrés, donc on sait pas très bien par où, une heure. Il y a une ville qui s'appelle Manosque. Manosque et Saint-Paul des Durances, dans ce coin-là, en fait, et je pars là. D'accord, ok. Et tu cherches un logement, mais genre quoi, en attendant, ou définitif, ou que pour l'été? En fait, là, je pars 6 mois, 1 an. Je pars 1 an sûr. Mais c'est 6 mois renouvelables, ils m'ont expliqué au taf. Donc du coup, c'était pour savoir s'il y avait des gens qui étaient qui connaissaient des bons plans là-bas, des logements ou studio, un truc, tu vois, même mettre en contact avec eux quoi. Oui, bah c'est clair, bah voilà, si vous êtes dans le sud, tout près de Manosque en l'occurrence, à une heure d'Aix-en-Provence, et ben appelez-nous là, surtout si vous connaissez éventuellement un endroit où Julien peut rester, ou même si vous voulez faire coloc hein, éventuellement, pourquoi pas. Bah oui. Ouais, histoire de commencer, histoire de déjà descendre, voir un peu les lieux et peut-être me prendre un appart, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, au moins dans un premier temps. Bien sûr. Bah oui, au moins dans un premier temps. Et tant qu'à faire une fille, non ou... Ouais, mais t'as tout compris, Mickaël. T'inquiète, j'ai compris, ouais. Bon, bah voilà, bon, bah, vraiment dans la galère, si vous êtes un mec, c'est bon si, mais bon. Ouais, si vous pouviez être une meuf, gros sein, verte. Non, pas forcément. C'est pas plus dans le détail. Voilà. Non, mais voilà, si vous êtes dans le coin, bah appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis on te tient au jus, Julien. En tout cas, l'annonce est passée. J'espère que ça portera ses fruits. Non, ça va. Y a pas de souci. Je te remercie. Je garde l'écoute. Merci. Eh ben, écoute, j'espère. Merci, Julien, et merci pour le soutien, pour le billet d'avion que Polo doit m'offrir. Y a pas de souci. Toi, tu dois t'en sortir. Cuisine est pourrie, toi. Y a moins de gratter un truc ou pas? Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro. On va te filer un pack fun sans problème. Je te la repasse de suite. Je te remercie. Salut Julien, ciao à toi, à bientôt. Vous restez sur Fun Radio, on va revenir nous dans quelques minutes en direct avec vous toutes et vous tous, avec également Aurélie et Sofiane qui voulaient réagir par rapport au Paris stupide, et Gabriel qui dit je me marie avec toi, allez faut payer le billet d'avion demain 15h à Toulon. Ah bah cool, ouais, avec plaisir. Pas de problème. Le premier ou la première qui vient, je me marie juste pour que Polo y paye. Ben voilà, ça c'est bon ça. Bon, vous restez sur Fun Radio, 22h44, on va revenir dans un instant avec vous toutes et vous tous, et puis avec également la question pour repartir avec votre maillot de foot. Donc, je vous la repose dans un instant, juste après la pub là, qui va arriver en speed. On écoutera aussi le son de David Guetta à suivre. Ah oui, this is the blast off. David Guetta sur Fun Radio. Blast off, ça arrive dans un instant sur Fun, bougez pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, no limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et 22h52 sur Fun Radio. Allez hop, les maillots de foot encore à gagner. Si vous avez la réponse à la question que je vous pose depuis tout à l'heure, dans quel club joue Karim Benzema? Si vous avez la bonne réponse, donc pas dans quelle équipe nationale, on sait bien qu'il joue en équipe de France, mais dans quel club joue-t-il? Hola, que tal? C'est un indice que je peux vous donner. Ah. Vous envoyez je espace la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 pour la Belgique. On proposait Saint-Germain-en-Laye. Ah, il serait content, mais il n'aura pas le même salaire surtout. Evian, ton nom, Gaillard. Bah oui, là non plus, il n'aura pas le même salaire. La Fédération Française de Foot. Oui, non, ça d'accord, c'est comme l'équipe de France, hein, mais c'est pas ça. L'Angleterre. Non, alors je sais pas s'il a répondu par rapport à la question de tout à l'heure. Ah, peut-être, oui. Voilà, parce que c'est toujours pas un club, l'Angleterre. Hein. Ça reste un pays, c'est un peu comme l'équipe de France, tu vois, c'est pas ça. Si vous avez la bonne réponse, donc dans quel club joue Karim Benzema. Il joue dans un club d'une grande capitale. D'ailleurs, qui a gagné la Ligue des Champions cette année. Oui, c'est voilà. Vrai. Aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ah oui. Voilà, tout simplement. Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez JEU, espace la réponse au 64-900. Et comme je dis tout à l'heure, si vous voulez gagner, vous avez plus de chances que la semaine dernière, puisque c'est déjà les grandes vacances. Et que bah forcément, il y a moins d'auditeurs à l'écoute, puisqu'il y en a beaucoup qui sont partis justement en vacances. Donc si vous voulez tenter votre chance, je ai la réponse au 64-900. Dans quelle équipe, dans quel club joue Karim Benzema? Vous envoyez je ai la réponse au 64-900. Je pense que vous le savez maintenant. On va tout à l'heure écouter le son de David Guetta également. Avec Blast Off. Et si vous voulez écouter un son particulier, bah demandez, vous êtes les bienvenus, il y a nos malaises. On les passera avant minuit, l'heure à laquelle vous retrouverez évidemment Party Fun de l'été. Allez hop, vous êtes là, il y a un message aussi qui est arrivé. C'est Marie qui dit coucou, vous déchirez, je vous écoute en déchirant ma tapisserie. Petit jeu de mots, PS, Toff est né quand en septembre, car je suis né en septembre. Bah, il n'est pas né en septembre. Oui, je suis né en octobre. En octobre, le 3, ça. Mais ça reste en octobre. Ouais, voilà, c'est pas loin, note, hein, mais bon. Alex qui dit putain, il pleut sa mère à Nice, je flippe ma race. Ouais, bah pour une fois qu'il pleut là-bas, hein. On va pas vous plaindre, hein. Non, c'est ça. En plus, ça va durer une demi-journée après. C'est ça, ça va durer un quart d'heure à la limite. Et... Oh, il a fait mauvais aujourd'hui. Ah bon? Ouais, il a plu un quart d'heure. Non, toutes les vacances, on va être des. Ouais. Pour eux, c'est une catastrophe. Peut-être, ouais. Clem qui dit salut, pour le mec qui cherche une piole sur Aix, il va galérer car les locations, ça coûte une blinde. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue depuis septembre? Je vous écoute. Continuez comme ça. Ben, merci, Clem. Bien sûr, je te mets un message de bienvenue avec grand plaisir. Je vais couper la tête avec mon pénis, ok? Voilà, vous gérez comme des porcs, je vous adore, bande de petites bites. Bah merci à toi. Et puis la friterie Alba qui dit Mickaël, si Toff se marie, je veux être là. Bah tu m'étonnes, il avait envoyé son message sur le Twitter avec le hashtag et Mickaël sur Fun. Et Mickaël 20h sur Fun, pardon. Nadia qui dit Mickaël. On fera le vin d'honneur à la friterie. Oui. Mickaël, surtout n'oublie pas de nous préparer un bon petit remix avant que vous partiez, un remix en compagnie de Georges. C'est prévu. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais avoir plus de son. Tu fais quoi, mais, là de quoi? Tu fais quoi? Que je fais quoi? Non, c'est Georges qui dit ça, non? Ah, tu fais quoi? Oui, bien sûr, avec Georges, oui. Mais voilà, pas aujourd'hui, mais mon avis, demain ou après-demain maximum. Attention, les cuisiniers sont réputés pour avoir des grosses bites. Ouais, c'est ça. Tu risquerais de te faire sodomiser la prochaine fois que tu vas au restaurant PS de la part d'un cuisinier. Ouais, va battre tes petits œufs et puis faire tes petites cuisines. Qu'est-ce et que t'as fait? Quoi, tu t'es fait. Non, mais il a eu un truc avec un cuisinier. C'est quoi ton problème? Rien, j'aime pas les cuisiniers. Il y a un message d'Adrien qui dit: tu sais ce qu'ils te disent, les cuisiniers, Polo? Eh ben, ils t'emmerdent. Bah, parfait, moi. Vous avez bien raison, Adrien, les autres cuisiniers. Par rapport au pari, moi j'ai juste parié 50 euros quand le Brésil allait gagner la Coupe du Monde, c'est Clément. Bah il te reste plus grand chose pour y gagner, hein. Ah ouais. Il reste deux matchs là. C'est pour ça. Que le Brésil gagne ou pas. Et Jack qui dit: moi on m'a promis un jeu PS4, Battlefield 4, si je crache un chewing-gum entre les seins de la bonne pionne au collège, je l'ai fait, j'ai atteint ma cible, heure de colle et pas de jeu pour moi. Ah les bâtards. Oh là là. Ah bah ça devait être des cousins de Polo, ça tient. Il y a Pablo aussi qui dit: je t'écris sur ce mur pour voir si tu regardes les messages en direct. Eh ben je regarde les messages en direct, comme tu peux le voir. Et Echo sur le Twitter: le pari le plus con, j'étais bourré, mon pote m'a dit: t'es pas capable de sauter du toit 5 mètres de haut, je me suis niqué le pied. Non mais toi t'es complètement con, Echo, il y a un moment quand même. On a un pote d'ailleurs avec Polo, hein, qui a fait c'était un autre ami, pote. Mais bon, qui c'est un ami qui connaît un ami commun, voilà, qui un jour, qui alors qu'il était à moitié bourré, il était complètement bourré, mais il a dit aux gens, la Pologne tout seul chez lui, il leur a dit: voilà, moi je vais voler. Et les mecs ils ont dit: mais non, arrête, c'est pas possible, tu peux pas voler. Il fait: si, je vais voler. Et il a, en fait, le mec s'est jeté par la fenêtre. Résultat des courses, il s'est cassé les deux bras. Voilà. Et les deux jambes aussi, non? Il était non, pas juste les bras. Juste les bras. Ouais, bon, c'est déjà pas mal, note, hein. Il voulait attraper l'immeuble d'en face. Il vit à Singapour, à Hong Kong. D'ailleurs, s'il nous écoute, on le salue. Ah, bah, très bien. Bah, effectivement, ouais, on va le saluer alors. Bon, on va parler donc des paris stupides avec Aurélie qui est avec nous maintenant de l'Aigle. Salut, Aurélie. Salut. Ça va? T'as déjà fait des paris stupides, toi, Aurélie, ou pas? À ma connaissance, pas trop pour l'instant. Je fais peut-être, mais je m'en souviens pas. Ah d'accord, connaissance. Okay. Tu t'en souviens pas. Bon, bah, ta connaissance, non, alors très bien. Bon, alors bouge pas, Aurélie. Il y avait également, où est-ce qu'il est? Il y a Wesley qui est avec nous de Bruxelles. Salut Wesley. Ouais, allô, salut. Ça va? Ouais, nickel. Bon, 18 ans Wesley, t'as déjà fait des paris stupides? Ouais, des fois au foot. Qu'est-ce que ça fait, genre? Bah genre, je pariais par exemple que j'allais marquer un but et quand je marquais pas... je devais par exemple nettoyer le vestiaire et tout ça, tu vois. Le jeu de la biscotte. Ouais, le jeu de la biscotte, ouais. C'est les rugbyman qui font ça. Ouais. Bon, enfin bon, parfois tu peux improviser, hein. Regarde, Toff fait pas rugbyman, il a déjà fait, hein. Bien sûr. T'as déjà fait ça, toi? Ouais, un jeu de la biscotte, bah oui. Bah oui. Le jeu de la biscotte, donc, est... Oh non. On va l'expliquer. Le jeu de la biscotte, c'est très simple. Mais c'est pour ça que j'aime bien jouer à ce jeu. C'est comme je suis Jacques Précoce, ça me permet de gagner à chaque fois. Le principe, c'est donc tu mets une biscotte et donc en fait, je sais pas, il y a plusieurs mecs qui se branlent dessus et le dernier qui finit par jouer sur la biscotte, et bah, il bouge allez, la hop, biscotte. Ouais. Allez hop, une minute. Allez, file. Une minute au coin. Chien, voilà, une minute au coin pour avoir été dégueulasse. Tu sais, tu as péché par la pourriture, tu deviendras une pourriture. Exactement. Bon, il ne peut pas répondre puisqu'il est puni pendant une minute. Dur, il est au coin. Bon, Wesley, donc toi, tu nous appelais pour ça, toi, ou pour autre chose? Ah non, moi, c'est parce qu'en fait, je suis à Bruxelles, mais je suis chez mon cousin. Ouais. Parce que j'ai un job là-bas et je connais pas du tout, je connais personne. Du coup, tu connais personne à Bruxelles? Pardon? Tu connais personne à Bruxelles? Ouais, pas du tout, je suis juste là pour mon job. Et je finis à 17h et du coup je me fais chier après, en fait. Ah bah oui, forcément, ouais, j'imagine, ouais. Eh mec, il y a une belle rue qui s'appelle rue d'Arscott. Ouais, c'est clair. Vas-y, ouais. Là-bas, tu vas pas t'ennuyer. Tu vas te marrer, hein, tout près de la rue 9, si tu veux, tu peux y aller, la rue où il y a toutes les putes. Là, non, mais tranquille, en fait, je vous appelais parce que, bah, comme vous avez des ondes en Belgique aussi, c'était pour que vous mettiez en contact avec des meufs du coin. Ah oui. Près de la gare du Midi. Oh bah ça va, tu t'es mis dans un beau quartier, hein. Oui, bon, c'est pas le plus beau, c'est vrai. Mais enfin bon, au moins t'es tout près du train, c'est ça le côté positif. Bon, ouais. Donc du coup, si vous êtes, bah déjà t'as la foire du Midi qui va démarrer là dans une semaine, je crois, ah ouais, un truc comme ça. Ah ouais, quelle foire. Non mais bon, je veux dire. Bah oui, mais bon, ouais. Tu sais, il y a plein d'attractions et tout pendant un mois, pourquoi pas. Bon, après il faut éviter d'y aller tout seul parce que c'est pas toujours méga bien fréquenté, mais au moins tu peux rencontrer parfois des gens. Non mais là, non, si ça va, franchement ils ont vraiment bien, ouais, ils ont bien nettoyé, ouais. Ils ont franchement, mais non, c'est cool, les gens voilà, qui vont, c'est sympa, ils ont bon esprit, quoi. Mais oui il y a déjà ça effectivement dans une semaine qui ça va démarrer là, tu vas pouvoir le faire sans souci. Et puis ouais. Bah si vous êtes une fille, effectivement, si vous êtes des filles même, ou même des groupes, hein, de potes au final, pas forcément que des meufs, hein, ouais, parce à que l'aise, y a pas de soucis. Bah voilà, c'est ça, ouais. À l'aise, ouais. Donc si vous voulez rencontrer Wesley là, qui s'est installé à Bruxelles depuis quelques jours et qui connaît personne, bah n'hésitez pas, appelez-nous. Donc si vous êtes en Belgique, 02 851 4x0, n'hésitez pas à nous appeler maintenant au standard et puis on mettra en contact. On va faire une espèce de grand tournée manège ce soir. Oui. Entre l'autre qui veut descendre, Wesley qui est à Bruxelles, tout ça, nous on est open, il n'y a pas de problème. On est une radio européenne. Bah, et si tu SOS galère. Et ouais. Il y a des soirées énormes qui s'appellent les soirées Invasion Latina. Tu parles. Il n'y en a qu'une par mois. Vas-y, ça va. C'est dommage, c'était la semaine dernière. Il y a du reggaeton et tout là-bas. C'est samedi ou vendredi, je sais plus. Ouais. Et il y a de la meuf. Ah, il y a de la meuf. Ah, il y a de la meuf. C'est vrai. Oui, bah c'est vrai, en plus la pub elle passe sur Fun. Donc pour le coup, tu peux y aller. Hein. Et si tu veux, je te mettrai des places. Pour là où je vis, dans le quartier où je suis, pas vraiment de belles meufs, quoi, je vous assure. Bah oui, Gare du Midi, c'est pas non plus le top du top, hein, mais... Ouais, mais c'est pas grave, tu prends le premier train qui va Gare du Nord et tu trouveras plein de meufs. Ah oui, oui, Gare du Nord, c'est le quartier des putes. Non, mais après, tu peux aller, il y a plein d'endroits, il y a plein de bars aussi, là, si tu descends un peu dans la ville. Ah non, mais je vois pas du tout, parce qu'en fait, je suis de Lille. C'est pas très loin, mais tu connais, t'as déjà été jusqu'à la Grand Place, tout ça, là, où il y a tous les bars. Bah, je vois à peu près aussi. Et ouais, vas-y, il y a plein de trucs. Il y a le Mike and Peace, Happy's, il y a de la. Et puis t'as le quartier du Sablon, là. Bon, connu récemment pour un truc pas très cool, mais enfin, dans l'absolu, il y a plein de bars et c'est cool l'endroit. Ah ouais? Bah oui, le quartier du Sablon, là où il y a eu l'attentat, là, il y a pas longtemps, mais enfin bon, c'est. Ouais. Des exemples, mais au moins comme ça tu vois, parce que tout le monde en a parlé. Mais je veux dire, il y a plein de bars et tout. Tu vas là-bas, même. Là maintenant, tu peux y aller en plus, hein, oui. C'est cool. Et puis là maintenant, il y a Bruxelles-les-Bains. Mais ouais, c'est tu génial. Tu peux aller au bord du canal. Là, c'est un peu comme Paris-Plage, mais bon, c'est à Bruxelles. Et puis n'oublie pas de prendre ta protection solaire, hein, parce qu'à la base, il dit ouh là là. Mais non, mais quand il y a du soleil, il y a du soleil. Ouais, qui est con, lui. Oui, quand il y a du soleil, il y a du soleil. Mais bravo. Oui, mais l'autre, non, c'est genre sous-entendu, il pleut tout le temps. Mais l'autre, mais reste pas à la Gare du Midi, bien sûr, tu t'ennuies, mec, y a rien à faire, c'est une voilà. Gare. Va à la bourse. Voilà, mais Bruxelles et bains, là, c'est pendant tout l'été. Et bah marche. Et ben, mais oui, mais le meilleur moyen de découvrir une ville, c'est d'y aller en marchant. Tu regardes un peu, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu regardes. Et ben, ce que tu fais, t'es Gare du Midi, tu suis les rails vers la Gare du Nord. Et tu verras, à un moment, tu vas rencontrer des gens. Mais arrête, c'est deux fois que tu fais la vanne, c'est le quartier des putes, la Gare du Nord. Non, mais non, mais va vers la Gare du Nord. T'as la grande place entre les, ouais, entre ouais, les deux. D'accord, tu vas trouver des filles là-bas, il y a des bars partout, des pubs. Bah là, tu peux y aller. Bon, bref, si vous êtes sur Bruxelles, vous voulez lui faire visiter, n'hésitez pas, donc appelez-nous. 02 851 4x0. Wesley, tu restes avec nous, on va essayer de trouver quelque chose là. Et puis Wilfried avec nous également. Salut Will. Salut. Bon, alors, Wilfried qui nous avait appelé parce qu'il va passer. Il a passé le permis, c'est ça? Oui. Attends, coupe la radio déjà, Wilfried, s'il te plaît, derrière là. C'est bon. Bah là, nickel. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce permis là? Tu l'as réussi, j'espère? Oui, je l'ai réussi. Ah, bah voilà. J'ai eu 25 points sur 30. Bon, et t'aurais pu faire 30 sur 30, hein. Ah oui, bon, déjà 25, c'est déjà pas mal. Ouais, bah oui. Repasse-le et fais 30 sur 30. Oui, voilà, c'est ça. Allez, casse-toi. On rigole. Et voilà, du coup, ben, là, ma mère m'a offert pour me féliciter. Une Porsche, un une Porsche 900. Non. Non, un voyage à Sydney pendant 3 semaines. Ah ouais, putain, ça va quoi. Eh hey, mais c'est scandaleux. Moi hey, j'ai payé. Tu peux dire à ta mère que j'ai réussi mon permis avant. Là je l'ai réussi avec 26 sur 30 je crois. Putain, ou même 27 les mecs. Et du premier coup. Moi j'ai travaillé comme un clébard pour me payer mon permis. Hein. Et moi et puis j'ai reçu des cadeaux qu'il n'utilise pas parce qu'aujourd'hui il revend les fonds. C'est faux. C'est faux. Bien sûr que c'est faux, évidemment. Polo n'est pas comme ça, voyons. Jamais, jamais, quelqu'un d'honnête. Ce serait bien je mal suis de l'honnêteté connaître. Même. Exactement, il pue l'honnêteté d'ailleurs. C'est... Ouais, je transpire l'honnêteté. Exactement. Bon, bah c'est bien, mais félicitations. En tout cas, c'est cool de nous avoir tenu au courant. En général, les gens le font pas. C'est ouais, ouais, t'inquiète, je te dirai. Et puis, à part ta radio, Wilfried, je t'ai dit. À part Georges qui nous donne des nouvelles, le reste, c'est assez. Ah, il y a JF quand même. Y a ouais, mais Jean-François, là, bon, ça fait longtemps qu'on l'a plus, Jean-François, mais c'est parce qu'en fait, il a pas payé la note de téléphone. Du coup, on lui a coupé la ligne. Donc, on doit attendre qu'il récupère le téléphone. J'espère qu'on l'aura encore cette année, hein, avant qu'on parte en vacances. Ce serait qui cool. Décède. Bah oui, bah surtout, bah, j'espère, effectivement. Bah merci de nous tenir au courant, Wilfried. Hein. Et c'est possible d'avoir un pack. Oui, bah écoute, on va te filer ça, tu vas gérer ça avec Sandro, je la repasse tout de suite. D'accord, merci. Y a pas de problème. Salut Will. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Il y a Guillaume dans un instant qui voulait réagir par rapport à Julien au niveau du logement dans le sud. On aura Aurélie qui va nous parler de sa passion. Il y a Sofiane également qui va débarquer. Puis Wesley, hein, toujours, qui cherche un plan. Enfin, qui cherche pas un plan, qui cherche à faire connaissance sur Bruxelles. Il vient d'arriver sur Bruxelles et il préfère. Enfin, il voudrait simplement rencontrer des gens pour qu'on lui. Donne les bons plans sur la ville, voilà, tout simplement. Bon, vous envoyez vos messages, n'hésitez pas. Il y a Guillaume qui dit Mickaël, nos limites, c'est les meilleurs, Mickaël. Quand est-ce que tu fais le tirage au sort pour les maillots? On fait ça juste avant la fin de l'émission, juste après Polo contre le reste du monde, bah juste avant minuit, quoi. Voilà, Anzoni qui dit tu lis les messages Facebook? Bah oui, bien sûr, je lis les messages Facebook sans problème. Et Alban également, salut l'équipe, je peux avoir un message de bienvenue, ça fait depuis un an pile que je vous écoute, vous assurez. Alors un an pile, pas vraiment puisqu'on a commencé le 22 juillet. Mais bon, on n'est pas dans le détail. Presque. On n'est pas dans le détail. Je te mets un petit message de bienvenue. Ou tu fermes ta gueule, ou tu te présentes, ou je t'ouvre en deux. Voilà, tout simplement. Romain qui dit Georges, c'est le futur Jean-François. Non, Jean-François, c'est Jean-François. Et puis Marie-Marie qui dit bonsoir les petits PD, sauf Mickaël, car t'es le plus beau. C'est gentil Marie-Marie. Une heure de retard, 5 coups de pelle. Ouais, alors évidemment, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'ailleurs, j'en ai mis un gratuit. Bah oui, c'est le bonus. Bah voilà, c'est effectivement le bonus. Et Cassie aussi sur le Facebook, il dit coucou toute l'équipe, ça fait une demi-heure que je suis avec vous et je vous adore, gros bisous. Bah merci d'être avec nous Cassie, je te fais plein de gros bisous également. Et puis vous restez bien là puisqu'on va se mettre dans un instant le son de David Guetta, je l'avais promis. Avec Blast Off. Vous restez bien sûr sur Fun Radio, on va revenir en direct avec vous avec la question également pour repartir avec les maillots de foot de l'équipe de votre choix. Je vous la pose dans quelques secondes juste après la pub. David Guetta à suivre et Mickaël nos limites, on est en direct jusqu'à minuit. Bienvenue si vous arrivez pour la première fois et puis bienvenue également aux autres. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël, No Limit sur Fun Radio. Allez, on est en direct, il est 23h08 sur Fun Radio. Là, bienvenue si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit. Bah, il reste une heure d'émission, vous n'êtes pas trop tard non plus. Bon, vous avez quand même raté 65% de l'émission, mais bon, il reste encore une heure, voilà, tout simplement. Donc, vous balancez vos messages. Et puis toujours, je le rappelle, les maillots de foot à gagner. Dans quel club joue Karim Benzema? On sait qu'il joue en équipe de France, mais dans quel club joue-t-il? Une club d'une grande capitale européenne, Hola Ketal. Et donc, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement je, J-E-U, espace la bonne réponse au 64 900 et vous repartirez peut-être avec le maillot de l'équipe de votre choix offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. C'est la dernière semaine où je vous offre vos maillots, donc dépêchez-vous quand même hein, si vous voulez les gagner. Le principe est très très simple, donc je et la réponse au 64 900. Pour vous donner un indice, ce club a gagné ainsi que Karim Benzema la Ligue des Champions cette année. Il joue avec Cristiano Ronaldo par exemple. Oui, entre autres. Iker Casillas par exemple aussi. Qui est l'autre Varane, qui est également en équipe de France. Ah oui, c'est vrai. Raphaël Varane, elle est également en défense, évidemment. Donc si vous avez la bonne réponse, eh ben à vous de jouer. Dans quel club joue-t-il? On proposait FC Brest. Bar- Barcelone. Mais non, bah, bah pas Barcelone non plus. Je vous dis que c'était l'autre, les deux grands rivaux. Oui, quoique maintenant il y en a trois des rivaux, mais bon. Ouais, mais Barcelone, c'est pas une capitale. Et c'est pas une capitale. Bah si, la capitale de la Catalogne. Ah pardon, voilà. Alors oui d'accord, alors bon, j'ai rien dit. Séville, bon là c'est pas une capitale non plus. Rome non plus. Et l'Ajax non plus. Non, c'est pas la bonne réponse. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Mais le FC Brest, je pense qu'on est quand même pas mal. Hein. Ouais non, c'est pas mal celui-là. Ouais, mais c'est pas bon. Hein. Bon, vous envoyez. Mais c'est pas loin, hein. Non, je déconne. Vous envoyez jeu, JEU et la réponse au 64 900 au tir au sort dans moins d'une heure. Et vous repartirez avec votre maillot de foot, le ballon de foot ou alors avec les chaussures de foot à gagner. Attention, rien que les chaussures de foot valent 250 euros pour vous donner une idée. Hein. Jeu et la elles réponse. Elles sont belles. Ouais, elles sont très belles. Jeu et la réponse au 64 900. Et puis, bah, si vous êtes tir au sort, vous repartirez avec le maillot de l'équipe de votre choix. Dans quelle équipe, dans quel club joue Karim Benzema? Je vous souhaite bonne chance. Et puis, on s'écoute comme promis le son de David Guetta maintenant. Découvert sur Fun. Eh ben oui, c'est normal. Lovers on the Sun, il est 23h10, c'est Mickaël No Limit, bonne soirée. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. David Guetta sur Fun Radio, Lovers on the Sun. Bienvenue si vous débarquez encore une fois là, Mickaël No Limit, il est 23h13. Il y a Axel qui dit le nouveau son de David Guetta, il déchire. Ah bah ouais. Oui, moi j'aime beaucoup aussi le nouveau David Guetta. Carla qui dit Mickaël, t'es magnifique, vous êtes super, mais c'est dommage que vous soyez en vacances. Vous revenez quand? On revient courant du mois d'août. Mais en tout cas, on sera toujours connecté Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Je et mettrai des petites photos tous les jours. J'essaierai de mettre des photos, etc. Et du mariage de Toff, puisqu'apparemment il s'est marié. Et Toff va se marier également, bah oui. Puisque il s'est engagé à se marier pour que je puisse bénéficier d'un voyage offert par Polo. Et ça, c'est beau. Ça, c'était un pari qui a été fait, et c'est un pari qui a été fait il y a 30 minutes, auquel je n'ai rien demandé. Hein, donc c'est à bien. 22h31 pour être précis. 22h31, il y a 3 quarts d'heure, voilà. Donc, bah, plutôt bon esprit. Bah, attention, ouais. C'est un vrai mariage, Toff. Hein. Ouais, c'est pas un truc de baltringue, genre tu vas prendre une truc de canette et tu vas dire. Non, tu fais quoi? Tu fais Las Vegas? Bah ouais, je vais à Las Vegas. Non, moi je mets un papier. Je te ramènerai un papier. Bah non, ouais. mais Polo te rejoint. Et bah voilà, on va se marier ensemble. Et bah voilà. Polo te rejoint à Las Vegas. Et je ne marie pas avec toi. Moi je veux un papier officiel d'une institution qui précise que monsieur Toff, sac à merde, est marié à madame sac à merde. Voilà, qui est pas d'homme. Devenu madame sac à merde. Ouais, je veux pas d'homme. Je veux un vrai mariage. C'est le mariage pour tous. Le mariage pour tous. Mais moi. Ah, ouais, c'est légal. Je ne veux pas. C'est légal, voilà, c'est légal. Non, pas de mariage. Et un mariage à Las Vegas, c'est légal en Belgique et en France, je crois. Hein. Bien sûr, c'est légal. Ouais, mais avec une meuf, pas de mec. Pas okay, un faux bon, mariage des avec, potes. Avec non, une non, meuf. Non, avec non, une meuf, non. Ok, avec une meuf. Moi qui pensais que Polo voudrait bien se marier. Ouais, ouais, tu peux ça. Rêver, mec. Bon, il y a des messages qui sont arrivés encore là avec Benzema. Mais vous n'êtes pas possible là quand même. Là, on propose maintenant, il joue au DC carré. C'est quoi ce truc là? Je suis même pas où c'est là. Nîmes Olympique. À l'entente Sanois Saint-Gratien, en 95. N'importe quoi. Benzema joue à l'Atlético Madrid. Allez, bon, bah t'es pas loin, mais c'est pas celui-là. Le PSG, c'est pas ça. Le Milan AC, c'est pas ça non plus. Allez, allez-y, hein, si vous voulez gagner votre maillot, là, vous envoyez jeu et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Dans quel club joue Karim Benzema? Voilà, voilà. Bon, il y a un message de Gink sur le Twitter. Toff, si tu veux te marier, je pense que Let's Be Freak sera tout à fait d'accord. Bon, après, faut j'y se déplacer. Pas. Il faut se déplacer jusqu'à Vegas, quoi. Hein, c'est vrai, faut se déplacer jusqu'à Vegas, ça. Alors, fait le côté négatif. Tu vas te faire marier par qui? Par Elvis Presley ou... Ah, j'hésite. Ouais, si je pense Elvis ou alors Dark Vador, un des deux. Tu le bouffon. Dark Vador, t'imagines, il arrive là, il est là, Dark Vador, bonjour. J'ai toujours adoré ce truc là. Mais attends, mais Polo, il va venir, ça va être le mec. Le témoin. Pas le témoin, c'est lui qui va dire si vous avez une objection à ce que ce mariage. Si c'est pas cher, je viendrai en costume. Et je suis contre ce. Je vais me faire comme dans Pulp Fiction, je vais mettre la même perruque que l'autre là. Ah ouais, ça peut être bien, ça peut être pas mal, mais ça attends, peut être mais... pas mal du tout. Ouais. Bon, récupération de Julian, t'es là Julian? Ouais, salut Mickaël. Bon, il est de retour là, Julian qui cherchait un appartement dans le sud. Dans un quart d'heure, il y a les appels malveillants, la dernière giclée. Et il y a Guillaume qui est avec nous là, qui lui est à salut. Marseille. Salut Guillaume, ça va ou quoi? Oh, l'éloigne. Eh oui, très très bien. Les poubelles vont bien là-bas ou pas? Qu'est-ce que t'es relou, mais t'as bouffé un truc ou quoi ce soir là? Quoi? Non. Putain, entre non, les cuisiniers, les poubelles, il est casse-couille. Non, mais j'ai rien contre les cuisiniers. Ouais, bah oui, sauf ça s'entend. Bon, c'est un métier bizarre pour un mec, c'est tout quoi. C'est ça, ouais. Ouais, Miguel, je crois qu'il a bouffé un clown lui aussi là. Ouais, mais, ouais, mais il l'avait de travers, mon ami. Drôle, hein, il a du mal le digérer là. Bon, Guillaume, tu fais quoi comme boulot toi, Guillaume? Moi, tu me connais, Miguel. Moi, je transporte les bijoux. On s'est déjà eu au téléphone plusieurs fois. Oui, c'est vrai, on s'est déjà eu effectivement au téléphone. Je me souviens, on avait voulu te braquer quand on est descendu à Marseille, mais ça allait pas, t'étais pas là. C'est ça. Bah ouais, dommage. Bah ouais, dommage. Bon, Guillaume, voilà. Qu'est-ce que t'as comme conseil à filer en fait, à Juliane qui part de Paris, qui cherche un hébergement dans le sud? Moi, je pars en déplacement pour 2 ans et demi. Ouais. À l'étranger, je pars en Russie. Avec tu vas, ça va te manquer hein, Marseille, hein, je te le dis direct, hein, la chaleur et tout, parce que la Russie, mec. Après, quand tu vois l'argent, c'est l'argent. Hein. Ouais, ouais, non, mais d'accord. C'est l'argent, bon, va te tenir chaud. Ça, je suis d'accord avec lui. Et quand tu vois le cul des Russes, des meufs russes, mec. Faut voir, tu vas dans quel coin de la Russie? Je vais dans le centre, en fait. Oh là là, mais y'a rien. Je connais pas, qu'est-ce que tu me dis, rien, tu connais toi? Dans les steppes. Oui, non mais moi je suis allé, on est allé avec toi à Saint-Pétersbourg, donc ça c'est sympa. Mais quand tu vois les villes, en fait, il y a Saint-Pétersbourg, il y a Moscou, et puis tu vois tout le reste. Regarde sur Google Maps, quand je dis y'a rien, je sais pas dans la ville, mais regarde sur Google Maps, t'as l'impression, y'a rien, c'est vide. C'est pour ça qu'ils se permettent de faire sauter des trucs nucléaires n'importe où, ils s'en foutent, y'a personne. Ah bah oui, ils ont tellement de kilomètres carrés là, de 4 lascars partout là. C'est un truc de ouf. Donc voilà, et donc j'ai pas envie de lâcher mon appartement et le remettre en location. Donc s'il veut, moi je pars début août. S'il veut, je peux lui sauver mon appartement, en sachant que je paye 500 euros, charges comprises. Il est en plein cœur du panier de Marseille, où il y a plus belle la vie qui est tournée. L'argument touristique, la référence. Voilà, il est à 2 pas du Vieux-Port, il est à 2 pas du Mucem qui est ouvert. Tu pourras croiser Manon quand elle passe. Eh ouais. Il y a des grandes boutiques en bas, il est en plein centre. Il a l'accès aux autoroutes directes, donc il perd pas de temps, il pourra pas être dans les embouteillages pour aller derrière Aix. Sympa. Et moi, je peux lui laisser le internet, je lui laisse tout meublé, internet EDF et l'assurance à mon nom. Et je lui reviendrai 550 euros par mois. Ça va, sympa. Voilà. Et les meubles. Ah ouais, sympa, franchement. Voilà. Par contre... Julien, c'est un Marseillais, hein. Si tu payes pas, t'inquiète pas que... Ah oui, il va récupérer le loyer. Hein. La famille, les amis sont là-bas. Hein. N'oublie pas qu'il transporte des diamants, donc il est armé, le mec. Non, je suis pas Marseillais, je suis Sicilien. Oh putain, on n'est pas à l'abri de te retrouver éparpillé sur la plage. Ah mec, putain, là, t'es dans la merde. Ouais, c'est ce qui t'attend si tu fais une connerie dans l'appart. Il faut qu'il sache que l'appartement est refait à neuf. Il y a une grande cuisine américaine avec un comptoir. C'est tout meublé en fait. Putain, l'autre, donc, t'es chanceux, il a l'autre. Il a plus qu'à mettre ses bagages s'il veut. Et voilà, s'il veut qu'on se rencontre, s'il veut qu'on échange les numéros, il n'y a pas de problème. Et voilà, s'il veut, parce que sur Marseille, les locations saisonnières, il va en avoir pour 600 euros la semaine. Ouais. Donc tu fais vite les chiffres, ça, tu fais 2400 euros par mois. Une location, on va lui dire, monsieur, vous n'êtes pas en CDI, vous n'êtes pas en CDI sur le sud, on va pas lui lâcher une location. Mmh. Et je sais que je suis passé par là pour avoir des galères par rapport à mon boulot parce que je suis vacataire. Et je sais que c'est très galère pour trouver des appartements à Marseille ou dans les gens autour. Donc après, à part la sous-location pour 6 voire 1 an, voilà. Après, dans 2 ans et demi, je reviens. S'il est toujours là, ça sera la coloc. Et s'il n'est plus là, c'est que... Je l'aurais fait tuer. C'est que la famille sera passée. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, enfin, Juliane, ça t'intéresse ou pas? Tu veux que je te mette en contact? Allô, Juliane? On l'a perdu, il a déjà eu peur. Hein. À moins que Guillaume l'ait déjà fait buter. C'est ça, il a plastifié sa voiture. Plastiqué, pardon. Juliane? Ouais, c'est bon, vous entendez ou pas? Ouais, maintenant, ouais. Tu veux que je te mette en contact avec Guillaume, du coup, là, pour après vous discuter, vous gérer? Oui, y'a pas de soucis, je lui poserai 2-3 questions, mais... Mec, fais pas le difficile. Ouais, fais pas le difficile, hein, parce que sinon il va te mettre du plomb dans le cul. Hein. C'est super intéressant ce qu'il vient de me dire. Mais le truc, ce que je voulais savoir, en fait, c'est... parce que moi, t'as parlé de nucléaire, c'est un peu mon domaine, c'est là où je suis. Le problème, c'est que moi, je vais travailler, je sais pas si vous connaissez la ville de Saint-Paul-des-Durances. Oui, eh bien là de Marseille à Saint-Paul-et-Durance. Il y a 7 heures de route, c'est à côté. Non, non, tu as à peu près 1 heure de route en partant de Marseille avec l'accès à l'autoroute directe. En plus t'as l'accès à l'autoroute directe. Ah ouais, ça peut être sympa à voir, hein. Ouais, en tout cas dans un premier temps. Franchement, ça peut être intéressant, ouais. En plus t'es sur Marseille, le vieux port, tout et ça. La canebière, ouais. La canebière et tout le bordel. La canebière, c'est pourri la canebière. En même temps ça donne sur le vieux port, hein, j'ai pas rien. Il y a 50 petits bambous qui se courent derrière. Bah oui, mais bon, la boutique de l'OM. Hein, t'as la boutique de l'OM et tout ça. À part ça. À part la boutique de l'OM. La bonne mère et le vieux port, il n'y a rien d'intéressant. intéressant à Marseille. Ah oui, les femmes. Bah, oui, les Polo femmes. Dirait les poubelles les aussi, hein, parce que c'est un trou du cul, mais bon. Ah, les femmes, évidemment. Évidemment. Guillaume, ah, oui. Guillaume, dis-moi, est-ce que tu connais la ville justement de Manosque? Dis donc, on n'est pas dans dans une émission de question de... pour un champion. Hein. Ouais, on n'est pas sur France 3. Hein. C'est bon, pas radio tourisme. Non, hein. Mais est-ce que tu connais la ville radio tourisme. Voilà. En fait, voilà, moi, ça me fait un peu. Je vais pas dire flipper, mais c'est que moi, je connais pas grand chose. Bon, du coup, maintenant que Guillaume est là, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que dans mon contrat, dans mon ordre de mission, ils ont mis Manosque en priorité. Ouais, et le truc, c'est ça. Et ouais, du coup, j'ai trouvé un truc là. Il y a une dame qui vient tout juste après, je sais pas pourquoi, après l'appel sur Fun là, il y a une dame qui m'a envoyé son numéro. Comment? Et entre-temps, je l'ai appelé. Ouais. Et elle m'a dit, elle a un F3 sur Manosque, mais je sais pas, moi je connais rien de ce village. Bon, écoute, ce qu'on va faire, Julian, appelle Guillaume. Attends, ouais. À part deux églises, il y a rien d'autre. Ouais, voilà, c'est ça. Tu rappelles Guillaume, si tu veux pécho, c'est moi. Voilà. Si tu veux pécho, c'est moi. À Marseille, les femmes, elles sont pratiquement à poil sur les plages. Ouais, oh, enfin, t'emballes pas. Bon, Julian, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te mettre en contact avec Guillaume. Vous faites connaissance, vous racontez votre life, et puis après, bah, vous vous arrangez, d'accord? Bon, les gars, Guillaume. Guillaume. Au fait, merci pour le pack fun que j'ai reçu à la maison. Ah. Merci. Mais, voilà, j'ai pas d'iPhone. Donc, le petit cadeau d'autocollant à mettre sur l'iPhone, j'ai pas pu l'utiliser. Ah merde. Tu vas être délaissé. Oh merde, bon bah... Bon, c'est pas mal aussi. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, écoute, c'est bien tant que ça colle, c'est le principal. Mais alors, je voulais vous dire merci encore et je vous écoute tous les soirs par rapport à mon boulot. Et voilà, changez pas les gars. Eh bah c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Il y avait une dédicace à faire. Vas-y. Ouais. Dédicace pour vous les gars. Oh, merci, bah c'est gentil. Allez. Et allez Marseille, et allez la Sicile. Allez l'OM. Allez, ah oui, la Sicile, obligé. Eh ouais. Sicilien. J'ai jamais été en Sicile d'ailleurs, faudrait que j'y aille. Fais attention avec qui tu vas. Hein, non, mais attends, moi je suis. J'irai avec Toff, comme ça je le donnerai à manger. Écoute, numéro. Écoute, c'est ce qu'on fait, garde mon numéro et dès que Toff arrive à l'aéroport, on le séquestre. Pas de problème. Ah bah c'est une envolée de bonne idée. Eh bah avec plaisir, on fait comme ça alors, deal, allez, c'est pas de problème. Salut Guillaume. Allez, ciao à toi, bon courage Julien, restez tous sur Fun Radio. On a toujours Wesley qui est avec nous à Bruxelles, c'est un nouveau qui vient d'arriver à Bruxelles, il cherche des gens de Bruxelles qui pourraient éventuellement lui faire des petites visites et lui faire connaître des gens en fait, les bons endroits, tout ça. Donc appelez-nous si vous êtes sur Bruxelles ou la région, 02 851 4x0. Et puis Grégoire aussi, je kiffe votre émission, vous êtes des gros clowns, je suis accro à vous, vous êtes les meilleurs. Merci Greg, bah, c'est gentil en tout cas. Vous restez là, les appels malveillants reviennent dans un instant sur Fun Radio. Et puis le son de Dioro, je l'ai promis tout à l'heure. Eh ben, on se le met maintenant au cœur de 30 minutes sans pub, là, 5 hours. Et puis on reparlera aussi bien sûr de la question pour repartir avec les maillots de foot. On tire au sort dans une toute petite trentaine de minutes maintenant. C'est Mickaël No Limit, on est en direct juste avant Party Fun jusqu'à minuit sur Fun. Le son d'Hiro sur Fun, c'était 5 Hours, et puis restez là, il y aura aussi Party Fun qui va débarquer dans une petite demi-heure là, donc restez bien sur Fun Radio, et puis, vous êtes grave quand même. Dans quel club joue Karim Benzema pour gagner votre maillot de foot, votre ballon ou alors vos chaussures de foot? Je vous avais demandé d'envoyer jeu et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Il y en a qui quand même me propose Football Club Hispania Kezak. C'est bien sûr une mauvaise réponse. Un club de waterpolo. Le Moscou Football Club. Le Portugal. Bah non, on a dit un club, un pays. De toute façon, il est pas portugais, Karim Benzema, il est français. Nîmes Olympique. Ah ouais, putain, il doit bien jouer là-bas. L'Union Sportive de Luzénac. Non, c'est pas ça. Marseille, non plus. Et alors le RC Épernay Champagne. Voilà, ah, il joue là-bas, ouais, vous avez raison, ouais. Karim Benzema, il joue là-bas, vous êtes bien là. Bon, si vous avez la bonne réponse, allez-y, c'est un club espagnol, voilà, il a gagné la Ligue des Champions là, Casillas joue dedans, il y a Varane aussi, hein, Rafael Varane, aussi un Français qui joue dans ce même club. Si vous, et puis évidemment, concurrent légendaire, concurrent de toute histoire, évidemment, avec le Barça. Si vous avez la bonne réponse, dans quel club joue Karim Benzema, vous envoyez simplement jeu et la réponse au 64 900. Et qui sait, le maillot de foot sera peut-être pour vous, comme je l'ai dit, si vous voulez tenter votre chance, allez-y. De 1, il est tard, de 2, on est pendant les grandes vacances. Il y a moins de gens que pendant l'année, évidemment, qui jouent et qui écoutent l'émission, forcément, puisqu'il y en a beaucoup en vacances. Donc allez-y, c'est peut-être le moment ou jamais. Jeu et la réponse au 64-900. Mélodie, qui dit ah la vache, tant qu'il aura pas reçu la tablette, il y croira pas celui-là. Et encore, c'est violent, sérieux, du jamais vu, trop fort, les gars. Par rapport à quoi? Par rapport au canular. Ah, si, le canular. Ah oui, de tout à l'heure. Ah oui, oui. C'est vrai, le chéri, je peux te faire cocu, qui était hyper ultra violent. D'ailleurs, il y a la vidéo qu'on a mis sur le Facebook, le Twitter et même sur le YouTube, bien sûr. Tapez M.I.K.L. officiel pour aller la voir. Elle est juste d'une violence sans nom. Voilà. Ah oui, non, le mec, c'est ça. La vidéo est là, allez voir et partagez-la avec vos amis. Et enfin, Patrick qui dit lol, bonne idée de faire profiter ça aux gens qui n'ont malheureusement pas su suivre trop fort. Bah voilà, donc c'est par rapport à tous ceux qui ont vu la vidéo. Elle est dispo depuis tout à l'heure, donc tapez M.I.K.L. officiel sur YouTube, Facebook et même Twitter pour aller voir cette vidéo du chéri je peux te faire cocu de tout à l'heure qui était juste sur méga violent. Bon, Damien est avec nous. T'es là, Damien, le canulariste? Ah là là là là. Damien? Ouais, Michael, tranquille. Ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon. T'es dans une bouteille ou dans un trou du cul? Non, rien, je suis pour faire un peu malveillant. D'accord. Ah d'accord, attends, on va d'abord faire ce Toff, hein. On commence d'abord par les mauvais et puis on termine par toi. Attends, c'est normal. Attends, pour Toff, j'ai un numéro pour Toff. Ah bah tant mieux, très bien. Bon, tu le donnes, Damien? Alors c'est le 0. Non, non, si, vas-y, ouais. C'est 0. Ouais. Vas-y. 4, 4, 9, ouais. 19. D'accord. C'est comme... Ouais. C'est un peu long ce numéro. Et le 5. Oui, le 5, et ben voilà, et numéro complémentaire de 12. Tu vas voir, il va être parfait celui-là. Ah bah attends, on l'appelle tout de suite alors, d'accord? Ça marche. Attends, bouge pas, on l'appelle. Reste avec nous, Damien. D'accord. Allez, reste là. Donc on va faire les appels malveillants du coup. Bah, on va appeler le pote de Damien alors. Enfin, le mec de Damien. Allez, c'est parti. On y va. Donc tout ça pour on se demandait donc combien de... Enfin, les gens qui regardaient les films porno transsexuels. Bah Damien doit en regarder lui. Bah peut-être. Mais qui regardait ces films porno justement transsexuels? Et ben d'après un sondage, 80% des gens qui regardent les films transsexuels sont des hétérosexuels. Oui, c'est ça qui est ouf. Qui est ouf. Donc on y va, on appelle le pote de Damien. On y va, Damien, t'es sûr, hein, il est gentil, hein. Tu peux me marier à 4 ans? T'inquiète, ça sera un nouvel ami pour lui. Ah, sa nouvelle amie, bah parfait. On y va, on l'appelle, hein. Reste avec nous, Damien. D'accord. Allez, vas-y, c'est parti, on y va, on l'appelle. Mais décroche pas le pote de Damien, là. Eh ben, décroche pas. Oui, bonsoir madame. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà regardé des films pornographiques transsexuels. Oui, bien sûr. Allez, bonsoir. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Allez vous faire foutre. Mais enfin madame. Ah, pas mal. Ah ouais, fort. Ouais, il est fort. Bon, Damien, hein, ton pote. Attends, enfin, ta pote. Rappelle-le, ça va y avoir le gadjo. Ah ouais, alors attends, on rappelle alors. J'espère que c'est le mec qui va décrocher. Attends. Il décroche plus. Ah merde. Oh PD, enculé. Enfin, pourquoi vous dites ça, madame? Allez, qu'est-ce que c'est pas ça. Attendez, je vais appeler la police, vous allez voir. Vous voulez pas répondre? Espèce d'imbécile. Mais répondez à ma question, allô. Non, elle a nouveau raccroché. Merde. Attends, on rappelle encore un coup, là. Imbécile. J'espère qu'on va voir le gadget, là. Comme bah ouais. Damien. Bah oui. S'il est chaud. Il faut y croire. Allez. Qui était l'appareil? Oui, je m'appelle Toff, monsieur. Pardon? Non, je dis je m'appelle Toff. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, c'est mon nom, monsieur. Est-ce que ça vous prend souvent de réveiller les gens pour poser des questions si idiotes? Mais non, monsieur, ça me prend pas souvent, enfin tous les Alors jours, mais... Alors pourquoi l'avez fait avec moi? Bah, parce que, en fait, j'ai fait votre numéro parce que je voulais votre réponse, monsieur. Eh ben, écoutez, moi, je vous dis merde à cette heure-ci. Oh voilà. Non, monsieur, non, ça se fait pas. Oh! Ouais, il m'a dit merde. Allez, bravo, Damien, ouais, super numéro, ouais. Hein. Attends, j'ai besoin de deuxième. Ah non, bah attends, bah là on va en utiliser un autre là. Tu veux faire les appels malveillants pour dire quoi, toi? Pour dire si sont éjaculateurs précoces. Ah ben parfait. Bon, on y va, on appelle alors. Éjaculateur. Éjaculateur précoce. D'accord. Donc je rappelle que Damien est un canulariste. Ouais. Il s'est autoproclamé canulariste. Bon, qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Et donc en gros, il veut remplacer Toff l'année prochaine, quoi. C'est ça, hein, Damien. Ouais, bon, très bien. Allez, bah c'est parti. On y va, on appelle. C'est parti. D'accord. Allez, sois bon, hein. Va droit au but, n'oublie pas de placer le pas de ça entre nous. Et place ce soir, j'ai mangé une carotte. Okay. Allez, c'est parti. Allô ? Oui, bonsoir. Oui ? Oui, bonsoir. Oui. En fait, je vous appelle pour savoir. C'est qui là ? C'est DR. C'est qui ? Le DR, vous ne connaissez pas ? C'est qui ? C'est pour savoir si vous avez mangé non, une carotte. Oh, je vous ai parlé là, je vous ai parlé. Oui, je veux savoir qui c'est. C'est DR, c'est mon nom. C'est quoi ton nom? Je comprends rien. DR. C'est pas un nom, c'est des initiales ça. Oh, répondez à ma question. Chérie, il y a un connard au téléphone. Attends, passe-le-moi. Allô. Oui, bon. Oh, culé, qu'est-ce que tu veux là? Ben, je veux savoir, bon, manger une carotte. Tu veux savoir quoi là? Ta gueule, Thérèse là, qu'est-ce que tu veux là? Oh, passe entre nous. Qu'est-ce que tu veux là? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? T'as vu l'heure qu'il est là, enculé? Oh, passe entre nous. Pourquoi tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle pour savoir si j'en ai rien à foutre de tes questions de merde là. Qu'est-ce que tu veux avec tes conneries là? Tu veux que j'appelle la police? Parce que t'es sur table d'écoute là. Vous pouvez l'appeler si vous voulez. Ouais, mais t'es sur table d'écoute là, justement, la police elle est là. Ta gueule, Germaine! Va te faire enculer! Vous-même. Pauvre con là, retourne à la cuisine toi la grosse. Vous-même. Bon, qu'est-ce que tu veux toi au téléphone? Ben je vous appelle en fait pour savoir si. Eh ben va te faire enculer. Ouais, c'est un gros con de toute façon. C'est pas gentil du tout. Non. Bon, il a raccroché Damien, ils ont raccroché là. T'as pas placé la carotte? T'as pas placé la carotte Damien, tu m'as déçu là. Je l'avais classé, sauf qu'il a répondu vite. Ah merde. Ah ouais. Bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Attends, voilà, on fait mon numéro sinon, parce que le mec, il est chaud bouillant. Ouais, bah vas-y, on fait ton numéro alors. Ah, c'est parti, ça sonne. Non mais c'est bon, on l'a, t'inquiète pas, transmission de pensée, on l'a. Oui, hello. Oui, allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir mon petit. Oui, bonjour, en fait, je vous appelle parce que j'ai mangé une carotte et je voudrais savoir si vous êtes éjaculateur précoce envers votre mari. Bon, écoutez, vous savez, mon petit jeu, je suis seul depuis bien longtemps, hein. Alors, ça fait bien longtemps, j'ai tapé des meufs ici, là. Comment? T'as dû te taper des PD, je pense. Écoutez, je ne comprends pas ce que vous me dites. Attendez, je mets mon appareil. Oh, passe entre nous, hein. Je sais que vous entendez, passe entre nous. Oh, je vous cause. Oh! Attendez, je mets mon appareil! Oh, ça va pas durer 2 heures. Oui, allô? Oui, allô, oui, bonjour. Vous parlez moins fort, j'entends trop. Je vous appelle pour savoir... Parlez moins fort, j'entends trop. Je parle moins fort, pourquoi? Vous êtes sourde ou quoi? Ah, écoutez, attendez, je monte la télé. Trop court, Marc. Non. Qu'est-ce que vous voulez? Enlève le haut-parleur, les mains libres. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous entends pas. Éteins ta putain, un baisse-toi, le son de ta putain de télévision de merde. Je vous entends mal. À la jeune fille, ce mais putain, baisse ta putain de télévision. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez. C'est elle qui propose. Je vais appeler la police. Oh, passe entre nous. Passe entre nous, je vais manger une carotte. Bah écoutez, je ne comprends rien. Écoutez, je vais raccrocher. Mais raccrochez pas, baissez votre putain de télé de merde, baissez votre putain de son. Attendez, je baisse. Allez, baissez, encore. Oui, je te l'ai passé d'augmenter, Carpa. Ah ouais, je t'ai passé d'augmenter ton petit test. Bon, écoutez, je n'entends pas ce que vous me dites, je raccroche. Tu m'as donné de... Je raccroche, de fil à tordre. Oh, allez, au revoir, mon petit. Non, raccroche pas ton couille. Bah, la raccrocher, hein. Bah ouais. Putain, mais la télé forte, elle est une malade. Bah non, bah écoute, elle entendait mal, hein, si tu veux. Bon, t'as été très bon, en tout cas, un canularis, ouais. Mec, je pense que j'ai reçu un SMS du boss de la radio, ouais. Qui m'a dit, putain, c'est une perle, il faut me virer cette tête de merde de Toff et le mettre à sa place. Donc, on est en train de voir pour les contrats, là. Ça tombe bien, je cherche du travail. Non, pour les contrôles. Mais voilà, on va gérer les contrôles. Bon, c'est les contrôles. Voilà, c'est les contrôles. Bon, écoute, on te rappelle demain. On fera un contrôle à la fin. On te rappelle demain pour voir, on essaiera d'avoir le boss au téléphone. Ça marche. Bon, à demain, le canulariste. À demain. Allez, salut, Damien. Bah, c'est notre quota. C'était drôle. Oui, gentil. Mais ouais. Aurélie avec nous. nous de l'aigle. Salut Aurélie. Salut. Ah, oh là là. Salut les Funtos. Ça, le quoi? Les Funtos. Les Funtos. C'est quoi? C'est les auditeurs portugais de Fun Radio? Non, c'est de moi. Ah d'accord, je peux pas me permettre, parce que moi-même étant portugais, mais je peux me permettre. C'est quoi les sphinctos? Les funtos. Rien, c'est une longue histoire. Ah bon? Bah justement. Non, mais j'aurais aimé la partager. Mais bon. Qu'est-ce qui t'amène, Aurélie? En fait, je voulais faire. Tu veux faire canulariste? Oui, allô. Non, pas de canular. Je ferai un canular la prochaine fois avec ma voix de ventriloque, ça sera pas mal. Bon, ouais, vas-y. T'es en ventriloque? Mais c'est bien la radio, on va bien voir. Ah, là, oui, parce que bon, ventriloque, c'est. Pas oui. À la radio, c'est pas. Vas-y, fais le ventriloque. Regarde, moi aussi, regarde, c'est la petite marionnette, là. Non, tu fais l'animateur de radio, là. Salut. Oh mon dieu. Oui, qu'est-ce que tu nous racontes, ça? Oh putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu nous racontes? Bon, je vous annonce, je vais. On avait pas dit qu'on alternait entre les mecs, entre Damien, Anthony, Jean-François. On essayait d'alterner, pas deux à la suite. Voilà. Bon, donc tu fais ventriloque alors? Oui. Mais on s'en fout, la radio, ça se voit pas. Je parle à qui là? À Jean-Marc. À qui? À Jean-Marc. Ah, c'est Jean-Marc? Ouais. Ah, bah, l'autre chose maintenant. Jean-Marc la chaussette, c'est ça? T'as une petite chaussette avec des boutons dessus? Non, j'ai vraiment une marionnette. Ah bon, non, d'accord. Donc là, t'as une marionnette, là, vraiment, pendant que t'es au téléphone, t'as une marionnette? Non, et... non. Ah bah, il faut la prendre. Comment tu veux qu'on prenne au sérieux, sinon? Ah non, mais j'ai pas besoin de la voir tout le temps. À la radio, ça se voit pas, c'est pas grave. Ah bah si. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Ouais, je vais la mettre, là. Voilà. Ah bon, bah, vas-y, alors, attends. C'est par souci de détail. D'honnêteté vis-à-vis de l'auditeur. Exactement. C'est de l'honnêteté, madame. Ça y est, tu l'as mise? Il a fait sa blague, il est crétin, il a fait son canular, il est crétin, hein. Là. Mais tu l'as mise là, la marionnette, hein? Eh oui, je l'ai mise. Ah bah, ça s'entend, hein. On sent tout de suite la différence. Non mais c'est vrai, tu joues mieux avec la marionnette. Il a fait son canular, il est crétin. Ouais. Il est crétin. Et c'est bien. Mais t'en fais ton métier, je veux dire, ou c'est comme une passion? Pour l'instant, j'essaye de me faire connaître. J'en fais pas spécialement mon métier, en fait. Le truc, c'est que, à défaut de trouver un emploi et tout ça, ça passe le temps. C'est-à-dire que si tu vas chez un employeur et que tu fais le ventriloque, évidemment, avec la marionnette. Non, mais c'est pas ça. Mais non, mais j'étais dans la cuisine, un peu, je cherchais des emplois de cuisine et tout ça, puis un peu dans les usines, enfin, un peu partout où je pouvais. Mais bon, comme ça ne donne jamais rien, les offres d'emploi et tout, j'ai beaucoup postulé. Bon, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai tout claqué. Est-ce que tu y vas avec Jean-Marc quand tu vas une offre pour postuler, tu vas avec Jean-Marc ou pas? Non, j'y vais pas avec Jean-Marc. Tu devrais essayer, hein, peut-être ça passerait mieux. Non. Ouais, bah oui. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, du coup? Moi, en fait, quand j'écris des textes, j'ai du mal à écrire des textes, et je sais que Fun Radio est une très grande radio. Et puis, je voulais faire passer une adresse email spéciale pour... Une adresse email? Oui, j'ai une adresse mail pour s'il y en a des auditeurs qui auraient des idées pour pouvoir m'aider dans mes sketchs. Bien sûr, bah écoute, vas-y, alors, donne-la. C'est quoi, vas-y, dis-moi. sdv61@laposte.net. Très bien, voilà, donc sdv61@laposte.net. Voilà. Très bien, bon bah voilà, si vous avez envie de filer un coup de main à Aurélie, hein, n'hésitez pas. Voilà, Polo va de suite t'écrire d'ailleurs, parce que lui aussi est écrivain. Donc, sans problème. Bah écoute, Aurélie, écoute, merci d'avoir appelé en tout cas, et puis bonne chance pour la suite. Hein. Il est content. Eh bah ouais, tu nous refais un petit coup là, comme ça là? Je voulais poser une question. Ah oui, voilà. Est-ce qu'avant minuit, on pourrait avoir la chanson sur la radio C'est la vie? C'est la vie. C'est la vie. Oui, Caleb qui est passé il y a 2 ans, qui passait à la radio. Ah ouais, mais il y a deux ans, il faut vivre dans son époque maintenant, hein, c'est terminé ça. Non, là on n'a plus le temps malheureusement, la partie fun arrive. Ouais, ça pousse. Ouais, et puis il y a surtout Polo contre le reste du monde avant. Et Polo contre le reste du monde, évidemment, oui, tout à fait, oui. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Et Toff, peux-tu chanter C'est la vie, vite, c'est les 5 secondes là. Ça va comment, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Ah bah oui. Et bah voilà, c'était parfait. Et bah merci Aurélie. Ouais, merci. Salut, merci. Hein. Merci d'avoir appelé. Hein. À bientôt Aurélie. Ciao à toi. Est-ce qu'il y a un lien avec la chaleur? Je sais pas. Leur cerveau en train de fondre à tous ces gens. Bah peut-être, je sais pas. Bon, on va faire Polo contre le reste du monde dans quelques minutes. Et puis quelques réponses qui sont arrivées encore aussi par rapport à la grande question là. Dans quel club joue Karim Benzema? Il vous reste 10 petites minutes pour vous inscrire. Envoyez jeu et la réponse au 64-900. Dans quel club joue Karim Benzema? Il y a Thomas qui dit Benzema joue RC Lusia. Bien sûr. évidemment. Au SAS Épinal. Et oui, Karim Benzema joue là-bas. Au Poney Club en Ukraine. À l'US Wittenheim, bien sûr. Il joue en France, c'est Samuel. Oui, mais on veut le club, pas l'équipe nationale. À Lille, non, c'est pas ça. Au club sportif Louan-Cuiseau en 71. Au FC Bourgoin-Jallieux. Non plus, non plus. Bon, continuez, c'est bien, vous avez de l'imagination là pour le coup. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, c'est un club, c'est un grand pas très club. Très connu, a priori. Oui, très connu. C'est une capitale européenne. Hola, que tal? Et ils mangent beaucoup de churros. Si vous avez la bonne réponse, donc vous envoyez JEU et espace la réponse au 64-900 ou alors au 63-22 si vous êtes en Belgique et vous repartirez avec tout simplement votre maillot de foot au choix de l'équipe de votre choix, équipe nationale, bien entendu, donc France, Espagne, Belgique, Portugal, Suisse, États-Unis, Brésil, l'Argentine, etc., etc. À vous de jouer, tirage au sort dans moins de 10 minutes. Vous restez sur Fun Radio, il y a Party Fun qui va débarquer dans moins d'un quart d'heure. Restez là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies. Mickaël, lui, tel injusticier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël, nos limites. Tous les dimanches, 20h à minuit sur Fun Radio. Et puis on est là la semaine également, en tout cas cette semaine là, jusqu'à dimanche prochain d'ailleurs inclus. On sera en direct avec vous pour vous tenir compagnie, là même pendant le début des vacances. Il n'y a pas de problème, 23h52 sur Fun Radio. Et puis on va également reprendre la vite fait. Hey Wesley! Ouais, allô. Il paraît que t'es en train de gueuler au standard là, ça ma gueule. Chiant, hein? Bah attendez, vous m'appelez et tout et après vous me laissez en plan comme ça. On te laisse en plan, on attend qu'il y ait les Bruxellois qui appellent pour te donner un plan là. Si on avait des Bruxellois qui nous avaient appelé, on t'aurait repris plus tôt. Et je lui ai expliqué en plus en antenne ça. Ah oui, c'est lui Wesley. Qui voulait rester. Bah oui, voilà. Ah, donc, regarde, vas-y, bah allez. Si ah bah voilà. C'est pas grave. Non mais il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous êtes sur Bruxelles et que vous voulez faire la visite à Wesley, de la capitale de l'Europe, eh ben il vous reste 8 minutes pour appeler et puis on passera les numéros à Wesley. 02 851 4x0. Appelez-nous maintenant ou alors vous faites. T'as pas un mail Wesley là où il pourrait vous direct écrire un mail facile hein. Un mail, ouais non, mais s'il n'y a pas de numéro qui appelle, ouais, c'est pas bon, grave. Bon bah alors c'est pas grave, bon bah 02 851 4x0 et puis on tient en jus Wesley, y'a pas de problème, d'accord? Bah sinon je peux gratter un truc au standard. Eh bah tu vas gérer ça, je te repasse Sandro là maintenant. Ouais ça va nickel. Salut Wesley, ciao à toi, à bientôt hein. Salut, toi, ouais. Le cul, je vous écoute depuis que je suis ici parce que je galère. Ah bah écoute, donc, c'est gentil. Ouais. Ça va, vous êtes pas mal. Bon moi comme ça tu passes le temps, c'est bien, moi les soirées passent plus vite. Ouais, bon salut Wesley ma gueule, ciao à toi. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao, Wesley. Bon, et puis il y a plein de messages sont arrivés là. Pas possible qu'ils existent des mecs pareils sur Terre là. Ah oui, par rapport à Damien, tout ça. Coco qui dit après le canularis, c'est un ventriloque. Ça y est, c'est officiel, cette émission se barre en couille. Non, gardez Toff, il est plus marrant, c'est Cassie aussi. Et puis vous êtes énorme dans cette radio là. C'est Thomas qui avait envoyé le message. Et puis vous êtes des malades de la friterie Alba, Charleroi. Évidemment qu'on est des barrés, c'est oui. Le sens. Bon, dans un instant, je tire au sort donc pour savoir lequel d'entre vous repartira avec le maillot de l'équipe de son choix. Pour ça, il faut me dire dans quelle équipe, dans quel club joue Karim Benzema. Vous envoyez simplement jeu et la réponse au 64-900. Et puis là, il y a un Doux qui est passé nous voir, là, qui voulait devenir Doux officiel. Je te passe Polo, bien entendu. Le Doux. Oui. Oh là, parle plus fort, mets-toi devant le micro. Devant le micro. C'est bon, quoi ton prénom? Plus fort. Approche le micro, ta bouche, là, n'hésite pas, voilà. Jérémy. Eh ben voilà. Jérémy, tu as décidé en ton âme et conscience de devenir Doux officiel. Oui. Je vais te baptiser en direct, c'est un des rares avec la douce Fada qui s'est fait baptiser en direct live. Il y en a un deuxième qui s'était fait baptiser là. Oui, je sais le petit là, je sais plus. C'est vrai. Et donc pour cela, tu sais ce qu'il faut faire. Moi, oui. Polo, grand général de l'armée des Doux et grand maître incontesté de la confrérie des Doux, je vais te baptiser. Jérémy, mets-toi à genoux. Prends ton micro avec toi. Mets-toi par là. Voilà. Qu'on le voit, il est bien mis à genoux, c'est parfait. Jérémy. Oui. Bon, comme il y a ton père, insulte-toi, mais avec des insultes correctes. Je suis un con. Un idiot, des valises. Un idiot. Voilà. Un trou de balle. Encore. Un enfoiré. Bon, ça suffit. Jérémy, est-ce que tu as ton micro dans la main droite? Oui. Prends-le et tape-toi sur la tête. Pas sur tête. Casse pas le micro. Hein. Ça suffit, Jérémy. Jérémy, tu es un Doux officiel. Bravo. Bravo. Et comme tu es quelqu'un de corporate et t'adores la radio, tu seras le Doux Fun Radio. Voilà. Merci. Daria, tu peux te relever, regagne ta place. Le Doux Fion Radio. Le Doux Fion Radio, c'est pas mal. Non, le Doux Fun Radio, très bien. Bon, bah du coup, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, changer ton pseudo, tout le bazar, etc. Hein. Oui. Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc., c'est parfait. Et donc ce Doux-là qui nous vient du Havre. C'est ça. Très bien, parfait. Bon, tu passeras nous voir la prochaine fois qu'on va aller faire un petit laser game avec Polo. Bah bien sûr. Bon, eh ben nous voilà rassurés, c'est parfait. Bon, eh ben bienvenue dans la communauté des doux, le doux fan radio donc. Et puis bah c'est parti pour Polo against the rest of the world. Allez. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde, vous êtes sur Fun Radio, je suis Polo et voici le reste du monde, des tarés à moitié faits, à moitié idiots, ici, dans cette émission. Gaëtan, je t'écoute. Oui, Polo. Ouais. Je peux venir d'où? Ah, mais pas là, mais on peut pas passer notre temps à baptiser, tu comprends Gaëtan? Ouais. Bon, reviens demain, d'accord? Demain. Ok, attends deux secondes, Aurélien, je t'écoute. Salut ma petite couille, ça va? Salut, qu'est-ce que tu veux? Toi, ta couille? Ça va très bien, ouais, qu'est-ce que tu veux? Eh ben, j'ai une bifle avec. Allez, casse-toi, Victor! Ouais. Ouais, je t'écoute. C'est le doux poisson. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Bon, bah alors dégage d'ici. Timothée! T'as une console? Une console de quoi? Bah, de jeu. Eh, hey, dis-moi, tu vas passer tous les jours à me poser des questions à la con comme ça? Ouais, ouais. Ouais, bah, c'est, tu crois que je vais répondre à des questions de merde comme ça? Ouais, ouais. Bon, d'accord. Le fou! Ouais, je bâtard. Eh, hey, tu vas arrêter de m'insulter, toi, tête de con, va. Bah, comment tu vas depuis mercredi, oh. Ça va très bien, j'en ai rien à foutre. Mais ferme. Allez, casse-toi, la planchette. Marion! Oui, bonjour, c'était pour passer le titre dédié à Jimmy. Vas-y, vas-y, fais-le. C'était pour dire que je l'aimais très fort, puis que je veux que qu'il me marie. Qui te marie? Tu veux que je te marie? Ouais, voilà, vas-y, marie-moi. Mais il est où, le mec? Ah, je sais pas, je l'ai bon, rappelle-moi demain, je te marie, d'accord, Marion? Ok, pas de ok, reste chose. Ici, la grosse. Je suis vraiment ramadan, ça fait une semaine et puis j'ai pas réussi à faire une journée encore. Ouais, mais en fait, hey, tu fais pas le ramadan la grosse, alors arrête de nous suivre. Écoute-moi. J'ai entendu parler de fin de midi à Bruxelles. Je vais aller me taper des choses, des crêpes, des quoi. Ouais, mais en fait, si tu fais le ramadan, tu ne peux pas manger la journée. Mais si, je vais manger comme une grosse vache toute la journée. Du cassoulet, de tous les plats. Bon, calme-toi la grosse. Gaëtan, le retour. Ouais, ça va Polo. Ça va très bien, qu'est-ce que tu veux Gaëtan? Ouais. Non, j'ai non, rien. Bon, ok. Aurélien. Je crie dans la gueule, connard. Avec plaisir. On fait ça quand? Ce soir. Ce soir? Mais on se donne rendez-vous? Dans ton cul. Ok, avec plaisir. Victor, je t'attends. Victor. Ouais. Tu sais jouer au foot? Ouais. Timothée. Ouais, teuf. Non, c'est Polo. T'as c'est Polo. Va réviser tes classiques. Le fou. Tu te dédies à Emma. Ouais. Puis je suce ma bite. Ok, avec plaisir. Le fou. Le fou. Ouais. T'as vraiment rien d'autre à faire dans ta vie, toi. Et attends, ferme ta gueule. Eh, hey, casse-toi, tu me parles pas comme ça. Marion. C'est trop beau, un truc de malade, Polo. Tu dois confondre, c'est pas moi, si? C'est toi. Bon, d'accord. La grosse, le retour. Ouais, le retour. Il va falloir que je sorte de résidence, putain de ramadan, là. Je comprends pas ce que tu dis, la grosse. Est-ce que t'as des conseils pour le ramadan? Mais j'ai pas de conseils à te donner, mais... Le ramadan, c'est dur. À 3h du matin, tu peux plus manger. Moi, à 3h02, je me gave déjà. J'arrive plus à tenir une seconde. Ouais, mais qu'est-ce que je te dis? Mec, j'ai pris une bouteille de coca, je l'ai tué en 3 secondes, le litre. Ouais, mais écoute, et j'ai pas de conseils. J'ai pété ta grand-mère après. Ouais, mais j'ai pas de conseils à te donner. Enfin, démarre-toi. Oh, tu me verrais, t'aurais peur. Hein. Je suis une putain de grosse. Y'a pas de soucis, allez, bon, on va terminer ce Polo contre le reste du monde. Allez, dernier tour. Gaëtan, conclusion, s'il te plaît. Générique. Ok, générique. Aurélien, conclusion. Faire une dédicace et générique. Vas-y, dédicace. À la 12 fanas sur Twitter et à Cédric Off aussi. Super. Oh, Victor, conclusion. Tu fais le ramadan. T'es relou avec tes questions, toi. Victor, c'est tout? Ouais, moi, non. T'inquiète. Allez, casse-toi d'ici. Timothée, conclusion. Je peux avoir un patron, s'il vous plaît? Ouais, reste, on te prend en antenne. Le fou. Le générique. C'est tout? Ouais. Ciao. C'est Marion, conclusion, s'il te plaît. J'ai rien à dire. Ok, bah casse-toi alors. Et puis pour terminer, la Segro. La Segro, elle veut faire le générique. Elle veut manger du sucre. Elle veut manger des gaufres et de la bonne crème au chocolat. Super, alors tu restes là. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Mais bon, écoutez. Et merci Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Eh ben minuit tout pile. Hop là, il y a Axel qui dit Mickaël, message de bienvenue en plus, vous avez trop la classe toute l'équipe. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Tiens, je vais t'en mettre un petit là, attends. Tu es un enculé. Voilà. Tu es un enculé. Exactement. Ferme ta gueule. du con. Et toute la famille était là également. Et Louane aussi, salut les gars, première fois que je vous écoute, faites-moi rêver. Ah bah c'est gentil, bon t'arrives un peu tard, mais demain on sera de retour à partir de 20h. Donc soyez bien au taquet, bien entendu. Et puis le gagnant foot, c'est parti, on y va. Quelqu'un qui propose encore Benzema joue FC Je t'encule bâtard. Il joue hier c'est mon cul. Olympique Sosané, FC Top du Brésil, KFC, Union Belin Beliette dans le 33. Allô. Allô, salut, comment tu t'appelles? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Flavien, eh ben bienvenue à toi Flavien, t'as quel âge, dans quelle ville toi? J'ai 18 ans et j'habite à Perpi. D'Aperpi, d'accord, ok, très bien. Bon, dans quelle équipe il joue Karim Benzema? Au Real Madrid. Eh oui, Real Madrid. Eh ben bravo, tu repars du coup avec le maillot de football. Tu veux quel maillot, quelle équipe? Pays. Oui, pays, ouais, bien sûr. La France. Eh ben l'équipe de France. Bravo. Très bien. Très bon choix. Eh ben il y a pas de problème, c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer, on va t'envoyer ça rapidement. Eh ben écoute, bonne soirée à toi en tout cas, tu restes au standard, on va prendre tes coordonnées dans quelques minutes et puis on rejouera demain avec d'autres tablettes à gagner et puis avec d'autres maillots également à gagner aussi. Salut à toi, à bientôt. Merci Mickaël. Ciao. Merci à toi d'écouter Fun, surtout pas de problème. Bon, on va se faire le générique de fin là. Attention, ouais. Attention, un générique de fin, on va se faire ça. Vous êtes là Gaëtan, Aurélien, le fou, la grosse. Oh, ça va à nouveau être chaotique. Allez, c'est parti là. Oh là là. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer pas l'enculé. T'es un enculé, t'es con, donc y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ta gueule de merde, t'as l'enculé. Là c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou plus manger qu'avant que ton oncle toute la journée. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des mitards, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te fait enculer. Toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés. C'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'ils sont fatigants. Allez, cassez-vous tout le monde. Hop là. Et ben voilà, l'affaire est pliée. Ouh, minuit 3 sur Fun Radio. Party Fun va débarquer dans un instant. Et puis ben merci à vous d'être passé ce soir, hein. Ça va, vous êtes bien marré? Vous avez pas eu peur? Prenez le micro. Vous avez pas eu peur de la gueule de Toff? Non. T'es sûr, hein? Oui. Et ton pote non plus, il a pas eu peur de la gueule de Toff? Non. On t'entend pas. Non, bon, ça va alors. Bah comme ça, tu vois, c'est des guerriers eux. Ouais, ils ont ouais, pas eu bien. Peur. Alors vous que les autres d'habitude. Oui, je fais une dédicace à Johnny, mon frère. Très bien. Salut. Eh ben voilà, on l'embrasse. C'est lui qui m'a piqué plein d'autocollants là quand on l'a vu au Havre au Caliente là. Ah oui. Enculé là. Je me souviens de lui, le mec il a gratté toute la soirée là. Voleur. Bon, allez, bon, de toute façon, on viendra au Caliente au mois de septembre au Havre, pas de problème. Bah merci d'être venu en tout cas. Merci au papa qui s'est fait chipper en 4 heures. Il a attendu que ça le passe. Pauvre, là. Le pauvre. Il se marrait, il est fan de moi le papa. Bah oui, bah ça m'étonne pas. Il veut des autographes et tout. Il voulait participer à Polo contre le reste du monde. Et Thomas qui dit vous avez changé les horaires, c'est à 20h ça commence maintenant. Oui, jusqu'à dimanche prochain et puis après ben, au retour de vacances au mois d'août, là on sera de retour bien sûr à partir de 23h, 2h la semaine, 20h minuit le dimanche, tranquille, sans pub et tout. Il y a trop de pubs à ce moment-là. Bah oui. Bon, bah passez une bonne nuit en tout cas, c'est Party Fun qui prend les commandes là maintenant. On se retrouve demain nous à partir de 20h. Passez une excellente nuit, à demain tout le monde, ciao! Party Fun avec Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.